Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro de Casse sur Table. Avec moi, autour de la table des nouveautés, je suis avec Nécro. Salut. Arthur, c'est déjà ton prénom, j'avais oublié ton prénom. Non, je suis désolé, c'est beaucoup trop humiliant. Ouais, désolé, je peux pas faire l'intro. C'est humiliant. Salut. Oui, coucou. Et Sam. Bonjour. Et Chris. Ouais. Il fait toujours aussi bien son travail. Christopher, tu me connais depuis combien d'années? 4 ans, je crois. 3 ans, 4 ans. Bon. Ah, depuis. je pense que ça se passe de tout commentaire. Non, ça suffit. Je crois que le fait de faire le défi alcool juste avant, c'était pas une bonne idée. Ah, putain. Surtout pour viser droit. Quoi? Vous pouvez pas comprendre, arrêtez de poser des questions. Ce podcast commence très bien. Comment allez-vous, mes chers camarades? Ben, très bien. Est-ce qu'on parle de notre aventure hier Vas-y, je te sens joyeuse d'avoir vécu ça. Alors, je tiens à remercier l'autrice de Des fleurs de grand frère, Gaëlle... je suis pas sûr de la prononciation. D'accord, ok. Qui a été vraiment formidable. On a pu faire dédicacer du coup les fleurs de grand frère. Parce qu'elle était en dédicace à Reims. Elle était en dédicace à Reims. Incroyable. Mais voilà, c'était une personne formidable avec qui on a passé un très bon moment chacun. Vous voulez un petit peu... Oui, pareil, très gentil. Ça a été un peu une surprise d'avoir, parce qu'on ne savait pas qu'elle venait, sinon on aurait prévenu. mais si vous voyez d'autres dédicaces d'elle, n'hésitez pas à y aller. Et encore une fois, acheter les fleurs de grand frère. Donc, la dernière fois qu'on a parlé, il y a... C'est le dernier épisode. Ouais, l'épisode. Ouais, c'est ça. Alors, la grosse surprise, c'est qu'elle nous a écoutés, en plus, si j'ai bien compris. On fait de l'autopub, c'est ça qui est incroyable. Du coup, faites de même, allez écouter. C'est ça. Voilà, c'était tout pour moi. Eh bien, écoute, est-ce qu'on n'aborderait pas le programme de cette émission tout de suite? Mais oui, bien sûr. N'est-ce nous, pas nous en sommes en train de chercher. Voilà. Merci, assistant numéro 1. Donc vraiment, là, j'ai plus de prénom. Tu l'as oublié une fois, maintenant je suis l'assistant, quoi. C'est ça, je suis l'assistant, comme dans Horizon Ghoul. L'homme au café, le secrétaire. Assistant. Nous allons parler d'un titre édité par Glena Comics. Issam va nous faire un petit résumé. Snotgirl, écrit par Brian Lee O'Malley, l'auteur aussi de Scott Pilgrim, est dessiné par Leslie Hung. C'est l'histoire de Lottie Pearson, une blogueuse mode très, très populaire et très appréciée, notamment sur Instagram, elle est suivie par je sais pas combien de followers, qui s'est fait plaquer il y a quelques mois et qui a beaucoup de mal à passer à autre chose, surtout que son ex sort avec son ancienne assistante à elle, qui essaie de l'imiter en tout point. Du coup, il faut que je me méfie de mon assistant, voilà, ici présent. Ça. Du fait que je suis mineur, ce serait quand même un peu glauque. Mais dans quelques mois, ce sera moins glauque. Voilà, c'est ça. D'accord. Et un jour, elle rencontre une jeune femme super belle et fan d'elle, surtout, avec qui elle devient amie. Sauf que un soir où une soirée dégénère un peu, cette jeune femme, par accident, va mourir juste à côté de notre héroïne, Lottie. Qui va donc se considérer comme une meurtrière et s'étonner que personne ne parle de ce meurtre. Et à ça, il faut ajouter qu'elle a tendance à avoir un peu une double vie, parce qu'elle a son côté super belle, grande influenceuse parfaite, mais dans la réalité, elle est pleine de complexes et pleine d'allergies, surtout, qui la rendent beaucoup moins sexy et beaucoup moins parfaite, d'où son nom de Snot Girl que lui donne cette fille qu'elle rencontre, qui veut dire un peu la morveuse, on peut traduire ça comme ça. Oui. Alors, petite précision, elle est dans un état tel qu'elle se rappelle plus de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle se réveille en gros à côté du cadavre et... Ouais, c'est ça, elle a un moment d'absence, c'est qu'elle met sur le dos du mélange alcool et médicaments et stress... Mais elle sait pas exactement ce qui s'est passé, elle sait juste qu'elle a tué celle qu'elle prenait pour son amie, et elle comprend pas pourquoi on l'attrape pas, surtout. Globalement, c'est une très bonne lecture, faut passer le chapitre 1, qui présente son univers, et qui présente donc un univers d'influenceuse mode assez superficiel, même si déjà il y a l'héroïne et ses amis qui sont plutôt attachantes, ça reste quand même un chapitre, on se demande un peu où ça veut aller. Mais petit à petit, il y a une ambiance vraiment intéressante qui s'installe, avec un côté presque... Enfin, ça peut verser dans l'horrifique, on sent avec le comportement de l'héroïne, ses absences, des fois ce qu'on peut assimiler à des visions. malgré un trait très coloré et très léger, on sent que ça peut et probablement que ça va dégénérer à un moment. Mmh. Donc, très bonne lecture pour ma part. Bah, ouais. Si tu veux. Ouais. Donc moi, je te rejoins sur le côté que, en effet, malgré les couleurs chatoyantes et très... très coloré, ouais. Je pense qu'il y a un côté inquiétant qui est bien rendu par justement le manque de stabilité du personnage. Ouais. Il plane une ambiance ultra mystérieuse. Et qu'on peut déjà voir sur la couverture, hein, qui est beaucoup plus sombre que la grande majorité de l'intérieur de l'ouvrage pour le moment. Ouais, moi j'ai beaucoup accroché à l'héroïne, que je trouve vraiment cool, justement du fait qu'elle a beaucoup de défauts et qu'elle est pas stable du tout. Et je trouve que c'est assez simple de s'y identifier. Sur différents aspects, parce qu'elle est relativement complexe. Et voilà, non, ouais, pareil, une excellente lecture. Il y a le tome 2 qui est sorti déjà aux États-Unis, parce que c'est oui. Américain, ouais. Donc j'espère qu'on l'aura cette année, en fin d'année, ce serait pas mal. Voilà. À voir, parce que Glénat n'est pas toujours régulier, ouais. Niveau sortie de comics. Mais pour le coup, il y a un cliffhanger qui donne vraiment envie ouais, de lire clairement, la suite. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, toute cette ambiance mystérieuse donne envie de tourner les pages. Vraiment, ouais. C'est compliqué de lâcher le bouquin, quoi. C'est clair. Mais sinon, je rejoins l'avis au début. Enfin, le début, vraiment, de ça, c'est un peu, finalement, une sorte de tuto pour expliquer, bon, alors voilà, le monde d'influenceurs, c'est ça. En prenant un peu tous les trucs, justement, le fait de porter des marques pour les représenter, ce que c'est, le principe de la course aux vues, tout ça, enfin, c'est... Bah, le fait que ses deux meilleures amies, elles connaissent à peine leur nom, parce qu'elles leur donnaient des surnoms, oui. Et qu'elle est assez méprisante même envers elles. Ouais. Ouais. Et puis le côté déprime sur l'oreiller entre deux photos, enfin voilà, c'est... Après, c'est quelque chose qui... Moi, j'ai trouvé que c'était, au niveau du trait, de la couleur et tout ça, c'est vraiment super beau. On rejoint un petit peu le délire, j'ai trouvé un peu Scott Pilgrim, où ça part un peu dans tous les sens. Mais par contre, pour le scénario, j'ai eu beaucoup plus de mal à accrocher, parce que c'est pas du tout un univers qui me plaît. Et du coup, j'étais... Pendant quelques pages, j'étais accrochée par le scénario parce qu'il y a une trame un peu policière. Parce que, et dès que ça parle d'instagrammeuses, d'influenceuses et tout ça, ça me sortait du truc. Rien que les bulles en fait où elles parlent en texto, moi j'ai trouvé facilement, enfin j'ai trouvé ça vite lourd en fait, tout simplement. Mais bon, après c'est quelques bulles par-ci par-là, donc ça gâche pas non plus le plaisir de lecture. Mais voilà, j'ai eu quelques fois où je suis sortie de la lecture à cause de ça. Mais après, ça reste quelque chose... C'est marrant parce que d'un côté, j'ai trouvé que c'était super cool la représentation des persos, les relations qu'elles ont entre elles et tout ça, tout ce côté à la fois virtuel un petit peu de leur relation, parce que elles sont influenceuses, donc elles sont un peu dans le virtuel. Et ce côté très concret après, avec justement la personnalité de l'héroïne qui est complexe, qui est vraiment pas sûre d'elle et qui est... Voilà. Mais du coup... Bonne lecture avec des côtés un peu justement où ça me sortait du bouquin. Quelque chose qui est bien exploité, c'est le côté factice de tout le monde d'influenceurs, enfin tout ce qui est représenté, tout ce qui est apparent, qui se retrouve un petit peu en méta. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, sa vie aussi devient en quelque sorte factice. C'est-à-dire qu'elle sait plus ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé, quoi qu'est-ce, elle d'accord. comprend plus, même le coup de son assistante, ouais. C'est vraiment n'importe quoi pour elle. Enfin, c'est. Du coup, elle sait même plus ce qu'est sa vie. Quoi. Puis ça participe aussi du coup de sa perte d'identité, où elle sait plus du tout qui voilà. elle est vraiment au milieu de tous ces mensonges auxquels elle évolue, auxquels elle est voilà, obligée de participer. Ce qu'elle maîtrise mieux, c'est sa vie d'influenceur qui est encore en train de. Qui est en plus menacée. Donc, En tout cas. Mais menacée par des détails à chaque fois, sa vie d'influenceur. Oui. Elle fait des trucs horribles, mais sa vie d'influenceur est menacée parce qu'il y a une soirée où elle va un peu s'énerver. Oui. Enfin, un peu s'énerver. Elle va pousser quelqu'un dans la piscine. Ouais, elle pousse quelqu'un dans la piscine, mais ça va, c'est pas non plus hyper grave. Ouais, mais dans sa tête, en fait, ouais. C'est l'un des derniers trucs qui tient le coup à peu près. Donc, Il y a aussi un moment où elle considère que sa vie d'influenceuse est menacée parce que justement une de ses potes porte la même robe qu'elle et qu'elle font un concours de likes. Et la culotte. Alors là. Je veux dire. C'est encore un autre perso. Ouais. Ça justement c'est bien, je trouve justement ça montre à quel point elle est enfermée dans ce monde-là et à quel point ça la parasite et ça la détruit en fait. Donc je trouve que c'est plutôt bien rendu ce côté un peu ridicule. Ouais. Bah, pour ma part, j'ai trouvé intéressant justement ce que tu disais que ça reste les SMS et le côté monde des influenceurs et des influenceuses parce que justement ça permet de montrer que tout ce qui se passe, toute sa folie, c'est quelque chose qui est souterrain presque. Et que la surface brillante reste tout le temps là. Et j'aime bien l'univers que ça installe. Oui, parce que limite, les trucs étranges qui lui arrivent, ça lui passe limite au-dessus de la tête, quoi. Bah, ça passe au-dessus de la tête des autres, en tout cas. Ouais. Parce que les autres sont pas vraiment au courant. C'est ça. Voilà. Mais elle, il y a vraiment des moments où elle laisse passer sa vie d'influenceuse bien avant les trucs bizarres qui lui arrivent, quoi. Oui. Elle se remet pas plus en question que ça, quoi. Oui, c'est ça. Ah oui, le personnage est pas toujours adorable. Hein. Non, mais ça, moi, justement, j'aime bien dépeindre un peu des personnages qui ont des vrais défauts, et c'est ce qui leur donne une densité qui est assez intéressante. Moi, ça me donne envie de lire Scott Pilgrim, je sais pas si quelqu'un l'a lu ici. Oui, oui, très bien, Scott Pilgrim. Voilà, qui est réédité en ce moment. C'est un tout autre genre. Oui, sans doute, mais bon, quand on sait écrire une histoire, peu importe le genre, en général, ça tient. Oui. Ça me fait penser qu'il faut que je regarde le film aussi. C'est très bien aussi. Il est excellent, il est vraiment marrant. Et remercier Poppy de Twitter qui a eu une grande place dans la publication de ce titre qu'elle adore et sur lequel elle a beaucoup forcé au sein de l'édition Glénat quand elle y travaillait. Et du coup, c'est un peu grâce à elle. Et du coup, c'est chouette. C'est son moment voilà. Dédicace. Oui, parce que je l'aime trop. Elle te paye combien? Très cher. C'est-à-dire zéro. C'est fou. Elle te paye avec de l'amour. Elle me paye plus que toi. En même temps, accorder de l'amour à ça, ça a de la valeur. C'est bon, tu as fini assistant. Bonjour Poppy. Salut Poppy. Moi je l'aime trop. Faites un duel avec Sophia Lirambule, celle qui nous ramènera le plus d'abonnés. Est-ce qu'on en a fini avec Snoot Girl? Oui. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais. Allez, nous allons passer à un manga cette fois-ci. Édité par Nobinobi, écrit et dessiné par Kenta Shinohara, Astra Lost in Paste, une petite série en 5 tomes. 5 tomes, ouais. On dit plus bonjour aux auteurs, c'est fini. Bah c'est lui normalement qui doit le faire. Donc, ouais, pas mais fait, là, j'ai pas très envie de lui dire bonjour. On est 3 autour de la table à l'avoir lu, il me semble, Issa, ouais. Arthur et moi. Mm-hmm. Bien ça, personne d'autre l'a lu. Univers de SF, une classe qui part en excursion seule. Planétaire sur planétaire. La planète. Une espèce de test fait par leur professeur, un test de survie. Pour leur apprendre la vie en société, quoi. Et c'est ça. Le test de survie qui part un petit peu en cahuète, puisqu'ils sont téléportés dans l'espace à plusieurs milliers d'années-lumière de la Terre, et leur but, ça va être de revenir sur Terre. Hein. Le pitch, il tient sur un petit feuillet de papier. L'enseignement hardcore. Bon, vous allez devoir revenir. Allez hop. Mais c'est un peu hardcore déjà. Ah merde. Mais normalement c'est relativement sécurisé et tout, mais c'est juste qu'eux il leur arrive des bricoles qui font que c'est moins sécurisé. C'est moins sécurisé. Peut-être on précise dès maintenant que c'est le manga qui a gagné le Manga Taisho Awards de l'année 2019. Exact. Qui avait gagné en 2018 Beastars, dont on parlait dans le dernier podcast. Allez l'écouter. Beastars qui est beaucoup mieux, enfin bon, c'est la petite parenthèse. On va énerver Beastars qui est à mon sens beaucoup mieux et qu'il y a un animé en cours de création de Astra. De production, ouais. Pour Beastars. Pour les deux. Ah, pour Astra aussi, qui normalement est prévu pour cette année, mais je sais pas trop quand. Voilà. Alors, revenons sur Astra. Je pense qu'on a tous eu le même, enfin tous les trois, le même ressenti au début. Le premier chapitre est ultra cool et présente une héroïne super sympathique. Ouais. Et. Au tome 2, problème. Non, pas au tome 2. Ah, au tome 2. Au chapitre 2, problème, ce n'est pas elle l'héroïne en fait. C'est un mec lambda qui arrive et qui est comme tous les héros de shonen qu'on a pu lire des années auparavant. Ouais, parce que justement, donc, on nous présente une héroïne qui est pour le coup vraiment super attachante. Super attachante, mais qui est pour le coup un petit pet au casque et qui sort toujours des choses totalement absurdes en voulant bien faire, mais sans que ce soit. Mal écrit, enfin vraiment, je trouve que tous les dialogues sont très très bien écrits, tant que celle qui est sur le devant de la scène. Et dès qu'arrive ce personnage, elle est totalement obstruée, et elle redevient beaucoup plus classique, beaucoup plus à supporter le héros avec aucun projet personnel à elle. Globalement, je trouve que tous les personnages sont assez fades et sans saveur, excepté les 60 premières pages avec cette héroïne. Tous les personnages, je serais pas d'accord, c'est vraiment le héros qui pour moi est vraiment une grosse coquille vide. Le héros, mais je trouve que les autres correspondent aussi à des archétypes qui sont pour le moment pas vraiment développés. Oui, mais archétype et cliché ne veut pas dire fade. Oui, mais là justement pour le moment c'est pas vraiment développé à mon sens. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. Ça dépend lesquels. Ouais, bon, peut-être qu'il y a des nuances un peu. Il s'en tient de parler depuis tout à l'heure, je vois. Non, j'attends qu'ils finissent. Bon, moi je trouve que c'est beaucoup trop conformiste, tant au niveau de l'ambiance que des enjeux, que des personnages, et qu'il n'y a rien qui m'a accroché, et qu'en plus le fait qu'il y ait cette déception de la tromperie quant à la personnage principale, bah, ça m'a... Oui, Issam, parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu veux parler. Non, bah comme toi en fait, moi j'ai trouvé que les personnages secondaires étaient globalement intéressants, que soit c'est l'héroïne du chapitre 1 qui devient un personnage secondaire. Malheureusement. Ou l'autre fille de l'équipage, celle qui est là avec sa petite sœur. Mmh. Pareil, je l'ai trouvé super sympa. Qui a surtout un gros développement en fin de tome. Ouais, c'est ça. Même celui qui est super intelligent, il pourrait être intéressant en fait. Bah oui, donc le pilote slash scientifique. Ouais, c'est ça. C'était lui que je pensais surtout, oui. Donc, je l'ai un peu confondu d'ailleurs avec le meilleur ami de celle qui est avec sa petite sœur. Je trouve qu'il se ressemble un peu dans le caractère. Mmh. Mais bref, ouais, les personnages secondaires sont plutôt intéressants, mais ça, c'est un problème que j'ai avec beaucoup de shonen de ce type-là. C'est je m'attache à l'univers et à ce qui se passe autour, mais pas tellement au personnage principal et à ses objectifs. Ça m'avait fait pareil avec Black Clover, et avec d'autres shonen qu'on a pu lire, donc j'ai pas forcément les titres en tête. Mmh. Oui, parce que ça... Tu vois, pour le coup, Arthur, tu trouves que niveau enjeu, c'est pas terrible. Je trouve que ça peut être sympa, le côté exploration de planète en planète, pour retourner sur Terre. Moi, justement, j'aurais préféré que ça se concentre, comme c'était censé être le cas de leur expédition, sur les relations entre eux, et je trouve que pour l'instant, ça vole pas très haut. Et qu'en effet, il va beaucoup y avoir de la survie, etc., de l'action, et qu'en 5 tomes, je pense pas que ça ait le temps de développer... des trucs extrêmement profonds sur les personnages. Ah, c'est ça qui m'inquiète. C'est que c'est qu'en 5 tomes. C'est que c'est qu'en 5 tomes, et surtout que ça prend pas la direction que j'aurais aimé, parce que ça aurait pu en soi être avec beaucoup moins d'action et beaucoup moins de être beaucoup plus plat quant à la recherche et à l'exploration des planètes, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu des milliers de fois, quoi, de découvrir un nouvel univers, etc. C'est assez commun. Mais dans ce type de récit, en manga, de vraiment s'intéresser au premier plan aux relations humaines, je pense que ça aurait été intéressant. Mm. Et ça partait comme ça, parce que c'est un voyage qui est censé leur apprendre à vivre en société, etc. Normalement, oui. Et d'ailleurs, apprendre à vivre en société, c'est que les 3 ou 4 personnages qui sont en lice pour diriger l'équipage, parce qu'évidemment, il faut un chef, ils peuvent pas se débrouiller en équipe, quoi, il faut qu'ils soient dirigés. Il faut qu'il y ait un leader. Pourquoi pas. C'est que des hommes, donc on dit bien quand même... Enfin bon, c'est aussi un truc qui m'a un peu énervé, ces personnages féminins qui sont quand même très promptes à se mettre... au second plan par elle-même et... Bah oui, faut bien que ça se passe comme ça. Moi depuis que ma fille elle a pris le rassemblement, ah, c'est n'importe quoi. Oh là, ça commence à partir en couille cette émission au secours. Mon dieu, waouh. Qu'est-ce qu'on fait là? Je ne sais pas. Sans moi il n'y aurait pas eu les gilets jaunes. Sans moi il y aurait pas eu les gilets jaunes. Je pense qu'il y en aurait encore plus, mais bon. C'est sans doute le cas. Non, bon après j'aime bien le chara-design des persos. Je cherche vraiment des qualités comme ça. En gros, tu aurais préféré que ce soit plus planète. J'aurais préféré que ce soit plus type planète. Ouais. Même si c'était peut-être sur un public un peu plus jeune et avec un petit peu d'action, même si elle est déjà un peu dans planète, même si elle est beaucoup plus réaliste, je pense que ça m'aurait, moi, plus intéressé. Et... Parce que là, avec Astra, on vit quand même un public beaucoup plus jeune. Bah, on est chez Nominobi déjà, voilà. Donc ça sous-entend que même si ça peut être apprécié par des adultes et qu'il a remporté un prix... Bah, la preuve, Issa et moi, on n'a pas détesté. Oui, non, mais oui, bah, moi non plus, j'ai pas détesté. Apprécié, hein. C'est vrai, mon problème, c'est vraiment ce personnage principal, c'est cette manière de raconter les histoires dans ce genre de shonen. Mmh. Mais pour le coup, oui, la science-fiction n'est pas un genre ultra répandu dans le manga. Enfin, la science-fiction space opéra de type Astra. Bon, c'est pas vraiment du space opéra. Non, mais tu m'as compris. Oui. Et pour le coup, ça le fait pas trop mal. Non, mais je dis pas que c'est mauvais. Vraiment, je trouve pas ça mauvais. Je trouve vraiment que c'est une lecture frustrante. C'est mon problème avec ça. Mmh. Mais que, bon, compte tenu du prix, je m'attendais à mieux. Même si c'est pas du space opéra, le thème fait très space opéra. Je veux dire, ouais. tu prends la plupart des space opéra, il y en a beaucoup qui traitent justement de ce genre de situation. Mais ça, c'est des trucs qu'on trouve même dans les séries, genre, allez, on va partir des séries spatiales, genre Cosmos, mais même Cosmos 99, les trucs même Star Trek Discovery dont Star on parlait Trek, la dernière fois. C'est que les personnages, enfin c'est tout ce qui leur arrive, c'est fait pour les développer et développer leur relation. Oui. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Alors que justement, tu vois plein de planètes, tu vois plein de trucs extraordinaires, des trucs incompréhensibles même pour eux des fois. Mmh. Et à côté de ça, ça n'empêche pas justement de rester sur l'humain et pas forcément donner beaucoup plus d'importance à un personnage qu'un autre. T'as beaucoup d'arcs. Là, on parle de Star Trek qui, par exemple, vont se focaliser sur un personnage en disant il est pas assez important, on va parler de lui. Ça, pour le coup, il y a un peu un premier tome. Donc comme, il y a ça quand même. Ça. Ouais, c'est là, ouais, en fait, je trouve que vous êtes en train de faire des critiques, vous comparez le truc à des œuvres terminées, oui, et à des oui, séries. Évidemment. C'est un tome 1. Ah, oui. C'est où, oui, non, oui, oui, on va, oui, ça n'a pas pu développer tous les personnages et toutes les relations, mais, ça, c'est mais un tome 1. Évidemment. Je suis d'accord avec toi, mais après, c'est lui qu'il faut regarder. Moi, je parle. Je regarde le vide, moi. De ce que je vois. Je regarde le vide. Moi, je voulais juste. Pourquoi tu dis ça en regardant moi? D'accord. Je voulais juste dire que c'est quelque chose de très casse-gueule et très difficile à équilibrer. Mais de ce que je vois du premier tome qui amorce quand même des choses, parce que c'est quand même un cinquième de l'histoire, c'est pas le tome 1 d'une série de 20 tomes, c'est quand même relativement court, ben je trouve que ça essaye de développer des trucs, mais qui sont extrêmement bas de plafond, et qui sont vraiment des relations archétypales entre sœurs, enfin des... Ouais, je suis moyennement d'accord. Après l'auteur, lui... Moi, ça m'a ennuyé. Après, mais... peut-être que l'auteur ne savait pas que ça allait durer 5 tomes. Parce que tu dis... Parce que vu le succès que ça a rencontré, je pense qu'il avait quand même un peu de poids pour faire ce qu'il voulait sur son œuvre. Donc je peux pas assurer qu'il a pas été coupé, mais bon, il a remporté un prix, ça se vend bien, il y a un animé. Je pense que s'il avait voulu faire plus, il aurait pu faire plus. Je pense que c'était une volonté de sa part. Et je dis pas que c'est un mauvais choix, je dis que moi c'est pas ce que je voulais et que je trouve que c'est beaucoup mieux fait ailleurs. Alors après, c'est quelque chose qui peut potentiellement être rééquilibré dans l'animé. Mais pour un public de jeunes lecteurs, je pense que ça va... Ça se lit bien. Carrément, oui. Vraiment. Ah oui. Est-ce qu'on en a fini, messieurs, avec Astra? Moi, oui. Toi, oui. Toi aussi, là-bas? Oui. Hein, monsieur qui regarde dans le vide? Oui. T'es jaloux, hein. Tu voudrais que je ne regarde que toi. C'était très bizarre comme manière de dire, mais... Oui. Nous allons aborder un titre édité par Kana, cette fois-ci. Jardin secret. Voilà. Assistant le temps vers Sally, car il sait que Sally l'a beaucoup apprécié. Il y a des didascalies dans ce podcast. Vous savez ce que nous faisons. Il n'y a aucun secret pour vous. Sally, Christopher, est-ce que tu touches les couilles? Est-ce que... Non, non, je me gratte la colonne vertébrale actuellement. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ah, c'est comme ça que t'appelles ça? Sally, veux-tu nous parler de Jardin secret, édité par Kana? Alors, c'est dessiné par Amitsu. Je sais pas ce que c'est, un pseudo. C'est un shoujo qui raconte l'histoire de Ran, une jeune fille qui est entre guillemets un petit génie en fait, qui est bonne en sport, qui est jolie, qui est posée, qui a des super bons résultats. Et en fait, ça lui donne un statut de jeune fille dite fine fleur du lycée, et du coup, les garçons n'osent pas l'approcher parce qu'ils ont trop peur de justement ce côté un peu parfait qu'elle a. Alors que finalement, c'est pas trop le cas, c'est surtout une façade. Mais elle va rencontrer Akira, qui est un garçon de sa classe, et qui est fils de fleuriste, même si ça, elle l'apprend un peu plus tard. Et en fait, tous les deux, ils vont avoir justement cet amour pour les fleurs, et ils vont trouver des points communs, en fait, et lui, doucement, va lui montrer qu'elle n'est pas si inaccessible comme ça, et elle va s'ouvrir doucement à lui, justement... par cette passion commune des fleurs. Donc voilà, j'ai trouvé que le dessin était vraiment joli. J'aime beaucoup, les pages sont assez remplies, le détail apporté aux fleurs est joli. Et puis c'est une histoire d'amour qui est toute mignonne et toute douce. D'habitude, je trouve ça un peu niais, mais là, je trouve que le dosage niaiserie-fleur a un bon ratio. En tout cas, j'ai vraiment apprécié la lecture... De voir justement les deux jeunes gens s'ouvrir peu à peu l'un à l'autre, c'était assez cool. Voilà. Peut-être aussi ce qui fait que t'as pas trouvé ça trop niais pour rien, c'est que comme beaucoup de shoujo qui sortent en ce moment, la relation avance assez vite. Oui. On sent déjà qu'il y a des assez grands pas qui sont faits, au moins au sein des personnages, vis-à-vis des sentiments qu'ils peuvent ressentir. Ils mettent pas 40 tomes à se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Donc ça peut laisser prédisposer que ça va avancer et qu'ils vont se mettre en couple à un moment. Ça va pas tourner en rond. Ce qu'il y a beaucoup dans les shoujo du moment et que je trouve assez intéressant, c'est que ça s'arrête pas au moment où ils se mettent en couple. Ça se fait au cours du récit, on voit l'évolution de leur relation au-delà de ça. C'est plutôt bien. Peut-être préciser que l'autrice avait déjà fait une série en 7 volumes avant, qui est pas sortie, mais que du coup ça peut aussi expliquer sa maîtrise graphique et en effet son trait très doux et vraiment bien, et aussi je trouve qu'il y a des moments extrêmement mignons, notamment je crois que c'est la fin du chapitre 2, des petits effets d'écriture qui rendent vraiment la lecture très attachante en elle-même et qui donnent envie de lire la suite. C'est en cours avec 5 tomes, les couvertures sont très jolies si vous pouvez jeter un oeil. J'ai particulièrement aimé tout le passage dans les tournesols en fait, que j'ai trouvé très romantique et très... ensoleillé en fait, même s'il n'y a pas de couleur, même s'il n'y a pas de bruit, juste dans le dessin, dans les cadrages, on sent le soleil et on sent toute cette ambiance un peu estivale qui englobe les personnages et qui leur donne envie de se connaître peut-être un peu plus, de voyager ensemble. Et quand ils écrivent leurs souhaits là, tu sais, sur des... Enfin, comme ça c'est au Japon, ça c'était trop mignon. Ça aussi c'était super mignon. C'est bon, ça fait un peu... Il y a beaucoup ça dans les shoujo, mais là je trouvais que c'était très bien fait. C'était trop mignon. C'est absolument pas terriblement original, mais c'est très bien fait et très efficace. Ouais, et deux saisons, quoi. Oui. Ouais. Enfin, après, la publication va pas s'achever en été. Hein. Merci Sam. Et puis cette nuit il faisait moins 5 degrés donc bon, c'est pas tout à fait. Non, moi ce qui m'a fait marrer c'est que vu qu'elle comprend pas le langage des fleurs, si ça se trouve on lui offre un bouquet, il peut lui lire des trucs super sales. Ça rendra pas compte. Ça te fait rire. Ça te fait rire ça. Tu as des fleurs, ça veut dire je te retrouverai dans tous les sens. Oh putain. Comme c'est romantique. Merci Sam de péter cette chronique. C'est marrant, tous les week-ends ils m'offrent des fleurs jaunes avant de partir. Je sais pas. Non mais oui, c'est bien. Non, et puis même à chaque chapitre, le fait aussi qu'ils expliquent un petit peu le langage des fleurs, qu'est-ce que ça signifie tout ça. J'ai trouvé que ça venait ajouter une plus-value à... La boîte de cookies elle est derrière. J'ai trouvé que ça ajoutait une petite plus-value où justement on apprend en même temps que les personnages à en connaître un peu plus sur les fleurs, sur... Voilà, c'était cool. Non, oui, je suis d'accord, une très très bonne lecture. Et, deux secondes, le tome 2 sort en juin. Voilà, parce qu'il fallait finir la chronique. Donc en été donc. En été, bah... Enfin, ça dépend quel jour de juin. Eh bien, il sortira... Non, j'arrive pas à lire. Non, en fait, c'est bon, il a été repoussé pour Japan Expo, donc il sortira bien en été. Ah. Voilà. Repoussé pour Japan Expo. Ouais. Bien sûr. Du coup, là, il faut jouer. Oh. Ce qui peut sous-entendre d'ailleurs que ça se vend plutôt bien. Ouais. Donc, ils offriront des fleurs avec le thème, j'imagine, je sais pas. Non, par contre, dans certaines librairies, ils vendaient un marque-page avec à l'intérieur des graines. Fleurs. Ouais. Ah, d'accord. Et du coup, on pouvait faire pousser son marque-page ou quelque chose comme ça. Enfin, je me suis pas bien renseigné. Dans le livre. C'est... Non, mais vous le mettez dans le livre, il y a des fleurs. Non, mais... Vous arrosez votre livre. C'est une bonne technique pour vendre deux fois de plus en livre. Voilà, c'est... Alors, petite digression vite fait. Il y a non. Non, bah, c'est par rapport à la Japan Expo. Il y a aussi, c'est là aussi qu'il va y avoir aussi l'édition spéciale Berserk, je crois. Qui va être, c'est pas une édition spéciale, c'est un essai sur Berserk. C'est un essai sur Berserk. Ah, de Alt 236. Ouais, ouais, je sais plus trop. En tout cas, quoi, rien que l'illustration de la couverture est géniale. Ouais, ouais. Puis il est bon. Ça donne envie, quoi. C'est. J'aimerais bien me le procurer, ça a l'air assez cool. Ouais. Je suis pas mal ce qu'il fait déjà sur YouTube et c'est un autre. Enfin, c'est un. Ah, et puis qui, parce que. YouTuber que j'aime beaucoup. C'est là que vous parlez en fait. On parle d'un YouTuber Twitter, qui s'appelle Alt256-236. Mm-hmm. Je sais plus. Plus trop. Mais. Il est bon, mais personne connaît son nom. Mais vraiment, c'est le podcast où personne connaît les noms des gens, quoi. C'est trop bien. Est-ce que tu dis assistant? En tout cas, voilà, c'est on sent l'ouvrage qui donne envie aux fans de Berserk. D'ailleurs, tout le monde a réagi assez assez unanimement. 236, c'est ça. Apparemment, il a déjà fait beaucoup de feed Twitter où il parlait de Berserk, que c'était très intéressant. Donc, je pense que en effet, il y a des raisons d'être hypé et que c'est bien que ce genre d'ouvrage voit le jour en France, parce que même s'il y a pas mal d'essais sur le manga au Japon, etc., surtout sur une œuvre particulière, j'ai pas connaissance d'autres ouvrages de ce type. Et l'engouement est plutôt intéressant. Bah, sur le manga, c'est vrai que c'est pas souvent qu'il y a... Parfois, il y a des livres sur le manga en général. Mais... Oui, oui, mais sur une œuvre particulier, il n'y a pas tant que ça. Bah, c'est-à-dire que là, en plus, sur Berserk, il y a toute une mythologie créée par Miura qui est vraiment intéressante et qui peut être prétexte à faire un ouvrage vraiment complexe, plus que, par exemple, sur malheureusement Bleach ou Naruto. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Naruto par exemple, même si j'aime pas Naruto et même Bleach. Enfin voilà, donc c'était une petite digression pour dire que effectivement Japan Expo, il va y avoir quand même pas mal de bons trucs qui vont sortir et que ça vaut le coup de s'y intéresser un peu. Donc est-ce qu'on en a fini avec Jardin secret? Oui. Passons à la suite. Bon Chris, je sais pas ce que tu fais mais t'es pas là donc. C'est après ces créatures sacrées. C'est bien. Lu par Issam et Necro. Après, tu vois, il suffit de faire ça. Wow. Tu prends et tu tends à l'un des deux. D'accord. Parce que c'est les deux seuls à l'avoir lu. Bah, yes. Toi, Necro. Édité par Delcourt. Donc, de Pablo Raimondi, Klaus Jansson et Chris Chokri. Putain, c'est difficile à prononcer. Amir, mon enfant, il va y avoir du clash. J'ai hâte. Du clash. Ah, est-ce que toi, t'as aimé et lui, non? Du sang, des larmes, du sperme. Alors, le dernier, je suis pas sûr. Ah, tu serais très très étonné. Oui, mais alors non, franchement. Alors, oui, alors. Vu le titre et vu l'illustration, je pensais au début que c'était l'histoire de clan de vampires. Mais on se retrouve finalement en plein milieu d'une sorte de thriller mystique avec un humain qui se retrouve embourbé dans l'histoire entre des néphilim et des anges. Et il y a des néphilim qui représenteraient les péchés capitaux qui sont en train de foutre un petit peu le bordel et qui font tout pour se débarrasser de leurs gardiens. Moi j'ai trouvé ça très bien dessiné, l'histoire m'a plutôt intéressé au demeurant, mais toi Issam, a priori c'est... Franchement, le dessin j'ai trouvé ça banal, enfin c'est bien exécuté, mais j'ai trouvé ça banal, et l'histoire, vraiment je me suis fait chier. Très haut niveau de critique. En fait, y a rien de... pour moi il n'y a rien d'original, et ce que ça fait qui a déjà été fait 100 fois, ça le fait pas bien. Le personnage principal, on nous y attache pas suffisamment, je trouve qu'on nous le présente pas assez avant qu'il lui arrive des merdes. Du coup, bah ouais, il lui arrive des merdes, mais bon, je m'en fous, quoi. Les péchés capitaux, je trouve qu'ils sont pas assez caractérisés, c'est-à-dire une fois qu'on nous explique effectivement qui est chacun, ouais, on comprend un peu quel est le pouvoir de chacun, mais je trouve que c'est pas réellement assez prononcé, pourquoi ils ont cette tête-là, d'où ils sortent, enfin, voilà. Ouais, au final, je sais pas, j'ai eu l'impression de voir une sorte de mélange entre un truc de vampire et un Seven à la sauce mystique, et totalement dénué d'intérêt, je trouve. Bah, en fait, là où il y a une grosse différence, sans doute, sur notre perception du truc, c'est que ce que tu appelles le personnage principal, moi je l'ai pas considéré comme un personnage principal, je l'ai considéré comme un vaisseau, en quelque sorte, entre les personnages principaux. Qui sont les Néphilim plus le gardien, plus celui qu'il va rencontrer plus tard, plus tout ça, enfin c'est... Ouais, là pour le coup je suis moyennement d'accord, parce que le seul qui a un arc narratif vraiment au sens technique du terme, c'est lui, qui est pris là-dedans, qui part d'une situation initiale, qui a un élément perturbé, c'est le seul qui a ça. Alors que moi je l'ai vu en suivant les actions des autres. En gros, c'est comme si jouait une partie d'échecs, en fait, chacun. Oui. Oui, mais pour moi, ça reste lui, le personnage principal, qui est pris dans cette partie d'échecs. L'accent est largement mis sur lui en termes narratifs. Mais c'est peut-être aussi ça qui est notre point de vue. C'est-à-dire que moi, je le voyais limite comme un terrain d'échecs, quoi, le mec. Hein. C'est chacun pousse ses pions sur lui en disant « Tiens, on va faire ça ». Ah oui, c'est le cas, mais ça n'empêche pas... À tel point que même, t'as les films, des fois, qui s'envoient des coups de pute entre eux en passant par lui. Mais justement, en fait, t'as une guerre, mais donc tu comprends pas les implications, et j'ai pas l'impression que c'est... parce que ça va te les expliquer plus tard. C'est... Ouais, ils font leur petite guerre, mais elle est pas intéressante, en vrai, enfin... C'est vraiment... Je me suis ennuyé en le lisant du début à la fin. Y a pas un moment qui a suscité mon intérêt. La stratégie aussi des flashbacks nombreux, j'ai l'impression que c'est récurrent en ce moment dans ce qu'on lit. Et ça commence à m'agacer un peu, en fait, je trouve que ça rompt... Enfin, quand c'est mal maîtrisé, comme là, je trouve que ça rompt le rythme plus qu'autre chose. C'est-à-dire, tu commences à avoir un truc, et puis t'as un flashback, et puis tu reviens à la timeline principale. C'est une narration qui est censée renforcer l'implication en justement relevant l'intérêt, en mettant un effet comment on en est arrivé là. Mais là, je trouve que ça marche pas du tout, ça crée juste des espèces de mini cliffhanger, pas top. Ça, c'est un des deux points noirs, effectivement, que j'ai. C'est déjà, j'ai du mal quand les scènes sont renversées ou quand il y a des gros flashbacks. Mais alors là, ils te font le coup du triple flashback. C'est un peu avant, mais encore un peu avant, mais encore un peu avant. Putain, avancez. C'est l'enfer sur Terre. Et par contre, mon deuxième point, effectivement, et là, tu as souligné un truc, mon deuxième point noir, c'est les enjeux. C'est oui, on comprend qu'ils sont dangereux, on comprend qu'ils étaient d'ailleurs un peu gardés et tout ça, machin, mais les enjeux finaux, enfin je veux dire, c'est pas. C'est un flou, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois leur bataille, et après tu te dis d'accord, mais ça va où? Peut-être des explications à venir dans le tome 2. Oui. Oui, peut-être, mais bon, se taper 150 pages sans comprendre ce qu'on lit. Mais sinon, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai plus apprécié. Le truc, c'est qu'en fait, la lecture n'a pas semblé non plus qu'à. Elle semblait assez fluide. Malgré les putains de flashbacks du début, que ça, c'est une grosse épine. Et je trouvais le dessin agréable. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même des grosses failles. Il y a quand même des grosses failles au niveau narratif. Et les enjeux, et ce qui en découle, c'est un peu le souci. C'est-à-dire qu'après, même si c'est rattrapé dans le tome 2, bah, le tome 1, on sait pas où on va. Puis c'est les Néphilim qui sont censés représenter les péchés capitaux. Autant il y en a, ils ont l'air d'avoir des vrais pouvoirs, genre la paresse qui vraiment endort les gens. Autant il y en a, genre celui qui représente la vanité, tout ce qu'elle fait, c'est, enfin tout ce qu'il fait parce que c'est un mec, c'est de d'humilier les gens, mais ça, il n'y a pas besoin d'être un péché capital pour réussir à humilier les gens, quoi. Je peux le faire aussi. Ah oui, mais ça on sait, ça en a vu. Ça en a vu. J'ai pas fermé. Ah. Mais du coup, qui aurait pu venir nous éventrer. Tu crois ça. Que, du coup, tu crois que notre gouvernement c'est des néphilim? Peut-être. Ah bah Emmanuel, sans doute. Emmanuel, Emmanuel. Il nous entend et nous humilie. C'est les 7 à la fois. Lui. Est-ce que vous avez fini avec Créature Sacrée? Un titre donc que Issam recommande fortement. Ah oui, là il y a fond. Ouais. Pouvons-nous passer à autre chose, messieurs? Oui. Oui. Mm-hmm. Ouais. On a lu Candy and Cigarettes. Oui. Tout le monde a lu Candy and Cigarettes, le prochain titre que nous allons aborder, édité par Kerstoman, Arthur. Puisque tu vois, je me souviens de ton prénom en vrai. Waouh. Pourrais-tu nous en parler vu que c'est toi qui l'as dans la main? Alors, Candy and Cigarettes, ça raconte l'histoire. C'est écrit et dessiné par qui? Ouais, c'est écrit et dessiné par Tomonori Inoue. Bonjour Tomonori Inoue. Bonjour Tomonori. Bonjour. Donc, ça raconte l'histoire de Raizo, qui est un policier qui est fraîchement à la retraite, qui, du fait qu'il a une petite retraite, se retrouve à devoir rechercher des petits boulots pour vivre convenablement. Et j'ai travaillé toute ma vie pour ça, et maintenant je les retraite au jeu. Il a pas une histoire comme quoi sa femme ou sa fille est malade, et c'est pour ça en fait qu'il, alors, qu'il arrive pas. Son petit-fils est malade. Son petit-fils est gravement malade, et donc du coup, en cumulant sa retraite et même les revenus de sa fille, ils n'arrivent pas à avoir les fonds suffisants pour soigner leur petit-fils. C'est d'où l'urgence de prendre un métier, même un métier peut-être à risque. Alors, avec des frais d'un million de yens, ce qui n'est pas du tout à sa portée, parce qu'il est agent d'entretien, quoi, le mec. Hein. Un million de yens par mois. Oui, par moi. Oui. Et qui du coup va faire la rencontre de Miharu, qui en apparence est une jeune écolière, tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui s'avère en fait être tueuse à gages au sein d'un organisme gouvernemental, il me semble, je l'ai lu à sa sortie, mais il me semble. Oui. Et donc elle est supervisée par, par une agente du gouvernement. Et elle va proposer à Raizo, du fait de ses compétences d'ancien policier, de éventuellement se faire engager au sein de l'agence et de travailler avec elle. Ce que, de fil en aiguille, évidemment, il va faire, sinon il n'y aurait pas de manga, ce serait un peu chiant. Et voilà, donc on va suivre leur quotidien au fil de missions plus ou moins dangereuses. On sent que ça va être ça, le fil rouge, avec aussi la création d'un lien entre ce monsieur à la retraite et cette jeune fille de 11 ans, il me semble, qui éventuellement va créer un écho avec le lien qu'il aurait pu avoir avec son petit-fils qui est dans le coma. Enfin voilà, bon. Moi, je pense que c'est ça la relation. C'est ça qui va se créer, une relation de ce type. Alors. Je voulais bien voir, papy. Malgré. Ouais, je me disais juste, ce serait brillant, effectivement, que le mec refuse dans le manga. Après, on voit juste récupérer les shots pendant tout le reste du manga. C'est la one shot. C'est la one shot. Et donc. Malgré. Oh wow. Sympa, sympa. Malgré le synopsis relativement action, policier, coup de fusil, c'est un manga où il y a beaucoup, beaucoup d'humour, malgré tout. Peut-être au niveau du mélange du ton, même si à mon sens c'est clairement en dessous, ça rappelle un peu Area 51 avec des enquêtes, de l'action et pas mal d'humour et de la verve dans les dialogues et des personnages un peu atypiques, ce que j'apprécie. Après, à mon sens, c'était en deçà de ce que j'attendais déjà d'une part d'un manga Casterman et d'un manga dont on me disait autant de bien. Je trouve que la relation est plutôt bien écrite, qu'il y a pas mal de moments très sympas et qu'on s'ennuie pas, mais que peut-être ça manque un peu d'ambition au niveau de l'ensemble. Alors ça peut bien se développer par la suite, mais pour l'instant, ce premier volume, je l'ai apprécié, mais sans gros gros plus, quoi. Je sais pas ce qu'il en est de vous. Ah, moi, à la base, j'en attendais rien, enfin, ouais. Je veux dire, au sens où j'en avais pas entendu parler. Donc non, j'ai vraiment bien aimé. Je le classerai pas dans mes coups de cœur, mais j'aime bien le rendu un peu film noir que ça réussit à avoir, même si effectivement en plus léger que ce sont souvent les œuvres de ce genre. C'est un univers qui me touche pas mal. Et puis tu parles de l'ambition, mais encore une fois c'est un tome 1, et déjà dans le tome 1 je trouve qu'il y a des trucs qui sont posés, notamment autour du passé de la gamine. Ouais. Qui peuvent lieu à des choses beaucoup plus intéressantes par la suite. Donc, non mais après, je pense que l'ambition peut venir, c'est juste qu'il pose. Peut-être parce qu'il n'était pas sûr que ça durerait une éternité, peut y avoir plein de raisons pour ça, mais il pose son univers sous forme de petite enquête. Oui, on ne peut pas accuser tous les débuts maladroits en disant que l'auteur ne savait pas où ça allait. Non, je suis d'accord, mais si tu veux qu'on reprenne l'exemple de Area 51, sur les deux premiers tomes, tu n'as pas de fil rouge. Donc. Oui, mais au moins, je trouve que sans fil rouge, ça le fait avec plus de caractère qu'il y en a là. En fait, moi, vraiment, je trouve Alors c'est peut-être aussi au niveau du graphisme qui, selon moi, est... je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je le trouve, enfin il fait le taf, mais il n'a pas de vrai... Oui, voilà, il n'a pas de vraie identité. En fait, je trouve que le titre souffre de la comparaison avec d'autres mangas sortis récemment chez Casterman et un peu dans le même type. Mais en soi, je dis surtout ça pour apporter de la nuance, parce que j'ai vraiment passé un bon moment, c'est histoire de le mettre en relief avec d'autres lectures. Alors, je suis très surpris, sinon, que Hans n'ait pas réagi sur le fait que l'entreprise, enfin, l'agence s'appelle SS, ouais. Quand même, et que, le logo ressemble à, et que le logo ressemble à une croix gammée. Bah, après, ça, il faudra que je le relise là, juste... là. Ah ouais, effectivement. On sent bien l'intérêt, là. Ah ouais, c'est ah merde. Je vais lui rajouter un point. Il y a ces gènes qui reviennent. Non, mais après, moi, c'est aussi tous ces personnages d'enfants. Je trouve qu'elles manquent quelque part d'un côté enfantin. Enfin, bon, je trouve que ça pourrait être un personnage de 20 ans, quoi, limite. Bah ça, on le voit plus quand elle est avec ses amis. Là, d'un seul coup, t'arrives sur... une enfant de 11 ans j'aurais aimé que ça se retrouve dans les scènes où elle travaille et où elle est tueuse à gages, ce côté, enfin en fait je trouve que c'est traité de manière assez simple par le fait qu'on a l'impression que ça la fait rire et qu'elle s'en fout, sauf que non, enfin, et après qu'il y a son passé tragique où là elle est extrêmement sombre, enfin, je trouve que ça manque un peu de... Après les enfants froids et cruels comme ça, c'est très cinéma japonais pour le coup. Ouais. Baby card et plein d'autres exemples. Peut-être j'aurais aimé qu'on nous fasse sentir un malaise autour de ça, qui n'est pas du tout le cas. C'est tout de suite de la comédie, ce qui est intéressant aussi. Mais pour moi, c'est un peu lisse tout ça. Après, enfin, encore une fois, peut-être que son ressenti profond va être plus abordé par la suite. Parce que, ouais, dans le tome, dans la première partie du tome, elle apparaît comme une tueuse froide et sans profondeur, et il y a déjà des trucs qui arrivent dans la suite. Oui. Et puis même, il y a la relation, justement, le vieil homme réussit quand même à un moment à... Enfin, prend parti pour elle en disant « Mais vous êtes en train de faire n'importe quoi avec cette gosse, vous êtes en train de l'exploiter, de la détruire. » Après, c'est peut-être aussi... ce que je trouve que c'est assez intéressant, c'est que ça montre bien que malgré des... entre guillemets, des thèmes et des faits qui sont relativement graves et tragiques, parce qu'on parle... d'un policier qui doit bafouer ses valeurs et d'une fille très jeune qui est amenée dans ce genre de métier extrêmement difficile et immoral beaucoup trop jeune, mais c'est traité sur le ton de la comédie et je trouve que c'est intéressant et ça montre bien qu'en fait on peut faire et de la comédie et du drame avec à peu près n'importe quoi et que c'est surtout la manière de le mettre en scène qui entre en jeu à ce moment-là. Notamment un passage glauque où tu te rends compte qu'en fait elle a attiré un mec pour le tuer parce que c'était un prédateur sexuel adorait les gosses, quoi. Quelque part ça essaye, alors encore une fois un peu à la manière d'Area 51, de faire de tous ces côtés un peu pervers quelque chose de cool et de comique sans que ce soit pour autant extrêmement gênant, je trouve, dans la manière dont c'est mis en scène, parce qu'on la voit pas dénudée, on voit pas ce genre de choses. Et puis elle... On la voit en culotte à un moment. Je trouvais que c'était un plan un peu spécial. Voilà, après ça c'est la présentation des enfants. Mais à côté ça, elle sort le pistolet sa culotte. Ouais. La pistolet symbole phallique, elle le sort dans sa culotte. Voilà. Puis ça se voit un peu, enfin tu caches pas un pistolet dans ta culotte. Mais un truc qui m'a plu, c'est le mec juste après qui demande j'espère que t'as rien fait faire de dégueulasse et tout, machin. Elle qui dit non, je nettoie. En gros, elle explique s'il a pris une douche, c'est juste pour nettoyer les taches de sang. Ouais. Et mais je t'avoue que commencer justement ce genre d'œuvre avec une petite fille de 11 ans qui se dénude et tout ça, la première sensation que j'ai eue, c'est. Ça allait peut-être être bizarre, tu vois, et j'espérais que ça tombe pas facilement dans du voyeurisme, entre guillemets, et en fait non. C'est la seule case qui donne cette impression, et c'était justement pour dire que le gars c'était un prédateur sexuel, etc. Et plus jamais il y a ce côté un petit peu suggestif, quoi, que j'aurais trouvé vraiment déplacé, parce que c'est pas une gamine qui a 16-17 ans, c'est une gamine qui en a 11. Voilà. Mais non, c'est pas du tout le cas, donc voilà, sauvé, ouf. J'adore le personnage principal, le papy. Le papy, je l'adore. Le papy. Qui est génial. J'aime beaucoup aussi le papy. La petite histoire grand-père, petite fille, je trouve que c'est une alchimie qui marche vraiment très bien. Et puis il n'est pas surhumain. Il en chie. Voilà, mais c'est ça, moi, que je trouve qu'il manque un peu au personnage de la petite fille. C'est qu'elle a un côté au-dessus de tout et elle a l'air hors du monde totalement, mais sans que ce soit traité. Au point de vue de la narration, avec comme quelque chose de gênant. Enfin, on voit les réactions du grand-père qui est tout à fait troublé par ça. Mais on a l'impression que la narration et l'auteur en fait sont du côté de la petite fille, et que petit à petit il va devenir comme ça lui aussi. Ah, mais c'est peut-être fait pour que elle justement devienne humaine au contact. Ouais, oui, je pense qu'être avec ça. Avec la fin, je l'ai plus senti comme ça. Bah, oui. Voilà. Ça allait partir sur ce chemin là. Oui, mais j'ai l'impression que elle va rester toujours dans ce même caractère au moment des scènes de meurtre et tout ça. Ça, je pense que ça va pas évoluer. Je pense qu'elle va se trouver une humanité, elle va résoudre ses problèmes. Ça, c'est trop tôt pour le dire encore. S'il n'y a pas cette évolution-là, c'est je comprends pas du coup pourquoi on en arrive là dans le tome 1, même serait-ce que vers la fin. Mais je pense qu'en dehors de ces moments-là, elle va évoluer, mais qu'au sein des scènes où elle travaille, en fait, ça va rester la même chose. Je pense, qu'il peut y avoir une remise en question au niveau du truc. Ouais. C'est... Enfin, je m'imagine qu'à la fin, elle va arrêter ce travail quand même pour faire un espèce de happy end, voilà. Mais... Oh, je sais pas si tu peux arrêter d'être ce qui fondamentalement t'a fait, tu vois. Ouais, genre, si à 11 ans, tu tues des gars, alors c'est peut-être une réflexion trop avancée, mais si à 11-12 ans, tu tues des mecs et que c'est ton boulot, je pense pas que tu puisses arrêter à 15 en disant c'est bon. J'ai fait ma retraite, hein, j'ai cumulé mes points. Elle a l'air tellement détachée de ça qu'elle a pas l'air impliquée dans les meurtres, elle y prend pas de plaisir particulièrement, juste elle s'en fout, elle est totalement psychopathe. Ouais. C'est même plus pour le pognon, parce que l'argent, elle en a plein. Oui, elle en a plein. Dans une magnifique baignoire. Le manga aurait encore une fois pu se résoudre en un tome si elle avait été un peu de gauche et qu'elle avait dit prends l'argent. De gauche. On va soigner tout ça. Elle lui dit prends l'argent, c'est lui qui veut pas. Ouais, mais alors ça pareil. C'est lui qui veut l'aider à. Prends tout ce que tu veux. Elle lui dit arrête-toi. Ouais, mais je sais plus chaque dialogue, désolé. Mais on sent qu'il veut vraiment s'occuper d'elle aussi, quoi. Il se dit merde. Je vais te frapper. On sent qu'à un moment, s'il reste, c'est pour pas la laisser tomber. Ouais, c'est exactement, ce qu'il lui dit après qu'elle lui ait proposé la thune. Il lui dit clairement écoute, je suis ton partenaire, Haru, et puis. Mais enfin. On me fait croire que c'est parce qu'il a des valeurs et après il va découper des gens à l'arrière de camionnettes. Enfin, quoi ça empêche. D'accord. Très bien. Non, bah voilà. Mais moi ça m'a bien donné envie de lire la suite. Moi, je suis curieux de lire la suite. Hein. C'est dans la relation, je trouve que de base c'est un petit côté noir. C'est beaucoup plus léger que noir. Donc mais l'animé. Oui. Mais c'est à peu près le même. Précise, parce que Mais c'est un peu le même type de relation entre une jeune fille et... Enfin, sauf que c'est inverse, c'est l'adulte qui est tueuse dans le noir. Mais... Il y a pas mal de mangas entre un adulte ou une adulte et un enfant qui travaille dans ce genre de milieu. Il y a le très bof assassin. Voilà, j'allais le citer. J'ai pas lu, mais voilà. C'était en 3 tomes. Enfin, puis il y a Léon en film. J'ai pensé tout le temps à Léon en lisant ça. Sinon, oui, dans les enfants éduqués pour tuer, Nikita. Oui. Ou Gassim Gerger, ce que tu pourras jamais lire. Nikita est adolescente, quoi. Oui. Adolescence, ça reste quand même. Puis elle n'est pas éduquée pour tuer, on lui dit tu vas tuer, voilà, démerde-toi. Ah merde, survie. Ou Gassim Gerger, Asuka Kaze. Qui pour le coup justement prend le parti d'un traitement extrêmement dramatique et avec beaucoup d'envergure politique et sociale et que je trouve en fait plus intéressant sur ce genre de récit et extrêmement tragique, hein, c'est atroce comme... Oui, mais qui est une œuvre que tu as lue entièrement. Oui, mais là vraiment... On en revient au même débat que tout à l'heure. Non mais le tome 1 pose quand même le ton de la série, même si ça va sans doute évoluer sur des passes tragiques, il y aura toujours cette envergure comique. Je vois vraiment pas le manga s'en détacher. Ouais, mais ça empêche pas d'avoir de la profondeur. Mais j'ai pas dit le contraire. J'ai dit que moi je préférais quand c'était tourné sur des aspects tragiques. Enfin, après, si je préfère être malheureux, c'est pas de notre faute quand même. C'est ça. Je trouve vos contestations assez peu. Pour l'instant, 4 en cours au Japon, je crois, c'est ça. Ouais, le tome 2 sortira en France en août. Non. Ah non. Non, parce que surtout sur ce genre de série qui prennent un peu de temps à sortir au Japon, Casterman garde un rythme très aéré, enfin de manière générale en fait. Puis de base, Casterman s'en bat les reins de la Japan School. Oui, de base. De façon. Et ils s'en bat les reins d'un rythme. Enfin, ils ont un rythme de parution très aéré, vu qu'ils ont aussi une base de lectorat BD qui est pas forcément habitué à un tome tous les deux mois. Ils gardent un aspect assez aéré dans leur publication. Ouais, ils sont plus dans le marché de la bande dessinée traditionnelle. Est-ce qu'on en a fini avec Candy and Cigarettes? Oui. À titre qu'on recommande quand même tous autour de la table? Oui. Après, il y a The Red Hat Rattling. T'es pas obligé de prendre ta feuille, je les ai bien classés. Oh là là! On va voir si qui l'a lu. Aussi, mais je sais que tout le monde l'a lu, sauf Necro. The Red Hat in Hollywood. Édité par Vega, un éditeur qu'on adore tous autour de la table. Oui! Alors, étant donné que ça parle cinéma Hollywood, et bah du coup c'est Arthur qui va nous faire un résumé. Je crois que j'ai dû voir un film de cette époque dans ma vie. C'est le fameux archiviste du cinéma qui va nous faire un résumé de ce nouveau titre de chez Vega. Quelle star. Alors ça nous parle Coco. C'est les cocos à Hollywood. On doit les éliminer. Ils se sont révoltés, ils se cachent comme des rats. Les rats rouges. Les rats rouges. Ce qu'ils sont. Nous on a les gilets jaunes, ils ont les rats rouges. Scandaleux, des acteurs gagnent des millions, exploitent le peuple, se prétendent communistes. Des réalisateurs aussi. Et des réalisateurs. Ça s'oppose au gouvernement, ça s'oppose à Reagan. Ça fait passer des messages en secret dans les films. Propagande. Staline. Ils ont tous serré la main de Staline. Bon, on va le tenter plus sérieusement. Par contre, ça, c'est ça, ça tu coupes pas. Ça, ah, non, je fais bien. Ça, on garde. Ça se passe pendant la... après la Seconde Guerre mondiale, quand la guerre froide commence à prendre de l'ampleur. Dans le premier chapitre du manga, il y a notamment l'arme nucléaire, donc, qui est découverte par les États-Unis et qui est découverte aussi par la Russie. Donc quand vraiment, il commence à y avoir un risque armé entre les deux pays. Et ça nous raconte effectivement l'histoire de personnes de cinéma, donc des acteurs, actrices, réalisateurs et compagnie, qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement en place, qui sont pas forcément... Enfin, certains sont communistes, mais il y en a d'autres, c'est juste qu'ils sont de gauche. Ils sont socialistes, pas absolument communistes. Ce qui n'est déjà pas très bien. Ce qui n'est déjà pas très bien. Il vaut mieux être anarchiste. Sauf que le problème, c'est que le gouvernement en place, que ce soit le président de l'époque, ou même le FBI, qui était à l'époque sous le gouvernement Hoover, donc J. Edgar Hoover, qui était quand même un gros républicain, d'ailleurs, il y a un biopic de Clint Eastwood sur lui. Ce qui veut dire qu'il était spécial, Hoover. Hein. Ouais, voilà, c'était un personnage très étrange, Edgar Hoover. Et donc, voilà, il y a une purge anticommuniste qui va se mettre en place parce que le gouvernement se rend bien compte que le cinéma, c'est un moyen de faire passer les messages et c'est un moyen surtout de toucher les masses avec ces messages. Donc ils vont vouloir lutter contre ça et faire un exemple des réalisateurs et acteurs qui peuvent participer à ça. Et le tome 1 bah, raconte la lutte contre cette purge qui se met en place. Et qui veut empêcher de créer les artistes étiquetés comme communistes, si on est vraiment dans une chasse aux sorcières. Et puis alors c'est une catastrophe, hein. Ça a été une vraie catastrophe ce truc-là, parce que t'en as beaucoup qui étaient dénoncés parce qu'ils étaient gênants. Si tel réel par exemple se casse, moi ça va aider ma carrière, je vais le dénoncer comme communiste. Enfin, il y avait vraiment des trucs, trucs assez dégueulasses. La commission de censure, ça sert même pas debout, quoi. C'est ouais, tu c'est fais ça. Juste un truc de travers, c'est bon, t'es taxé de communiste direct. Ah, puis il y a les interprétations des fois, hein. T'interprètes ce que tu veux des fois. C'est ça, et puis quand t'aimais pas quelqu'un, je pense qu'en disant qu'il était communiste, même si t'avais aucune preuve, voilà, c'est ça. Et tu, pas enfin, une fois que tu veux trouver une preuve, tu la trouves dans tous les cas. Quitte à les fabriquer, c'est compliqué. Et puis même le fait juste de parler du communisme, bah c'est bon, t'étais... Bah, de toute façon, il y avait ça, on retrouvait ça dans les spots télé qui disaient si quelqu'un parle du communisme, c'est sans doute qu'il est communiste, voilà. Donc en plus, bah, parmi le... Ah oui, donc non, c'était pas encore... Effectivement, je me suis mélangé, je me disais bien, Reagan n'était pas président à l'époque, c'est juste qu'il apparaît en tant que personnage parce qu'il était acteur, Reagan. Oui. Et donc il fait partie de la branche des cinéastes qui est opposée au rouge. Donc où tu retrouves aussi, très étonnamment, Walt Disney, oui. Jack Warner, Gary Cooper... Mais l'auteur s'est énormément référencé. Oui, c'est ça. C'est assez incroyable. Mais peut-être qu'on peut justement venir sur ça, que c'est un manga qui est extrêmement dense, extrêmement référencé, qui est un manga choral, qui pour le coup, pour le thème du communisme, ça sonne bien. Mmh. C'est un peu dans le thème. Donc il y a pas... On suit vraiment une masse de personnages qui en plus doit être beaucoup plus appréciable quand on connaît vraiment bien tous ces personnages. Ce qui doit être le cas de Issam, Christopher et peut-être... On connaît leurs œuvres, tu veux dire Je connais bien au niveau, par exemple, de Walter Disney, qui, lui, avait un souci par rapport au syndicat qui commençait à mettre en place, et qui, lui, il voyait justement l'empreinte du communisme s'attaquait à... Oui. Et puis en plus, lui, on sait aujourd'hui que c'était un connard, quoi. Oui, c'était un connard qui... on sait qu'il était un peu con sur les bords, quoi. Qui croyait aux récompenses aux élites, à l'élitisme, aux self-made men, au fait qu'il était le seul... génie de son entreprise. Enfin, c'était vraiment un truc qui exploitait ses employés de façon catastrophique. Du coup, la première année qu'il s'est pris dans la gueule, par contre, il l'a pas vu arriver. Et ça explique un peu son engouement contre les communistes. Bah après, du coup, je trouve que le côté docu-fiction est extrêmement bien rendu. On arrive toujours à avoir et de l'intérêt pour la tension de l'espèce de chasse à l'homme qui se met en place, et en même temps, beaucoup d'intérêt pour la peinture de l'époque que ça propose. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Je trouve que les graphismes réalistes, avec un côté un peu occidental, collent parfaitement bien. Puis ils ont un côté un peu daté. Enfin, vraiment, je trouve que ça donne des bonnes gueules, quoi, au personnage, et que ça rend vraiment bien, et que pour peu en plus qu'on soit calé au niveau du cinéma de cette époque, ça peut vraiment être super appréciable. Et même moi qui n'y connais vraiment pas grand chose au-delà de Walt Disney, Reagan, etc., j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, toujours en cours avec 4 tomes, publication relativement lente. Mais Vega quand même va vite rattraper son retard, comme sur toute leur série. Est-ce que le tome 2 il arrive assez vite? Bah, comme sur toute leur série, ils sortent le tome 1 et un mois plus tard le tome 2, et il me semble que le tome 3 a déjà une date, peut-être pour août ou quelque chose comme ça. Enfin, peut-être même un petit peu vite, quoi. Bah, moi ça me dérange pas justement qu'on rattrape vite la publication. C'est aussi un moyen, bon, ça, à mon avis ça se pose pas trop sur cette série, mais aussi de lutter contre les lecteurs de scan entre guillemets sans les blâmer. Si jamais on est à jour sur la publication presque par rapport au Japon, ça évite d'aller voir ailleurs entre guillemets. Donc non, moi je trouve que comme ça on colle au Japon, et de toute façon qu'on doive attendre 8 mois entre les tomes parce qu'on veut pas rattraper le Japon ou parce qu'il y a rien d'autre au Japon, bah on attend 8 mois, donc autant être à peu près au même niveau que le Japon, c'est pas plus mal. Je vois ce que tu veux dire, je sais pas si c'est vraiment le genre de série que tu trouves facilement en scan. Non, mais c'est pour ça que je parlais, je disais pas forcément sur ce titre, mais voilà. Vu qu'ils ont un catalogue très divers et que c'est un principe qu'ils ont sur tous leurs titres, je pense que c'est plutôt bien trouvé. Et comme ça, on sait vraiment vite si on aime ou pas, et on n'oublie pas d'acheter la suite 8 mois plus tard. Donc non, c'est plutôt bien. En plus, je pense pas que ce sera une série interminable, parce que de fait, c'est une période qui s'est achevée. Évidemment. Après, si ça peut partir sur une suite d'histoires d'Hollywood, sur les périodes qui ont suivi, ça me va aussi, parce que la manière dont ça le fait, je trouve ça vraiment passionnant, le fait d'avoir une lecture des dessous politiques d'Hollywood. Et sur tout ce qui c'est pas intéressant juste pendant la période communiste, quoi. Ça reste passionnant par la suite. Donc, justement, après, on parlait de Reagan, il y a toute la période du héros réganien par excellence. Ça aussi, le film était politique, l'image qu'on donnait de l'homme était politique. Après, le titre sous-entend que ça va pas s'étendre extrêmement plus loin non plus, quoi, parce que... Oui, c'est ça. Il y a peut-être des séries annexes par la suite. Mais ça, c'est une série à faire, et ça donne envie de voir les films mentionnés qu'on n'a pas vus. Parce qu'il y en a tellement qui sont balancés qu'effectivement, je pense que personne n'a tout vu, quasiment. L'auteur avait déjà sorti un truc en France, c'était L'Orchestre des Doigts. C'était sorti il y a très très très longtemps, enfin au début des années 2000, chez Milan. Voilà. Mais ça se trouve encore relativement. Donc si ça vous intéresse et que vous avez aimé ce tome. Ouais, c'était en 4 tomes, donc ça aussi, ça va dans le sens d'une série relativement courte éventuellement pour celle-là aussi. Ok. Très bien. Quelle est la suite du programme, Chris? Quelle est la suite du programme? Eh bien, nous allons maintenant parler de Poison. Allez, on t'écoute, là. Alors, Poison, écrit et dessiné par Golo Zhao. Ça nous raconte l'histoire d'une petite fille, Lily Zhang, qui habite dans un village pauvre en Chine, dans la campagne chinoise, qui vit chez sa grand-mère avec ses petites sœurs et qui a pas mal de pression sur les épaules parce qu'on lui dit tu dois bien travailler à l'école pour pouvoir plus tard nourrir la famille, prendre la responsabilité de la famille. Chinois, quoi. Oui, c'est ça. Sauf que comme elle est particulièrement pauvre, elle est rejetée même par ses camarades, sauf une, Xiao Yin et sa petite sœur, qui ont un léger retard mental, on sait pas exactement quoi, mais voilà, c'est... Elles ont un petit retard mental, elles sont brutales, bruyantes. Elles fouillent dans les poubelles. Enfin, elles fouillent dans les poubelles pour trouver à manger tellement elles ont rien. Et le souci, c'est que Lily se dit qu'en fait, si elle n'est pas populaire auprès des autres filles, c'est parce qu'il y a ces deux-là qui la vampirisent, en fait, qui lui nuisent. Et elle va entreprendre le projet de les tuer, de les empoisonner, pour se débarrasser d'elles et pour pouvoir se rapprocher de ses autres camarades. Oh la vache. Donc ouais, c'est inspiré d'un fait divers qui est arrivé en Chine et qui a pas mal marqué l'auteur, et apparemment qui a pas mal marqué l'esprit des Chinois à l'époque. Et l'auteur, il réimagine un peu cette idée, parce que ce qu'il en avait lu, c'était dans les journaux, donc le caractère des personnages et les motivations profondes, c'est lui qui les imagine. Mais j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est court, je sais que ça a été un reproche que certains ont fait, qu'ils lui reprochent d'être trop court, mais je trouve que justement ça condense le récit et ça le rend presque anecdotique, comme si c'était quelque chose qui potentiellement pouvait arriver tous les jours et qui peut-être arrive super souvent, ce genre d'anecdote très glauque. C'est très sombre alors que c'est quasiment que des enfants, les personnages principaux, et qu'il y a un trait qui a un côté assez, assez doux. Et il y a pas mal de couleurs, il y a des moments pas mal colorés, à la limite d'être joyeux dans l'usage des couleurs, sauf pendant quelques scènes beaucoup plus sombres où il y a beaucoup de nuances de rouge qui se passent au soleil couchant, et qui pour le coup amènent une vraie tension graphique. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur du mois, j'ai beaucoup aimé ce message que ça fait passer sur la pauvreté et l'isolement qui pousse à des actes horribles dont les personnages ont à peine conscience et qui sont totalement banalisés par eux. Ouais, non, bah, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors après, le coup des couleurs assez vives et du trait assez enfantin, ça s'explique aussi parce que habituellement l'auteur travaille sur beaucoup de récits à destination jeunesse. Il a fait La Balade de Yaya, qui est un de ses plus gros succès, qui a aussi une suite qui est en cours en France et qui va connaître une adaptation en dessin animé. Le Monde de Zouzou qu'on a abordé. Ouais. C'était aussi, je m'en disais bien, qui avait des similitudes graphiques. Le Monde de Zouzou. Qui était très très bien aussi. On a abordé dans nos premiers podcasts. Et Pika Graphique avait sorti deux de ses ouvrages qui pour le coup étaient plutôt destinés à un public adulte, Hello Viviane et Au gré du vent, au tout début de la collection, donc il y a quelques années. Qui se tenait aussi très bien, mais du coup voilà, c'est sa première incursion dans quelque chose de plus tragique et de plus violent presque au niveau de... Plus adulte. Ben non, parce que justement le récit était déjà adulte et parlait déjà de problématiques sociales, mais pas sur ce côté vraiment de la violence, du malaise et de l'horreur presque au niveau de certaines scènes, qui en effet rendent assez bien ça, je suis tout à fait d'accord. Mais déjà Zouzou, qui était beaucoup plus enfantin, traitait de thématiques. Ah oui. Elle était déjà totalement ostracisée, Zouzou. Oui. Mais c'est pareil, il me semble que La Balade de Yaya, que j'ai pas lu, donc je dis peut-être des bêtises, mais parle aussi d'une jeune fille pauvre et du coup de sa vie. Enfin, donc il a toujours une attention aux problématiques sociales, hein, c'est jamais coupé du monde. Voilà. Et il est extrêmement prolifique comme auteur. Et on va avoir un de ses autres ouvrages chez Casterman en juin, s'il est pas repoussé. Donc. D'ailleurs, qui se passera à Paris. Donc ça peut être intéressant aussi, si vous aimez l'auteur. Mais donc oui, pour en revenir à Poison, effectivement, et Arthur est d'accord avec moi, ça aurait mérité plus de développement de personnages, à mon sens. Moi, je trouve que ça suffit, comme ça. C'est-à-dire que vraiment, le côté mis au banc de la société de la gamine, je l'ai pas ressenti plus que ça. Ah ouais ? Vraiment. Ouais, ouais. Moi, je pense que justement, de travailler plus les personnages, ça aurait permis de vraiment comprendre le malaise social qu'il y a autour d'eux, en fait. Qui pour le coup est assez évacué, à part à certains moments, mais nous on y prête une attention vraiment particulière. Mais je sais pas si jamais l'auteur vraiment voulait. Justement, moi je me demande pourquoi il a voulu adapter. L'interview lui à la fin, ouais. Si je pense qu'il voulait y prêter attention, et je trouve qu'il y arrive justement. Il arrive à le faire de manière très brève, c'est ça qui est bien. Enfin, j'ai l'impression qu'il explique pourquoi ça le choque, parce qu'évidemment c'est violent, mais qu'il explique pas, enfin, ou qu'il met pas assez en avant, parce que je pense qu'il en a conscience, les raisons qui amènent à ce genre de situation. On voit qu'ils sont pauvres, mais il n'y a pas de... Enfin, bon, même la police se comporte très bien sans aucune discrimination. Alors, il y a un rendu très réaliste au niveau des rapports avec la police, où justement, j'imagine, ils ne sont pas agréés. Enfin, là, en tout cas, dans ce cas-là. Mais ça, en même temps, je pense qu'il n'en sait rien. Il a décidé, justement, de peindre une police très réaliste, enfin, selon son regard, qui faisait très très, très, très, très attention à la petite. Il l'emmène manger au restaurant, des choses comme ça. Enfin, il y a un côté un peu idéalisé peut-être au niveau de tout ça. Et même les deux autres gamines qui sont censées lui faire vivre un enfer, j'ai pas l'impression qu'ils lui font vraiment vivre c'est un enfer, quoi. Ouais, mais justement, pour moi, elles lui font pas vivre un enfer, c'est son ressenti à elle. En fait, c'est son ressenti à elle d'être accompagnée de deux boulets, mais qui lui font pas qui sont pas particulièrement des bourreaux non plus. C'est juste que ça, elle considère que c'est de leur faute à elle si elle est mise au banc de la société, mais je pense que c'est pas le cas et que c'est ce que voulait montrer l'auteur. Mais où est-ce qu'il montre ça vraiment? Parce que moi j'ai l'impression qu'en, je sais pas combien de pages il fait, une 70, 80, 100 pages. Je pense qu'avec 50 pages, on rajoutait quelques trucs de violence policière, quelques trucs de violence à la maison et quelques. Ça aurait été déjà. Pourquoi tu veux des violences policières à tout prix? Parce qu'à mon avis, c'est beaucoup c'est plus. C'est pas un truc sur les gilets jaunes. Oui, mais ça se passe dans un dans une espèce de ghetto chinois, donc à mon avis, ils traitent pas forcément extrêmement bien. Enfin, tout le monde est extrêmement bienveillant autour d'elle. Même la mère des autres et sa mère, elle. Enfin, sa grand-mère, parce que je dirais que sa grand-mère qu'on nous dépeint comme des monstres. Je pense que vraiment, il y a enfin c'est trop peu dépeint tout ce que elle se prend dans la gueule et qui la pousse à penser de la manière dont elle pense. Ah, moi, tu vois, non, je trouve que c'est l'impression d'avoir justement, c'est un côté. Pardon, je t'ai interrompu, mais c'est un côté petite touche et ça insiste pas trop. Je trouve ça cool que ça soit jamais vraiment explicatif, que ça nous dépeigne juste son univers quotidien, mais sans jamais insister dessus. Moi, ouais, c'est une des qualités, je trouve. Moi, j'ai vraiment eu plus l'impression que elle, oui, c'est une psychopathe et puis c'est tout, quoi. Oui, voilà, enfin, j'ai l'impression. Oui, mais ça, c'est parce que nous, on pense comme ça. Mais à quel point est-ce que l'auteur analyse le fait divers comme étant vraiment quelque chose de à 99% social? J'ai l'impression que il dit que c'est ce personnage qui a déjà des problèmes, qui est poussé par la pauvreté. Ouais. Vraiment, je pense qu'il aurait pu justement faire plus. Il aurait pu étendre d'une cinquantaine de pages pour appuyer un peu plus son propos sans que ce soit plus lourd par ailleurs et sans que ça perde. De son côté percutant de par l'aspect concis, parce que ça passe 90 pages ou 140, ça reste relativement court. Parce que là, vraiment, à aucun moment, je me suis dit, c'est la société qui l'a rendu comme ça, quoi. Et même si jamais on se le dit, c'est sans doute parce que nous, on pense comme ça. Mais, oui, en plus. Même l'interview qui montre à la fin, que j'ai lu un peu en diagonale, parce que j'avais d'autres trucs à lire pour le podcast, on voit qu'il trouve ça horrible, mais j'ai pas senti qu'il exprimait vraiment que c'était totalement un mal social et un aspect de concurrence, de compétition et tout ça qui avait poussé la jeune fille à. Mais il n'y a pas d'en remise en cause sociétale. C'est ça. Enfin, ou si elle est là, parce qu'il y en a toujours un peu dans son œuvre, elle est en arrière-plan et elle n'est pas liée de manière causale au fait. Enfin, moi, j'ai pas ressenti ça comme ça, ou pas suffisamment en tout cas. Bah, moi, carrément. Et puis, pour le coup, si. Enfin. Tu dis qu'on ne sait pas ce que pense l'auteur, mais je me souviens que quand j'étais à l'école, il y avait un ou deux étudiants qui avaient été victimes de brimades et l'attitude des autres élèves envers eux était l'indifférence et la discrimination. Je pense que si les camarades de Lily avaient montré un peu d'amitié, un peu d'attention, la fin de l'histoire n'aurait pas été aussi terrible. Parfois, une personne au bord de l'abîme peut être sauvée simplement par un geste amical de la part des gens qui l'entourent. D'accord. Et moi, je l'ai clairement ressenti à la lecture. Moi, c'est clairement un problème sociétal qui montre. Alors ça, pourquoi pas, mais moi, ça m'aurait intéressé qu'il montre comment la société encourage justement les enfants à ne pas s'entraider par des aspects concurrentiels extrêmement forts en Chine et au Japon, qui les poussent à ne pas s'entraider. Et là, je trouve que, désolé, elle reçoit beaucoup d'aide de la part de sa prof. Que tout le monde est très très très bienveillant envers elle, alors que à mon avis, dans le fait divers tel qu'il a eu lieu, ça a dû se passer de manière bien plus dure. Je trouve que la prof fait vraiment gaffe à elle. Je trouve que même les flics, enfin, je suis désolé, l'auteur m'a fait aimer des policiers. Il y a quand même un côté. Ils sont des peints extrêmement bienveillants. Surtout pas manipulateurs dans leurs entretiens. Ils laissent vraiment les gosses s'exprimer. Il y a que les camarades quoi, qui sont hostiles avec elle. Et encore, ils sont hostiles parce que tu pues, quoi, c'est tout. Ils sont hostiles par des intérêts, mais ils sont même pas. C'est ça. On les voit même pas vraiment être pervers et violents. Et surtout, on ne nous dit pas pourquoi ils seraient pervers et violents. Et c'est ce qui me semblait intéressant, parce que c'est ça, social, c'est pas. Non, on les voit, pourquoi ils sont pervers et violents, mais avec les deux autres, en fait. Oui, mais du coup, elle fouille dans les poubelles, mais pas avec Lily. Oui, mais elle a un retard mental. Oui, voilà, c'est ça. Elle a des mauvaises notes. Si, ça lui est balancé à la gueule, on se fout d'elle parce qu'elle a des mauvaises notes. C'est aussi pour ça qu'elle est mise de côté. Et ça, pour le coup, vous dites que la prof est bienveillante. La prof devient bienveillante sur la fin, mais au début, elle l'engueule justement parce qu'elle a des mauvaises notes. Elle lui dit « Vous faites pas d'efforts, vous faites rien. » La prof est aussi là-dedans. J'ai pas l'impression que l'auteur insiste sur ça. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il insiste sur les effets que ça a sur elle et sur la manière dont elle le prend. J'ai l'impression qu'elle est totalement... Enfin, elle se prend en mode « Je m'en foutiste ». Oui, qu'elle pense à autre chose et qu'elle a déjà ses projets en tête à ce moment-là. Pas du tout d'accord. Moi, j'ai vraiment eu cette impression. J'aurais aimé qu'on mette plus en avant. Les violences policières, on sait. Non. Mais ce qui pousse justement les enfants à être aussi concurrentiels, à pas s'entraider et à avoir. Parce qu'elle les supprime parce qu'elle nuise à son image, les deux autres. Donc qu'est-ce qui. J'ai même pas l'impression d'ailleurs qu'on mette tant. Alors, je l'ai lu encore une fois il y a 2-3 semaines. Mais qu'on mette tant que ça en avant le fait qu'elle a envie d'être avec les autres. parce qu'elle a l'air assez solitaire. Oui, enfin, donc même ça, ça manque. Si jamais vraiment, on voyait que ça la faisait souffrir d'être mise à l'écart, et j'ai pas l'impression que ce soit tant que ça... Parce que là, le geste, sur... alors, même sur la couverture, enfin, on dirait qu'elle a des yeux de robot, vraiment, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que c'est une psychopathe, bah, oui. Et quelque part... Mais dans un deuxième temps, oui. Oui. Mais pour moi, toute la première partie de l'œuvre montre pourquoi elle est devenue comme ça. Je vois vraiment pas... Je trouve qu'insister plus dessus, ça serait devenu trop didactique, pour le coup. Mais j'ai l'impression que vraiment, je sais pas. Bon, pour moi, ça aurait mérité 40-50 pages de plus et quelques scènes qui insistaient plus sur ça. Parce que là, on commence à se répéter. Donc, ouais, on va pas se répéter. Là, après, le truc, quand même, c'est que j'ai l'impression que vous dites que l'œuvre. Oui, bah, par contre, c'était pas nul, clairement, c'était une bonne lecture. J'ai l'impression qu'en fait, tu dis que l'œuvre aurait dû tout expliquer. Mais non. Mais au bout d'un moment, c'est. Je trouve que les pistes sont assez données et que le lectorat est intelligent. Il peut. Enfin, pas forcément d'ailleurs, il y a peut-être des crétins, mais on s'en fout. Il peut. Enfin. Le lectorat peut faire l'effort de remplir, enfin de relier les points entre eux lui-même. Oui, mais je pense que toi, tu relis les points comme ça parce que tu penses comme ça. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensent pas du tout comme ça et qui peuvent voir juste que c'est une psychopathe, que les deux autres sont des retardés qui sont violents pour ça et que c'est tout. Ouais, mais pour moi, c'est assez clair que c'est pas ce que veut dire l'auteur. Et après, c'est vraiment assez clair parce que tu penses comme ça et que du coup, t'as cette lecture. Ouais. Moi, j'ai l'impression. Parce que vraiment, je trouve pas ça clair. Même dans son interview. Bref. Mais là, voilà, on commence à se répéter. On se répète trop, on passe un peu. Mais c'était pas une mauvaise lecture pour autant. Et moi, j'aime beaucoup l'auteur, et je vous encourage à lire ses autres œuvres. Mais c'est une recommandation de nous aussi, clairement. C'est juste qu'on n'a pas été autant emporté que toi. Non, c'est juste qu'effectivement, pour le coup, je ne suis vraiment pas d'accord avec vos reproches. Avec notre reproche. D'accord. Oui. C'est pas possible, il y avait 10 millions de reproches, c'est le seul reproche. Notre reproche à commun. Sinon, c'est vrai que c'est très beau, qu'il y a beaucoup de belles scènes. Que c'est un projet intéressant, voilà. Après, je vous conseille notamment Hello Vivian, qui était sorti chez Picagraphique. Ah, même le monde de Zouzou qu'on avait. Même le monde de Zouzou, mais je l'ai pas vu. Plusieurs années maintenant. Plusieurs années, t'exagères. Une année peut-être. Une année, l'année dernière. Un an, je pense. Ouais, bientôt deux. Hein. Bref. Je sais plus de combien date. Et si on avançait Et si on parlait maintenant de je ne sais pas comment ça se prononce Reis Kamika. Moi, j'aurais dit Reis Kamika. Reis Kamika. Reis Kamika. Édité par Delcourt Tonkam, que tout le monde a lu autour de la table. Mmh. Oui. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Oui. Bah parce qu'on l'a reçu par Delcourt Tonkam gratuitement, c'est pour ça qu'on l'a lu. Issam, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est parce qu'il y a une jeune fille en petite tenue sur la couverture? Mais c'est, oh, non, mais c'est du Delcourt Tonkam, enfin. C'est ce que tu sous-entends? C'est parce qu'à un moment, il y a des fesses en gros plan? Non. Un moment? deux, trois moments, dizaines de moments. Non, non, quand même pas, n'abusez pas. Oui. Vous êtes médisant. Des attouchements mammaires hors d'un contexte médical, il y en a beaucoup. On va peut-être commencer par le résumé une fois qu'on a posé ça. Bah, c'est le résumé, il est fait. Résumé, c'est un manga d'Alcourt Tonkam. Voilà, c'est fait. Non, on peut faire la même pour Soleil aussi. Oui, mais tu sais que c'est le même groupe, donc en fait. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui suit ses cours et à côté de ça travaille dans un petit café, qui a une vie assez banale. Par contre, il a un petit incident qui fait qu'il tombe sur une nana, mais qui tombe vraiment sur elle. La main sur une partie de la nana, évidemment. Voilà, ce qui fait qu'elle considère que c'est un pervers et qu'elle a limite envie de le castrer. Et je pense que des scènes comme ça, ce n'est vraiment arrivé pour le coup que dans des mangas. Vraiment, je pense que ça n'est jamais arrivé à quelqu'un dans la vie. Ou dans certains films japonais. Voilà, mais je pense que ça n'arrive jamais dans la vie. Il faudrait se poster dans une rue au Japon et vérifier si ça arrive. Surtout que ce qui est extrêmement marrant, c'est que sa main si soulève ça se trouve son là-bas, t-shirt. C'est vraiment oui, la main se retrouve en dessous. Genre, la main en dessous du t-shirt. C'est vraiment une chute particulière. Mais non, dites pas les conneries, c'est déjà arrivé dans Lovina. Ça se trouve peut-être que leurs mains sont magnétiquement attirées par... Je sais pas. Ton résumé s'arrête là. C'est fini. Il tombe sur elle. Et la suite va vous surprendre. Et sinon, bah, il s'avère qu'après, ça va être une de ses camarades de classe, cette femme-là. Et du coup... C'est quoi ça soupire? Je ne pense pas énormément de bien de ce manga que j'ai trouvé OSEF sur 20, de l'ultime... Ah. Mais... J'ai trouvé que tout était discutable en fait, les graphismes, l'histoire. Attends, le résumé n'est pas encore fini. On n'a pas encore ramené la touche fantastique qui justifie les tenues. Non, pour l'instant, il n'y a que la touche nichon. Pour l'instant, il n'y a que la tenue d'écolière. Mais attendez, il y a aussi une tenue de guerrière. Alors, après, là, c'est spécial quand même parce que l'inclusion vraiment du truc fantastique s'est fait au. C'est même plus chausse-pied, c'est plus de la truelle, c'est. Ça a été posé là. C'est fait au tank allemand. C'est limite, t'as un carton Ikea qui est posé dans la pièce et c'est marqué « Bon, voilà, c'est votre meuble !» Mais voilà, le gamin, le jeune, il a une auréole à un moment qui arrive derrière son dos et c'est génial. C'est une interface VR pour pouvoir aller changer de tenue et se mettre dans un monde, le monde divin. Voilà, on retrouve toutes les divinités asiatiques et puis après on apprend plus tard qu'il y a des divinités aussi qui sont pas, qui sont des autres cultures. Du coup, j'ai trouvé ça pas très réaliste que je sois pas représenté en fait. Enfin, ça m'a manqué. Bah oui, c'était pas dedans. Bah ouais. T'aurais pu être en tant qu'assistant d'un dieu. Voilà. Je pense pas que Christ soit un dieu, en toute honnêteté. C'est qui s'appelle De Jésus autour de cette table? Pou pou pou. Voilà. D'accord. Soumets-toi maintenant. Donc maintenant, vous avez son nom et son prénom, vous pouvez sans doute retrouver son adresse et le cambrioler. Alors, De Jésus, il y en a énormément. Ah la vache. Mais des Christopher De Jésus à Reims, il y en a beaucoup? Alors, je crois qu'il y en a un autre. Ah. Et bah, vous essayez, s'il n'y a pas de manga dans la maison, bah, vous avez quand même une personne. Vérifiez les deux, celui qui a raté sa vie, c'est le nôtre. Oh la vache! Enfin bon, donc l'un des trucs qu'on retrouve finalement dedans, c'est qu'ils apprennent que l'école dans laquelle ils sont, c'est plus ou moins un endroit où tous les futurs divins vont sont regroupés. Alors, ça s'appelle le cliché numéro 43. Voilà, le cliché numéro 43. La facilité d'écriture numéro 43, surtout. Qui est justifié par le fait qu'il faut tous les mettre au même endroit pour pouvoir les contrôler. Voilà. Les 10 astuces et les de merde du scénariste. Oui, mais pourquoi? Mais on ne sait pas. Ah, mais sinon, c'est vrai que c'est con parce que. Tu sens encore une histoire. Non, c'est ouais. Con. C'est con, oui. Tu sens l'histoire où la personne devait avoir vraiment des visuels, une sorte d'ambition pour faire quelque chose d'assez épique, proche de toutes les légendes et tout ça. Et... Non. En gros, tout ce qui est rattaché, tout ce qui est rattaché aux personnages principaux, après, c'est un peu la mort, en fait. C'est un peu la mort. Alors, moi, je peux dire que j'ai lu une précédente série de l'auteur. Tokyo ESP, qui est toujours en cours chez Panini. Tu l'as lu toi, Chris, ou pas? Non, mais j'aimerais bien, mais bon, c'est Panini, donc ça commence à devenir chaud à trouver. Ouais, et Tokyo ESP, pour le coup, c'est vraiment très sympa, et ça évite beaucoup d'écueils de ce livre. Il n'y a pas de fanservice. Qui est plus centré comédie, par contre, Tokyo ESP. Qui est beaucoup plus centré comédie, mais qui est beaucoup plus original, parce qu'il y a aussi beaucoup de fantastique et d'une oscillation entre notre monde moderne et un monde avec... c'est plus des divinités, parce que c'est longtemps que j'ai lu ça, mais... Enfin, des créatures et des personnages fantastiques, et pour le coup, c'est plutôt bien écrit, plutôt entraînant, et moi j'ai beaucoup d'affection pour cette œuvre. Mais nous ne sommes pas là pour parler de Tokyo ESP, oui, désolé. Mais du coup, ça m'a vraiment fait chier que ce soit aussi mauvais. Un truc qui aurait pu être bien, d'ailleurs, là-dessus, c'est simplement le traitement du moi dedans. Je sais pas si tu vois. Du moi. C'est-à-dire que les personnages, en fait, quand ils. C'est des réincarnations divines. Ah oui. Quand ils, d'un seul coup, ils se rappellent qu'ils sont des êtres divins, en gros, c'est le côté divin qui reprend le dessus et tout ce qu'ils étaient avant disparaît. Après, ça, pour le coup, c'est le cas dans énormément de shonen. Et c'est vrai que ce serait intéressant à traiter. Voilà. Mais justement, t'as le personnage principal qui est une sorte de bug. Parce que en gros, il reste, il a accès à ses pouvoirs, mais il n'arrive pas à se rappeler, et du coup, il reste lui-même. Non, ils le disent dans le manga que genre ils ont scellé leur mémoire, mais ils disent pas pourquoi. Ouais. En fait, je ne l'ai pas lu. D'accord. Je m'en rends compte. Ah. Oui. Donc c'est vraiment blindé de fanservice. Moi, quand même, je trouve que le trait de l'auteur est très sympa. Mise à part, merde, évidemment. J'ai bien apprécié le trait sur certains moments. Ah, visuellement, c'est pas non plus horrible. Ah tiens, je me suis arrêté là. Ça m'a. En fait, le truc, c'est que le trait m'a fait penser à du manga qu'on pouvait trouver en 3D. Avec un truc ultra lissé, avec... Enfin, vraiment, j'ai passé un mauvais moment, c'est pas le cas, mais j'ai pas apprécié la lecture de... Je vois ce que tu veux dire. J'ai trouvé que les personnages faisaient très lisses, trop lisses, et que ça cassait tout le dynamisme que peut apporter justement un trait un peu plus, peut-être, qui déforme un peu plus les perspectives et tout ça. Là, j'avais l'impression, en fait, que l'auteur, il s'amusait avec des petits personnages en 3D, et que du coup, c'était... toujours assez lisse et que... Non. Des marionnettes en 3D. J'aime bien du mec en train d'animer ses petites marionnettes. Ouais, non, mais c'est ça. Et voilà, du coup, c'est un manga qui m'a jamais rien fait ressentir, en fait. Ni j'ai trouvé que les moments qui étaient drôles n'étaient pas drôles. Mmh. Que il y avait trop de fanservice, il y a trop de culottes partout qui se baladent, quoi. Et là, Issam est en train d'imaginer des culottes avec des tasses. C'est ça. Pendant une scène random, t'as une culotte qui passe. Avec des petits pieds comme ça. En 3D c'est... en plus la culotte. Hein. J'ai vraiment trouvé ça pas très joli, pas très intéressant. Pour moi, c'est... je rencontre pas du tout quoi. Et au-delà de ça, c'est très mal écrit. Enfin, je trouve vraiment que tous les personnages sont amenés d'une manière nulle. Tu vois venir qui aura une importance et qui n'en aura pas. C'est... il y a la subtilité d'un discours d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est vraiment décevant. C'est d'une lourdeur ce truc. Et le vide d'un discours d'Emmanuel Macron. Et le vide d'un discours d'Emmanuel. C'est tout. C'est, en fait, c'est Emmanuel Macron, le manga. Avec des gros seins. Bah non, parce que. que je crois n'a pas Emmanuel Macron. Il sort pas avec sa prof. Hein. C'est vrai qu'il sort pas avec sa prof. Non, mais c'est. Mais le prof est là. Et on sait pas ce qui va lui arriver au prof. Ah oui, ça se trouve après peut-être en tome 2. Ce qui est dommage, c'est que l'idée de reprendre les différents folklores... Ce qui est dommage, c'est de gaspiller du papier pour ça. Ouais, bon, d'accord. Mais de reprendre les différents folklores et de les faire s'affronter, bon, bah, ça aurait rappelé un 51, mais en soi, c'est plutôt sympa. Si t'avais eu... si t'étais dans un monde divin et que t'avais une guerre comme ça des différents clans, ça aurait été sympa à suivre. En fait, ce qui est inintéressant, c'est limite tout l'emballage, c'est-à-dire le fait que les personnages viennent d'un monde, du monde des humains, soit des espèces de réincarnation... tout ça c'est trop vu, on s'en fout, on sait qu'au bout de quelques tomes ça va être expédié parce que ça va gêner sinon l'avancée de l'intrigue. Cet angle d'attaque ne me paraît pas avoir d'intérêt au-delà du fait que la narration effectivement est plein de défauts de facilité, de trucs beaucoup trop expéditifs. Après si vous aimez ce point de départ, lisez Noragami parce que c'est à Noragami, peu près c'est ça, carrément... et Noragami c'est grave bien. Donc si vous cherchez un truc où des lycéens se retrouvent à devoir se prendre parti dans des guerres entre des clans de dieux, bah, autant lire Noragami quoi. Puis sinon si vous aimez donc les personnes en petite tenue qui combattent et tout, et bah, dans ce cas-là je conseille de regarder Kill la Kill à nouveau. Qui n'est plus disponible sur Netflix. Ouais. Ça m'a fait chier. C'était le point Netflix, il en faut un pour chaque émission que l'on fait. Mais là c'est pour parler d'un truc qui n'y est plus. Donc ça c'est va. Quelque part, c'est un peu une victoire de l'animé. Ouais, mais c'est une victoire, dit Sam. C'est ça. Ouais, mais Gurren Lagann y est toujours, donc c'est pas grave. Ouais, d'ailleurs, je l'ai revu. Hein ? Pour le moment. La vengeance. Mais Sally est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc en fait, on peut vous conseiller. Une petite culotte qui se bade. Du coup, on peut vous conseiller plein d'œuvres dans qui reprennent des thèmes comme ça et qui sont beaucoup plus sympas. Voilà, voilà. Donc ouais. Ça me fait de la peine pour cet auteur qui a plein de bonnes idées, qui avait aussi écrit Garay chez Pika, des mangas dans ce genre d'univers et qui en général était beaucoup mieux réussi. Voilà. Triste. Tristesse. Le pauvre. Moi j'ai jamais rien lu de lui donc je suis pas triste. Donc... oui, mais moi oui. Si je suis triste d'avoir perdu mon temps à la limite. Il y a quelques-uns comme des auteurs qui font un truc de ouf et après ouais, bah ils se perdent. Tokyo SP c'est pas un truc de ouf, mais c'est vraiment sympa. Non mais un truc bon on va dire, d'accord. Oui. Tu préfères. Genre le dernier Shuzo Oshimi. Waouh. Alors en tête j'avais plutôt l'auteur de Prison School. Oui. Hein, on aimerait bien qu'il continue sa putain de première série. Oui. Qui pour le coup est chef d'œuvre là. Me and the Devil Blues. Oh, trop bien. Mais même au niveau du cinéma, des fois il y en a qui font un film qui est vraiment complètement fou, qui les fait connaître, et puis après derrière t'as même pas une pente descendante, t'as un fossé. Tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? C'est ça. Et le pire, c'est que je pense que l'auteur aimerait bien dessiner des trucs mieux, mais qu'il a plus trop le choix parce que Tokyo SP a pas l'air d'avoir fonctionné du feu de dieu, au point qu'il a dû faire un one shot reliant cette série avec Garay, qui était sa première série qui avait très bien fonctionné, pour sans doute faire se vendre mieux à Tokyo SP, parce que je vois pas d'autre raison de faire ça. Donc à mon avis, c'est juste un auteur qui a de bonnes idées et qui se retrouve à faire un truc que lui-même ne doit pas aimer, et ça me fait vraiment beaucoup de peine pour lui. Donc le fanservice non maîtrisé... Le fanservice non maîtrisé, voilà. Bon, donc c'est un peu triste. Voilà, Issam. Est-ce qu'il y a besoin d'insister là-dessus? Tu peux voir que Sally dessine très bien les petites culottes. Tu me l'enverras par Twitter. On le postera. On le postera sur le truc, ouais. Est-ce qu'il serait pas temps de passer au prochain titre de la sélection? Qui est quand même beaucoup plus appréciable. Oui. Hein, est-ce qu'il serait pas temps de parler de Shine? De Shin. Shin? Non, Shine. Shin. Eh ben tiens, puisque tu fais le malin. Wow. Alors, édité par Nobinobi. Shine, c'est un manga. Shin ou Shine, faut savoir. Non mais c'est Shine. Une farce. Voilà, il faut passer à autre chose. Vraiment, tu vas y arriver. Je sais que c'était super drôle, mais bref. Donc c'est un manga qui a comme particularité plutôt sympa de base de parler de mode. Je pense pas qu'on en ait d'autres qui le font. J'en ai en pas France. En tête. J'en ai pas en tête. Donc un manga de mode où on va suivre. Alors j'ai plus son nom. Shiyuki. qui souhaite devenir top modèle parce qu'il me semble que, alors c'est pareil, ça je l'ai vu quand c'est sorti, donc voilà, que ses parents travaillent dans le milieu, enfin où elle est connectée plus ou moins au milieu. Oui, c'est pas son père. Et son père, voilà. Son père dirige une grande agence de mannequinat. C'est ça. Et qui a comme, entre guillemets, défaut, comme obstacle à surmonter, le fait qu'elle est de petite taille, qu'elle semble avoir plus ou moins fini sa croissance, donc elle va devoir lutter pour... travailler dans le milieu malgré ça, et donc on la suit d'un côté elle, et d'un autre côté un de ses camarades de classe, Ikuta, qui rêve lui de devenir styliste, mais qui n'a pas les moyens de se permettre de telles études, qui apparemment sont relativement coûteuses, et qui en plus n'est que lycéen. Donc voilà, on va suivre leur quotidien, leur ascension dans ce milieu, qui va se faire sans doute en parallèle et avec un système d'entraide. Moi j'ai beaucoup aimé ce premier volume. Ouais. Donc je trouve que vraiment il met en scène des personnages auxquels on s'attache très vite, qui ont à la fois qui sont très très humains, qui ont leurs faiblesses et qui ont leurs qualités, qui doivent lutter contre des obstacles. Donc il y a un petit côté un peu presque shonen, se surpasser soi-même, qui fonctionne plutôt bien, surtout que pour une fois c'est un personnage féminin qui lutte pour son rêve à elle, donc c'est plutôt chouette. Pas autant que l'autre. Autant l'un que l'autre, mais bon. Après, oui, c'est sympa, le personnage principal, je pense. Ouais. Après, à voir si ça reste, mais c'est elle le personnage principal. Ouais, moins sur la fin du tome. Voilà, c'est pour ça, ça que moins, je dis, mais on verra si ça continue. Je pense qu'il y aura des chapitres sur l'un, des chapitres sur l'autre, qui se croiseront et qui s'influenceront mutuellement. De toute façon, leur destin va forcément. Oui, forcément, leur destin est lié. Donc, déjà, bon, dans ce premier volume, arrive quand même à transgresser un certain réalisme, parce que malgré le fait que. Le milieu aurait pu rendre l'ensemble très prosaïque et qu'il y a quand même une peinture du milieu qui est plutôt réaliste au niveau des défilés par exemple. Le fait que ce soit que des lycéens aurait pu être un obstacle et je trouve qu'on passe assez vite au-dessus de ça. Oui. Ce qui est un parti pris hein, parce qu'en vrai c'est clairement pas possible que des lycéens en quelques semaines, surtout le styliste qui n'a aucune, enfin qui a aucun lien avec le milieu, se fasse sa place aussi vite, c'est quand même fait avec de grosses ficelles, voilà. Mais c'est pas dérangeant parce que dans la vraie vie, faudrait le genre de scène qui passe pas dans un shonen, hein, je pense. Très bien, merci. Merci Issa pour ces moments de vie. Disons qu'il y a quelques retournements de situation un peu gros, mais auxquels on arrive à adhérer quand même parce que tout le reste est très subtil, donc notamment l'écriture de ces personnages. Voilà. Bon, je trouve que le dessin, malgré tout, est un peu fade. Ah, moi je trouve ça plutôt joli. Moi je suis pas fan, je trouve que c'est très très blanc au niveau des arrière-plans et que les tenues sont pas extrêmement travaillées, alors que c'est un manga de mode, donc c'est un petit peu dommage. Mais donc voilà, c'est à peu près le seul reproche que je pourrais faire. Je suis très très content que ça arrive chez nous et j'ai hâte de lire la suite. Oui, alors, ça clairement. Voilà. Mais non, moi vraiment je trouve ça plutôt joli visuellement. Ouais. Alors, on sent que. Il y a quelques vides par moment, mais sinon globalement. Oui, mais même les chara-design. Et surtout, je trouve vraiment que les tenues sont simples, quoi. Enfin, c'est des robes unies. Et sinon, on sent que l'auteur s'est bien renseigné quand même sur le monde de la mode, parce que vraiment, on retrouve une bonne partie des codes. Alors, il y a une partie des travers qu'on retrouve pas, mais bon, sinon, ce serait vraiment dans une autre collection. Mais c'est assez sympathique. Oui, effectivement, les personnages très attachants et tout. Enfin, vraiment, ça, je le recommande. Ah, puis c'est bien rythmé, ça, c'est vraiment bien, quoi. Alors, la couverture, c'est représenté comme un magazine de mode. Oui, je voulais. Alors, ça, on va y venir, ouais. Mais c'est après. Non, ou maintenant, en fait. Si on n'a rien d'autre à dire et qu'on se répète, on peut y passer. Voilà. Oui, je pense que les qualités et défauts, c'est bon, ça a été évoqué. Bah, ouais. Même plus de qualités que de défauts. Ah, oui, évidemment. Clairement, on peut conclure déjà pour l'aspect critique que c'est un titre qu'on recommande tous les cinq autour de la table. Oui, clairement. Après, c'est vrai que la couverture, elle fait très magazine people, magazine de mode et tout ça, et c'est clairement le genre de couverture vers lesquelles je me dirigerai pas, parce que je suis pas très amatrice de... Et du coup, qui est... Mais du coup, c'est un choix éditorial. Oui, mais c'est ça. Mais ouais, après, quand on connaît l'œuvre, c'est quelque chose qui, je trouve, est ultra intelligent, parce que c'est assez original, tout simplement. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de couverture, et il faut pas s'arrêter à la couverture, parce que le contenu est vraiment shonen, est vraiment, vraiment cool. Enfin, on se laisse vite porter par la narration, par les rebondissements, par les héros, tout simplement. Qui, moi, je trouve, sont ultra attachants, mais ça a déjà été dit. Donc, Nobinobi a pris le parti de totalement Féminiser la com. Féminiser toute la com et, toute, et tous les apparats de ce manga, parce que justement ça parle de mode, donc c'est forcément pour filles. Voilà. Alors que c'est publié dans le Shonen Magazine, donc pas tout à fait un manga qui cible exclusivement les jeunes filles, même si les magazines de shoujo ne ciblent pas exclusivement les jeunes filles. Voilà. Mais c'est dans le principe, oh mon dieu, c'est de la mode, donc ça ne peut donc être que pour être un féminin. Public féminin. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de merde? Déjà. Même les trucs non sexualisés qui sortent dans les magazines shoujo spécialisés au Japon. Japon sortent quasiment tous en France sous le label Shoujo. Donc là, ils auraient pu faire un effort quand même pour se tenir au moins à ça. Sinon, il n'y a pas de logique. Mais bon, alors après, l'idée de faire des couvertures, des espèces de couvertures de magazines, c'est plutôt une bonne idée. Ah oui, moi, j'ai rien à faire. Mais je trouve que les textes qui sont écrits dessus et qui ont un lien avec l'intrigue sont... Enfin, moi, je trouve ça un peu ridicule. Mais bon... Ça aurait pu être fait autrement, mais l'idée est plutôt louable. C'est vraiment de labelliser ça shoujo, qui, encore une fois, juste renforce des stéréotypes de genre qui sont pourtant déjà bien présents au sein de l'édition. Et ça fait bien à personne, quoi. Et ça va pas aider le manga à mieux se vendre. D'ailleurs, comme on vient de voir, Sally se serait sans doute davantage penché dessus de manière plus naturelle si le manga avait pas eu cette couverture, c'est ce que tu disais. Ah oui, non, mais clairement, pour moi, c'est... Enfin, mais parce que je te dis, je suis pas adepte de shoujo non plus. Ouais, voilà, donc ça va bloquer les gens qui sont pas adeptes de shoujo ou de romance habituellement, alors que, clairement, pour l'instant, il n'y a pas une ombre de romance, même s'il n'y a pas toujours de la romance dans les shoujo, mais là, pour le coup, ça fait vraiment shoujo très très jeune fille, alors que c'est clairement pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc même en termes de cohérence avec l'intérieur... Je trouve que ça rate un peu son coup. Et puis en plus, même à l'intérieur, tous les codes du putain de premier tome, c'est du code de shonen. Mais oui, il y a un côté surpassement de... C'est vraiment shonen, quoi. Alors sinon, un truc que j'ai bien apprécié, c'est le fait que l'antagoniste, ce soit finalement le monde de la mode. Soit pas, il n'y a pas un personnage qui est un ennemi spécifique. À mon avis, on y viendra, mais... Oui. De la rivalité entre les personnages. La rivalité, mais au niveau du premier tome, je veux dire, c'est pas... on ne te pose pas un truc qui serait un cliché qu'on retrouverait dans un shonen classique, ne serait-ce que pour avancer. Ah, regarde, mets lui comme barrière. Non, pas spécialement. Enfin, je pense quand même que ça va garder une écriture qui, quand même, puise dans des archétypes relationnels de shonen classique, comme là, il y a déjà un peu, voilà, du moins dans les objectifs, etc. Déjà avec le monde du stylisme, déjà on arrive sur quelque chose, effectivement, qui est déjà un bon cliché de la vraie réalité véritable qui... Et donc, Karim Debache est avec nous aujourd'hui. Qui fait du mal. Si seulement. Mais non, parce que c'est le joueur du grenier. Pardon. C'est pas grave. Non, chacun ses choix. Ce que je voulais dire, c'est que ça, en fait, ça m'étonne presque d'avoir autant apprécié ce titre, parce que je l'avais pris un peu par curiosité, parce que ça combine deux trucs que j'aime pas, à savoir le monde de la mode qui me désintéresse au possible, et qui à la limite me repousse un peu. Et ce type de shonen, on en avait déjà parlé, c'est un peu comme les shonen de cuisine ou Blue Giant dont on avait déjà parlé, c'est un peu le même délire, des gens passionnés par leur milieu et prêts à tout pour y grimper, et d'habitude c'est un truc qui me gonfle, et donc je voulais savoir la combinaison des... Est-ce que moins et moins ça finissait par faire plus? Et effectivement ça marche. Donc voilà ma critique. Shonen, mais en fait c'est une critique mathématique, moins et moins ça fait plus. Rappelons que cet homme n'a pas d'argent, qu'il s'en plaint tous les jours, et qu'il prend des risques en achetant des trucs qu'il pense ne pas aimer. Mais et c'est qui a acheté le truc avec les nazis qu'on les croit gammés sur les ailes pour que on puisse le voir ensemble? Alors non, c'est pas les nazis qu'on les croit gammés sur les ailes, les dragons nazis. C'est bizarre, c'est les dragons, c'est les nazis. On avait dit quoi sur les digressions parce que là on parle quand même de dragons nazis sur un truc, ouais, sur la base. C'est bon, on est parti. T'as pas encore vu la couverture du truc. Le rapport, c'est Hugo Boss. Hein. Mais du coup, juste la petite question, ça veut dire que si on te faisait un manga, si on te faisait un manga sur des chiens macronistes, du coup, ça te plairait? Voilà, ah, Ah. Ah merde! Ah merde! Mais peut-être que le fait que t'aies apprécié aussi, ça s'explique par le fait qu'il y ait deux protagonistes qui ont la même importance, qui collaborent ensemble, et que du coup il y a un côté moins égoïste. Oui, les protagonistes sont super, sont super attachants. Il y a un côté un peu moins après moi le déluge qui, moi, me fait aussi beaucoup chier avec Blue Giant quand même, où c'est une inconscience du fait qu'il n'est pas tout seul, quoi. Bah, c'est insupportable. Même si c'est super, Blue Giant. Ne réponds pas à ça, je sais que t'es pas d'accord. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé le fait, notamment sur le garçon, le fait que cette situation-là, c'est tout se retrouver un petit peu dans ce moment-là où on n'est pas sûr de notre avenir. On a des rêves, mais on se dit, putain, faut quelque chose de réalisable. Et lui, tout ce qu'il veut au début, c'est juste être employé. Mmh. Il s'en fout du métier, je veux dire, il veut juste avoir un emploi et gagner de l'argent, il veut être salarié, quoi. Oh, bah, il a une raison à ça, c'est parce qu'il sait que c'est la seule personne qui pourrait rapporter de l'argent chez lui. Donc c'est pas vraiment un but personnel, c'est un but de sauver sa famille, c'est tout aussi louable. Oui, mais à côté de ça, son but personnel n'est pas compatible, enfin son rêve n'est pas compatible avec ce qu'il va faire. Il a envie de... Je crois qu'à côté du but familial, on appelle ça la dépression aussi. Voilà. Mais sinon... bah, c'est quelque chose qui est bien réaliste et bien exploité, la façon dont c'est mis en place. Oui, enfin, bien réaliste, il est en terminale, il arrive chez un des plus grands stylistes... Non, je parle de la... Et on lui dit, tiens, si toi... Non, je parle de cette partie-là, vraiment, de remise en question de soi, en se disant, mais non, je suis pas fait pour ça. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a un grand moment où il se dit non. Enfin, c'est un grand moment au sein d'un tome. Bon, mais je pense que justement c'est bien aussi que ce soit le personnage masculin qui soit absolument pas sûr de lui, alors que elle justement, même si tout le monde lui dit qu'elle va pas y arriver, elle continue de forcer jusqu'à ce que ça fonctionne, alors que lui au contraire il est beaucoup plus sensible aux remarques qu'on peut lui faire, donc voilà, c'est assez bien. Peut-être juste dire que ce manga était en lice pour le manga Taisho Awards de 2018, donc a été remporté par Beastars. Donc au Japon, il rencontre un succès critique et commercial plutôt conséquent. On parle beaucoup de Beastars quand même dans cet épisode. On parle beaucoup de Beastars. Et donc c'est en cours avec 10 volumes au Japon, donc ça va vraiment dans le sens d'une espèce de truc très très shonen, justement, qui s'étale un peu, enfin c'est un peu péjoratif, mais qui dure, entre guillemets, dans des choses où, à mon avis, c'est une ascension qui va prendre du temps. Et on a tous hâte de lire la suite. Oui. Vivement leur coup, ils sont dans la coque. Est-ce qu'on en a fini avec Shine? Oui. Oui. C'est un titre qu'on recommande tous. Parce qu'il est temps de passer à un titre dont personne ne m'a recommandé autour de la table. Titre édité par Delcourt. Un titre écrit et dessiné par Livio Bernardo. Un titre qui s'appelle La vie moderne. La vie fucking moderne. Ça, c'est beau, ça. Alors... Si je me souviens bien, je l'ai lu en premier et j'ai cru que j'allais vous lâcher là, hein, quand je l'ai lu. Hein. Je me suis dit, putain, non, mais... C'est le genre de bouquin qui font qu'on n'a plus envie d'enregistrer de podcast. C'est... On n'a plus envie de lire derrière ça. C'est parce qu'il t'a fait ouvrir les yeux sur la vacuité du monde et sur... Non, c'est juste parce que c'est mauvais, d'accord. Je disais, putain, j'accroche pas. Ouais, hein. Je peux expliquer, hein. C'est des reliures, d'un blog. C'est des dessins humoristiques, on va mettre des grosses guillemets. Il est quoi? Alors, c'est pas un blog, c'est posté sur Instagram. Voilà. Ah, ça a un sens par rapport à un truc que je vais dire après. D'accord. Tu vas voir. Et alors, sinon. Ce teaser de l'angoisse. On va continuer le name dropping, mais celui-là, tout le monde connaît. Hein. Tout le monde connaît Norman. Ouais. Oui. Voilà. De qui le youtubeur? Ah, c'est comme si Norman dépressif, oui. C'est comme si Norman dépressif décidait de poster des dessins de ce qu'il ferait normalement en chronique podcast. Facecam. Non, c'est horrible, c'est l'enfer. Ouais, on n'a pas forcément donné. Donc c'est un auteur qui en gros veut représenter le des monde. Archétypes de personnages parisiens. Voilà, non, c'est pas le monde, c'est Paris. Ah non, mais c'est le monde moderne tel qu'il. Oui, mais c'est le monde moderne de Paris. Voilà, c'est grande ouverture. Alors, le monde moderne des bobos parisiens. Oui, c'est Paris. Pas tous les arrondissements. C'est un auteur qui a l'air d'une tristesse mais incroyable. Alors, parce que là on est rive gauche, hein. Je veux dire, on n'a pas dépassé plus loin. Ouh, lui il est rive droite. Hein. Non, mais par rapport oui, à. Non, mais j'essaie de faire une petite blague un peu subtile. Voilà, c'est un peu. On est pas sorti de rive gauche oui, hein, oui. Au niveau du truc. Et, Le problème, au-delà du fait que ce soit mauvais, parce qu'on peut toujours excuser quelque chose de mauvais, c'est que là j'arrive pas à lui trouver d'excuses. Parce que ça part pas d'un bon sentiment, parce que c'est blindé de mépris et il veut vraiment. Enfin, il méprise absolument les personnes qu'il met en scène. Il n'y a même pas de volonté pécuniaire parce que c'est gratuitement sur son Instagram, donc il fait vraiment ça pour l'amour de l'art, quoi. Alors que je pense que l'art ne l'aime pas trop. Il le fait peut-être juste pour se brosser lui-même dans le sens du poil. Oui, hein. Mais justement, il n'y a aucune conscience de sa condition. Effectivement, je pense que l'art ne l'aime pas trop. Il prend ce qu'il fait très au sérieux, ça se sent que vraiment il a l'impression de toucher juste. Il est extrêmement juste dans ce qu'il fait, il n'y a aucune autocritique dedans, alors que lui-même appartient à ces milieux. Les seuls moments où il se met en scène, c'est pour montrer à quel point les autres ne comprennent pas son art. Vraiment, ah oui, alors ça c'est insupportable. Il croit qu'il est jeune, oui. Il ne l'est pas. Et c'est insupportable. Son pseudo par les jeunes, qu'il croit maîtriser. Et d'ailleurs, il se moque des gens qui croient maîtriser par les jeunes. Il se rend pas compte que lui-même est ridicule. Mais quand je disais Norman en version dépressive, oui, qui parle. J'ai pas l'impression qu'il soit dépressif. J'ai l'impression qu'il est très heureux, qu'il est très content de lui-même, que vraiment il est tout à fait à l'aise. Enfin, je pense qu'il prend beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce qu'il fait. Mais je parle du ressenti quand on lit ça. Je veux dire, après, on n'est pas bien. Mais lui, je crois qu'il est sur son trône au-dessus de tout ça et que juste il prend plaisir à regarder en bas et à se dire, mais qu'est-ce que vraiment les gens sont nuls, quoi. Et il se croit constamment deep, il ne l'est jamais. C'est à chaque moment qu'il veut faire une remarque et où il la met en scène d'une manière tragique, genre vous faites tout ça, mais au fond, nous sommes tout seuls. C'est d'une pauvreté, c'est bourré de truisme, c'est bourré d'un mépris. C'est... Genre les premières pages avec le passage où, oui, c'est où genre tout le monde se parle, mais en fait personne ne se parle. En fait, personne ne s'écoute. C'est la variation sur internet, les gens sont sur leur portable, ils communiquent. C'est de balancer des lieux communs de vieux réac qui ne comprend rien à ce qui se passe. Mais et puis il manque un truc très vieux réac dans pas mal de pages. Il manque des chutes. Il manque de l'humour. Parce que le mec, il arrive, il veut te faire des blagues, mais en fait, t'as pas de chute. Mais c'est ça. C'est problématique. Alors, moi, je vois la blague, mais je n'y ris pas. Parce qu'il y a quelque part encore. Je vois ce qui le fait rire. Parce que des fois, il fait des portraits. Et il est bien seul. Des fois, il fait des portraits, ouais, genre de bourgeois. Ouais. Mais juste pour faire un portrait, sans blague. Mais beaucoup sur les hipsters. Et puis, quand tu lis ça, tu te dis, mais et alors ? La blague, c'est le contentement et le mépris éprouvé à se dire, moi, je suis au-dessus de ces gens-là. Ouais, en fait, ce qui m'a gêné dans ce mépris, c'est enfin deux trucs. C'est d'une part, il parle beaucoup des gens qui sont, qui font notamment d'écologie, qui font des efforts écologiques et compagnie. Alors, effectivement, chez certains, c'est peut-être hypocrite. Mais il dit ça comme si c'était un mal de le faire, en fait, d'être végé, d'être des trucs comme ça. Il montre ça comme si c'était un mal de le faire. Alors que non, alors peut-être au que fond c'est du cochon. C'est... Ah. Alors que c'est peut-être. Retenons cette phrase. En attendant de bouffer de la cochonne. C'est peut-être inutile, mais. Oui. Il s'en m'attend depuis très longtemps. Ouais. Faut faire vraiment bosser sur les projets ensemble, parce que là. J'ai des blagues qui viennent, sur les chiennes Insam, mais du coup. C'est peut-être inutile, mais ça mérite pas ce mépris-là dans le traitement, quoi. En fait, il méprise tout le monde pour les efforts qu'ils font, mais lui, on comprend pas les efforts qu'il peut faire dans sa vie. Des fois, il y a des vagues essais de critiques sociales gauchisantes, Il se croit de gauche, mais il n'est pas. C'est pour se donner un lore. Mais sinon, je peux décrire à peu près ça en. Vous avez vu, l'hipster, celui-là, il parle franglais. C'est nul, hein. Mais c'est ça. Voilà. Et ça voilà passe à autre chose. Et là, t'es là, mais. Mais oui. Il n'y a pas la blague. Mais c'est à ces moments-là où tu te dis, mais alors, laisse les gens. Il manque un truc. Alors... Et puis ça dépeint un univers quand même vachement spécifique parce que il y a énormément de références à tout ce qui est soirée coke et compagnie. Même dans les beaux parisiens, je pense qu'ils font pas tous des soirées coke tous les vendredis soirs. J'espère. C'est un milieu vachement spécifique de gens assez friqués pour s'acheter des quantités phénoménales de fringues et de drogue. Comme c'est le cas. Et un truc qui m'a vraiment horripilé, c'est dans l'écriture, c'est il y a une tendance à déjà les anglicismes, mais ça, admettons qu'ils s'en moquent. Mais à orthographier les mots tels qu'ils sont prononcés. Alors, par exemple, je suis, ça devient tchu, C-H-U. Je sais pas dans quel accent ça marche, ce truc-là. Chui. C'est une catastrophe. Chui, mais C-H-U, il n'y a même pas le I. C'est moi, chu, D-A. Là, si je fais la phrase, moi, chu, D-A, dans une agence Media Solutioning. Et il y a aussi une tendance, en fait, à mettre des apostrophes partout pour les syllabes que les personnages ne prononcent pas. Sauf que ça impose un rythme de lecture et je trouve ça assez insupportable, en fait, parce que si nous on n'a pas tendance à sauter ces syllabes quand on prononce les mots, ça nous sort complètement du truc. Il faut laisser son rythme de lecture au lecteur en disant on peut pas tout lui imposer. Dès le début on trouve ça, dès le début on trouve ça et c'était vraiment illisible. Dès sa préface, oui. Ah la vache. Oui. Mais alors ça justement. Voilà, rien que déjà prendre un personnage qui se présente, il se présente en parlant au premier degré pour exprimer son stéréotype. Et là, tu lis ça, j'en pouvais plus au bout de deux lignes, quoi. C'est vraiment de montrer, regardez comme cette personne est nulle et comme vous qui comprenez ce que je veux dire, parce qu'on est quand même entre nous. Vraiment, c'est de la merde dans les autres. C'est vraiment ça, et c'est tellement pédant, d'une condescendance, c'est d'un mépris. C'est un mot que j'aime. Si jamais au moins c'était un peu mis en relief par de l'autocritique, mais il n'y a jamais ça. C'est vraiment hors du monde, quoi. Enfin, et c'est. Pfff. Je cite. Ouais. Anastasia, donc on voit une femme. Moi, je suis une Instagrammeuse slash influenceuse. Je suis invitée à des soirées où tu rentres pas. J'ai des cadeaux que tu peux pas te payer. Je me fais chiner par des gars qui te regarderont jamais. Et grâce à, alors, et tout ça grâce à un personnage que j'ai créé qui a rien à voir avec ce que je suis. Ça apaise ma dépression galopante et aseptible ce complexe d'infériorité que je traîne depuis l'adolescence. Sachant que Instagrammeuse, ça se finit juste par un Z à la oui, fin. Non, mais voilà, il y a plein de trucs dégueulasses comme ça. Ouais. Slash écrit en toutes lettres, tout ça, il y a plein. Et t'arrives sur un stéréotype où tu te dis, bah oui, c'est juste une pique gratuite envers ouais, tout le monde. Mais voilà. Et mais même quand tu fais pas partie, c'est ce que je disais à Chris quand je l'ai lu, je ne faisais pas partie des communautés visées, je me sentais quand même insulté. Moi, je me sens insulté rien que par le fait qu'ils pensent qu'on va en rire ensemble. Ah oui, oui, mais oui. Du coup, j'ai l'impression qu'il me prend pour un connard comme lui. Là, c'est ça. Même les communautés dont on fait pas partie, t'as l'impression que ça te vise oui. toi, alors qu'en fait, t'es pas. Alors, moi, putain. Deux autres détails qui m'ont vraiment. Mais alors, tué d'angoisse, quoi. Tué d'angoisse. C'est l'insertion à la fin de chaque scénette de commentaires Instagram qui font office d'autofellation parce que c'est des gens qui supposément lui auraient répondu, comme vraiment ils se retrouvent dans ce qu'il dit parce que vraiment c'est quelque chose. Il veut qu'il y ait un côté communautaire, sauf que d'ailleurs, ce qui sont tout aussi méprisants que lui. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'on se rend compte que les gens qui lui répondent, c'est souvent des 40-50-naires parisiens bourgeois, et en fait, des gens dont ils se réclament pas du tout. Donc, c'est assez marrant parce que ça montre bien en fait à qui plaît ce genre d'ouvrage et qui est clairement pas sa cible, enfin la cible à laquelle il voulait parler. Donc, la cible à laquelle il pense appartenir. Oui, et donc à laquelle il voulait parler, parce qu'il y a un côté « rions ensemble » qui me déprime un peu. Et même toute la postface avec « vous ressortirez ce livre à vos petits-enfants », il se prend pour qui? Enfin, moi, ce livre, je le ressortirai pas de ma poubelle, quoi. Il y a un moment, faut quand même... Non, mais t'auras pas de petits-enfants. Faut quand même... Alors... Wow. C'est gratuit. On peut... Totalement. On peut se moquer de l'auteur et pas de moi, s'il te plaît. Alors sans la vache, mais ils sont. Alors il y a quand même un avantage à ce livre. C'était un connard aujourd'hui, c'est bien. Ah oui. Parce que les autres jours. C'est-il rigolant. T'appelles-tu Olivio? L'avantage quand même de ce livre-là, c'est qu'il fait c'est à toi, peu l'auteur près 2 cm d'épaisseur. Donc si jamais vous voulez caler un meuble et qu'on vous l'a offert, ouais, ça peut servir. Et non, il y a un truc. Il y a un truc que réussit à faire l'œuvre, et là pour le coup je l'en félicite. C'est que en effet ça arrive à éveiller du mépris, sauf que c'est pas envers les personnages dépeints, mais c'est envers le livre en lui-même. Mais c'est quelque part une demi-réussite, et je pense qu'on peut lui dire bravo pour ça. En fait, c'est comme si Michael Haneke avait tenté un Instagram comedy. Tout à fait. C'est Haneke Fincher ensemble pour un livre. Alors, un autre sur truc, Paris. Un autre truc qui m'a dérangé, en fait, qui je trouve montre un certain je m'en foutisme envers le fait d'avoir mis son Instagram sur, en bouquin. C'est qu'il y a deux histoires, je crois, qui devaient être publiées sous forme de panorama, donc des longs trucs qui nécessitent plusieurs pages pour être mis. Et en fait, ça, une fois remis sur format papier, ça fonctionne pas parce que on est bloqué par la taille des pages. Donc le panorama ne fonctionne plus, à part en utilisant des artifices assez nuls. Alors qu'il y a des techniques, pourtant. Tu peux faire des battants, des doubles pages en battant. Ou alors tu les mets pas, tout simplement. Il y a des trucs qui peuvent être... Mais il y a moyen, c'est ce que je veux dire. Oui, il y a moyen. Et sinon, ça peut être aussi comics, exclusif au format... Je pense qu'il aime tellement ce qu'il fait qu'il n'aurait pas voulu qu'on supprime des trucs. Vraiment, il y a un contentement limite, ça aurait pu se retrouver dans la couverture. Ce qui fait que si on déplie la couverture, on se retrouve avec l'image. Ouais, par exemple. Voilà, un truc, un machin, un truc un peu innovant, un truc un peu... Mais là... Et il y a le. Je pense que celui qui m'a rendu le plus triste, c'est celui qui s'appelle Punchline, où il donne les punchlines qu'il a entendues pendant sa vie. Et en fait, il n'y en a aucune qui est une punchline, en vrai. C'est juste triste. Lise-le, mais je pense que dans une journée de ta vie, t'en entends 2-3 de meilleurs que ça. Comme t'auras jamais de petits-enfants, quoi. C'est déjà une meilleure punchline. Je veux dire, c'est pas des punchlines, c'est juste des remarques. Des phrases normales, en fait. C'est déjà rien que la première, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, il n'y a que des expériences. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est vrai qu'il a trouvé dans un biscuit chinois, je pense. Je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise histoire, il n'y a que des terribles histoires là-dedans. Je dirais plutôt dans une blague carambar. Hein. Aussi, ouais. La série Alice et Moon des blagues carambar. Ah la vache. Mais voilà, en même temps, ces personnages sont dessinés avec à côté d'eux les cahiers du cinéma. Mais voilà. Ah, ça explique tout. Je vais rien dire, je les ai lus 2-3 fois. Ouais, mais t'es d'accord, le cahier du cinéma, c'est... C'est un rotin qui se la pète, quoi. Ouais, c'est pas les meilleurs. Typiquement. Ah bon. Enfin voilà, du coup, on a du mal à en dire du bien. Hein. Non, quelqu'un a un avantage. C'est cool comme phrase. Ça m'énerve parce que. Non, parce qu'à part qu'elle est un meuble, j'ai pas trouvé de truc. Ben moi, je me dis que lui, au moins, il est heureux de faire ça, quelque part. Après, si vous vous considérez comme un Parisien et comme un connard, bah allez-y, ça pourrait vous plaire. Personnellement, on a un système de notes, on a mis des notes, et quasiment tout le monde a mis 0. Mais c'est le seul. Issam et moi, on a mis 0,5, mais moi j'ai mis mon 0,5 simplement parce qu'il a quand même réussi à le publier. Ouais, voilà. C'est motivé par un égoïsme. Je l'ai mis par pitié. L'impression de faire un chef-d'œuvre. C'est genre le Uwe Boll de la bande dessinée. Il est persuadé que c'est un génie. Ah, mais Uwe Boll, je mettrais 0,5 à ses films aussi, en me disant il a réussi à le faire quand même ce con. Est-ce qu'au final, pour résumer ce bouquin, c'est pas la dernière page? LOL. Voilà. Non, est-ce 3 petits points, LOL. Ah, 3 petits points, LOL. Oui, voilà. Ça résume bien. Ah, et puis gros gâchis de papier parce que ça prend énormément de place pour publier des dessins qui pourraient tenir sur une demi-page. Ils sont moches. Et tant que parce que le LOL, il l'a mis sur page complètement noire avec l'écriture en blanc. Ce qui, voilà, c'est un gâchis d'encre. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun dessin fait spécialement pour le truc aussi, alors que dans l'ensemble, les mecs qui publient leur blog, genre Boulet et compagnie, bah, ils ajoutent des pages inédites quand ils font le format papier, ils ajoutent une plus-value. Oui, de rewarder aussi les gens, de récompenser les gens qui achètent quelque chose qui de base était gratuit. Moi je trouve que c'est une bonne initiative de rajouter un petit quelque chose d'inédit, quoi. Et puis des trucs qui, à l'inverse, Boulet, il y a des notes qui sont sur son blog et qui sont pas en dessin parce qu'elles se prêtent pas au format papier. Oui, notamment les gifs animés, il a du mal à les mettre dans les livres. Voilà. Ou alors il avait fait une note aussi, pour le coup, lui elle était encore plus longue, il avait fait aussi une note en panorama d'un mec qui fait une chute à travers l'univers. Et quand elle nécessitait, je crois qu'elle fait. Il y en a qui l'ont imprimé, elle fait 7 mètres de long. Voilà. Ça, c'est parce que c'est des auteurs qui ont un minimum de recul sur ce qu'ils font et tout ça. Lui, je crois qu'il est tellement fan de tout ce qu'il fait qu'il se dit je vais rien couper, je vais tout laisser parce que tout se vaut et que tout est vraiment pertinent. Ah bah, ça, je suis d'accord, tout se vaut. Hein. Oui, tout se vaut, ça c'est vrai. Mais oui, bah, c'est le pas comme il le pense. Mais alors, ça se sent que c'est un mec qui aime s'entendre parler, qui aime se regarder dans la glace. Alors, les conditions de lecture sont importantes. Je tiens à signaler que déjà, j'étais le premier à aller au casse-pipe et qu'en plus, je lisais ça parce que je me faisais chier dans les bus. Non, j'étais dans le bus entre deux trajets, dans un trajet d'une heure, et je me suis encore plus fait chier que si je regardais par la fenêtre pendant cette heure-là. Le paysage est plus intéressant. Si on regardait un parallèle avec le discours de Macron, bah cette fois il y a le mépris de Macron dedans. Ou en plus. Si on prend Raïseki truc et ça, on arrive à avoir un vrai discours entier en fait. C'est plutôt intéressant. Ah, est-ce qu'il serait pas temps la dernière fois qu'on a parlé d'une œuvre française, on a rencontré l'autrice peu après. Ah la vache. Donc Livio, si tu fasses dédicacer à Reims, fais-nous signe, on viendra faire un check. Mais non, justement, fais-nous signe, on viendra pas. Tu pourras nous faire un dessin inédit ce qu'il n'y a pas dans ton livre. Le pire, c'est que c'est pas nous qui faire un bon dessin. Oula. C'est pas nous qui allons le voir, c'est lui qui dira hey, vous, c'est vous les connards qui prennent. Tu pourras faire une petite caricature de nous, littéralement, en se prenant au premier degré. Il va nous proposer un combat sur un ring. Bah, du coup, et ça donnera vraiment du mauvais ball. Non, toi, t'as rien dit. Moi, je l'ai pas lu. Tu es sauvé, ça. Je lis pas ça, moi. Je lis pas ça. C'est peut-être encore plus méprisant. Ouais, mais c'est aussi peut-être celle qui a su le mieux s'épargner dans le monde. Non, c'est surtout qu'elle prend soin d'elle. C'est surtout qu'elle a pas eu l'occasion de l'avoir dans les mains, c'est surtout oui, ça. Bon, mais moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il arrive à nous rendre méchants et méprisants, quoi. Enfin. Non, à la vie moderne. Je sais pas ça. Mais par contre, tradition. Mais par contre, on va dire oui au prochain titre. Nous allons parler de Kakushigoto, oui. Édité par Vega, encore une fois, décidément éditeur ô combien talentueux dans ses choix éditoriaux, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. Audacieux, et dessiné par Kouji Kometa, dessiné et écrit par Kometa. Auteur à qui l'on doit Sayonara, Monsieur Désespoir, édité chez Pika. Et où on suit... Édité laborieusement chez Pika. À raison d'un tome par an et demi. Voilà. On suit un jeune père célibataire qui essaye de cacher son travail à sa fille simplement parce que il est dessinateur très connu pour il est dessinateur de manga très connu pour une œuvre coquine, humoristique et coquine, un petit peu salace, voilà, et il n'a pas envie du tout qu'elle sache ça et que ça lui retombe dessus. Je repense à la gigue des couilles. Bah exactement, c'est la gigue des couilles qui est écrite telle quelle dedans, dont on voit quelques images et on se dit mais pourquoi ça fait rire les gens. Et j'adore quand il y a la maîtresse d'école qui est toute gentille qui dit j'adore la gigue des couilles. C'est et les personnages sont toujours adorables par rapport à ce qu'il a fait en disant « Oh, c'est pas mes auteurs préférés, la gigue des couilles ouais, !» Moi, j'adore les assistants, notamment l'assistante qui a l'air un peu plus politisée, un peu plus à gauche que les autres, et qui pourtant a l'air super contente de travailler là-dessus. Ouais. Ses collègues. Alors, il y a tout qui est... Enfin, j'ai beaucoup aimé ses collègues, j'ai beaucoup aimé, effectivement, l'enseignante. Tous les personnages secondaires sont vraiment super cool. Et lui, il fait tout pour aller chez un de ses amis qui tient un magasin de vêtements de façon à changer de tenue pour arriver ensuite à son boulot le plus discrètement possible. C'est incroyable tout ce qu'il fait juste pour cacher ça à sa fille, quoi. C'est une catastrophe. En sachant qu'il n'est pas aidé par son... Enfin, c'est oui. Propre toc, parce qu'il part en costard cravate, il pourrait dessiner en costard cravate en fait, oui. Mais c'est juste qu'il peut dessiner confortablement quand qu'elle bute. Mais le pire, c'est que limite, il y a des toilettes. Ouais, là, voilà. Il pourrait changer sur place. Non, il change avant. C'est l'humour absurde. Non, ouais. Oui, mais jeune, il dessinait à poil, mais il a fait un effort quand il a eu les assistants. Ah, c'est de l'humour absurde, mais l'auteur le fait tellement bien. Il y a des images aussi dans le contexte qui sont géniales. C'est-à-dire qu'apparemment, il va dans le marché, et puis d'un seul coup, il voit son personnage. Il pense être incognito. Qui est partout. Et il se dit, mais non. Mais alors qu'en plus, le personnage ne prouve rien sur lui, quoi. Et puis en plus, ça se vend pas. Enfin, je veux dire, c'est. Est-ce qu'à 6 coups, elle doit acheter, du coup, après. Ah bah, du coup, on va encore en avoir l'année prochaine. C'est présenté sous forme de petites scénettes assez courtes. Le nombre de pages varie, mais ça en fait rarement plus d'une dizaine. Ce qui donne un côté très dynamique à l'ensemble, mais en même temps, les scénettes sont regroupées en chapitres thématiques. Il y a 6 chapitres dans le livre, 6 ou 7, qui ont un thème au sein duquel sont regroupées 5-6 scénettes à chaque fois. Et puis sinon, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que dedans, il y a un arc qui se concentre sur ses collègues de travail. Où ça parle du rush du bouclage, des tocs des dessinateurs, des auteurs. Et j'ai trouvé ce passage assez sympa, parce qu'effectivement, on a une grosse partie tranche de vie, et on voit le niveau même de dépression des personnages selon ce qu'ils font comme activité, avec le déni, par exemple, le déni du bouclage, quand ils commencent à décider de nettoyer les lieux, ou de faire la cuisine, ou enfin voilà, c'est... Oui, les différents stades du déni, c'est terrible. Mais ça sent le vécu. Bah oui, alors justement, c'est super intime. Enfin, il dit que il se met pas en scène lui, mais que c'est quand même beaucoup basé sur des expériences qu'il a pu avoir et sur son senti vis-à-vis de son milieu. Mais en plus d'être extrêmement drôle et avec une multiplicité d'humour qui, à mon avis, fonctionne très bien, même sur moi qui n'ai aucune réceptivité par rapport à l'humour dans le manga, c'est extrêmement intelligent vis-à-vis de tout ce que ça veut dire. Sur le monde du manga, sur les rapports entre réalité et fiction. Enfin, donc vraiment, il essaye d'élaborer des réflexions assez pertinentes et assez intelligentes et assez personnelles sur le monde du manga, sachant qu'il y a en ce moment plein de mangas sur le manga qui sortent et de mangas réflexifs où les auteurs s'expriment sur leur milieu. Lui, je trouve qu'il le fait avec vraiment une attention à des problématiques assez poussées et en même temps avec un angle d'attaque très politisé parce que donc il y a certains personnages. Enfin, il y en a une qui est clairement très très anticapitaliste, qui lâche des punchlines toutes les 5 minutes, c'est très très très drôle, et on voit qu'il met en question les conditions de création des œuvres, qui sont pas forcément dans le sens de les rendre très bonnes, et qui sont très très éprouvantes, et il le met en scène. Donc vraiment, tout en étant toujours extrêmement drôle, c'est blindé de personnages super attachants, avec plein de messages de fond qui sont vraiment abordés en profondeur. Et vraiment, ouais, c'est la grosse, grosse bonne surprise. Et je crois que pour l'instant, c'est mon manga préféré chez Vega avec Peleliu, quoi. Enfin, c'est... Non, moi, c'est clairement mon préféré chez Vega. Je trouve ça sublime graphiquement aussi. Oui. Le style de l'auteur, je l'adore. Et j'adore, en fait, le fait que les personnages soient totalement perchés, mais qu'en même temps, ils deviennent très vite attachants. Je sais pas comment il fait, parce que les personnages sont... en fait, ont des caractéristiques ultra simples. Est vraiment poussé à fond, mais ils arrivent à être très humains en même temps. Bah c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime beaucoup l'arc avec ses collègues, parce que l'arc on voit vraiment en immersion avec ses collègues, parce que ils sont tous complètement pétés du casque, mais à côté de ça, ça a une cohérence de fonctionnement qui fait que c'est tangible. Tu sens que ça peut être vrai. Mais c'est aussi parce qu'il met en scène ces personnages d'apparence assez simple dans des situations plutôt bien trouvées toujours, qui mettent à profit pas mal de choses au niveau des personnages et qui font qu'on s'y attache super vite. Parce que lui, contrairement à d'autres, sait écrire des situations rapidement. Hein, Olivio? Il n'y a que les... Olivio. Il n'y a que les porcs capitalistes qui pensent que la valeur d'un mangaka dépend de ses ventes. Voilà, l'assistante, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. La phrase de Tom Hanks. Oui. Mais je pense que l'affection des personnages joue aussi beaucoup sur son style graphique. Les personnages, visuellement, ils sont tous charmants, ils sont tous adorables, et je pense que ça joue aussi. Ouais. Toute cette affection que tu peux avoir ressentir pour eux. Alors moi, j'ai juste une petite recommandation, enfin, un truc que j'aimerais que Vega fasse, que Pika a fait sur Sayonara, Monsieur des Espoirs, c'est de sortir les tomes tous les 1 an et demi. Non, c'est que l'auteur, en fait, est un très très gros amateur de jeux de mots. Ouais, ça manque. Et en fait, son œuvre est bourré de jeux de mots, je pense. Ne serait-ce que Kakushi Goto, en fait, ce qui est le nom du personnage principal. Si on prend... C'est le nom et le prénom. Le nom et le prénom, oui. Si on prend Kaku, c'est le verbe écrire. Shigoto, ça veut dire travail. Mais en même temps, si on lit vraiment son prénom, c'est Kakushi, qui veut dire secret. Et Goto, c'est un suffixe qu'on peut utiliser pour, pareil, diffuser l'idée de dissimuler quelque chose. Donc ne serait-ce que dans son nom, il y a un jeu de mots. Dans le nom de la prof, Ichiko Rokujo, Roku c'est 6, Ichi c'est 1, et elle a un 61 sur sa veste. Donc je pense qu'il y en a pour tous les persos des trucs comme ça. C'est un gros amateur de jeux de mots à tiroir. Et ce serait cool qu'il y ait des petites explications, parce que je les ai pas tous cherchés, j'ai pas du tout une maîtrise du japonais suffisante pour tout laisser comprendre, et ce serait cool qu'on nous les explique un peu. Il y en a aussi qui doivent passer à la trappe dans la traduction, forcément. Ouais. Ça, c'est toujours très important, malheureusement. Fascinant. Mais ça, admettons, mais même les noms, ce serait bien de nous expliquer pourquoi ils ont ce nom-là. Ne serait-ce qu'en postface ou quelque chose. C'est ça, une petite page de notes, c'est ce que faisait Pika sur Sayonara, Monsieur des Espoirs. Alors, mais quand c'est pas les auteurs qui le font eux-mêmes, oui, que les éditeurs le fassent, quoi. C'est un des mangas où j'ai vu plus de fois des running gags. Aussi, il y a beaucoup de running gags qui viennent de temps en temps redébarquer. Et des fois, des moments où on les attend pas. Enfin, pas ou plus. Même dans Sayonara, on mettait des tonnes. Le mec qui se suicide une page sur deux. Bah oui, c'est le principe. Ça n'a rien à foutre là. On lui parle, il veut se suicider. Sayonara, Monsieur des Espoirs. Le chapitre extraordinaire où il est stalké, que son stalker est stalké, que le stalker du stalker est stalké. Moi, j'adore aussi celui sur l'Ikikomori qui finit par résider à l'école. Oui. Mais sinon, ce qui est marrant, c'est que ça commence quand même, donc là, les petites pages couleurs au début qui sont sympas, où on voit qu'elle a 16 ans, et sa fille a 16 ans, et peut enfin ouvrir un cabanon où il y a le secret de son père qui est caché. Enfin, donc on se demande d'ailleurs pourquoi, parce qu'il est pas là, lui, il n'y a que ses assistants, donc ça crée un espèce de suspense, et en plus c'est assez tragique comme scène, donc on se demande même s'il n'est pas mort, enfin... Voilà, on sait pas... Au début, et ça revient à la fin, ça encadre le tome. Ouais. Que va-t-il se passer? Ça a combien de tomes au Japon? Alors, elle est en cours avec 7 ou 8 tomes, connaissant Sayonara, Monsieur des Espoirs, qui fait, il me semble, plus d'une vingtaine de tomes. Ouais, 31, je crois. 31, bon, enfin voilà, ça risque de durer un peu, et c'est d'autant plus... Enfin, moi, vraiment, ça me surprend, mais dans le sens extrêmement positif du terme, que Vega se risque sur ce genre de titre. Qui est clairement. C'est un titre casse-gueule, hein, il faut le dire. C'est super casse-gueule, surtout du fait de la longueur, il est même pas fini, ils savent pas trop où ils vont, quoi. Et puis même du style, quoi. Oui, du fait du style. Clairement. Mais ne serait-ce même que le style graphique, depuis le début de leur création, Vega, ils mettent en avant des styles graphiques type Peleliu ou ça, ou même de Red Rat, enfin Ouais, bah alors, qui a aussi un style graphique qui, entre guillemets, d'autres éditeurs diraient ça passera pas en France. Et eux, ils prennent des risques là-dessus, et j'espère vraiment que ça va payer et qu'ils vont continuer dans cette direction, parce que pour l'instant, tous les risques qu'ils ont pris, je les salue, parce que c'est vraiment excellemment réussi, que ça va devenir un des meilleurs catalogues français. Ah, c'est très, très bien. Même le Journal d'une vie tranquille, avec un style graphique assez atypique, ils vont avoir l'auteur d'Area 51, alors c'est moins un risque. Parce que ça fonctionne en France. Mais... Oui, à côté de ça, c'est un puis atypique. Une vie tranquille aussi avait un format particulier, c'était de la couleur, c'était du 100 pages, c'était du grand format. Et puis même leurs mangas qui ont des styles plus traditionnels sont quand même très bons scénaristiquement. Oui, non mais je mets pas en cause de la qualité des autres. Là, même les trois premiers qu'on avait eu de Vega, donc Survivant, Peleliu, et très sympa. Et l'Aquarium. Ouais. un peu moins fan du Magnell, ouais. Oui, c'est leur titre le plus dans la lignée de tout ce qui a engendré Bright Stories, quoi, donc ouais. Des trucs. Magnell, ça aurait pu sortir chez Comic Coop, par exemple. Oui, voilà, ou chez Kyo. C'est très bien aussi, hein. Voilà. Moi, ce que j'espère, au-delà du fait que ça va marcher, c'est que ça a suffisamment marché pour pousser Pika aussi à remettre un coup de boost sur Sayonara et pour sortir les tomes qui sont ça, malheureusement, j'y crois pas, en rupture de stock. Malheureusement, j'y crois pas, ça. Donc Pika, si vous nous écoutez, je regrette tout ce que j'ai pu dire sur vous. Enfin, je me souviens d'une insulte dans les premiers volumes. C'est pour ça que je dis je regrette. Ah. Envoyez-moi les tomes de Sayonara, s'il vous plaît. Je veux partir. Et on arrêtera d'imiter Pikachu quand on parle de vous. Enfin, on essaiera. Un titre qu'on recommande tous autour de la table. Oui. Ouais, pourtant, j'ai même fait un article dessus, allez lire mon article. Juste mentionné. Tu comprends qu'il y est mentionné. Bah non, parce qu'il y est mentionné. Mentionné de temps, je laisse. Tu peux très bien dire que c'était mentionné, mais ouais. Non, coupe. La suite. Ça va pas, monsieur, je me fais de la pub. Bah justement, c'est ça le problème. Bah non, c'est très bien. Bah non. Bon, laissons ce très bon titre derrière nous. Passons à un autre titre que personnellement je n'ai pas lu, donc je ne dirai pas si c'est osé ou pas, même si ça m'a quand même l'air relativement osé. Sacrément osé. Qui a lu ça? Moi, mais pas moi. Et toi, non, ça a lu, non? Non. Ok. Vous êtes trois à l'avoir lu du coup. Eh bien, qui veut nous en faire un résumé? Un talent pour esquiver les trucs. Non, mais c'est parce que ce mois-ci vous avez été gentil, vous m'avez donné que des bons trucs. Donc, bah oui, c'est ultra Marine. J'ai vu comment tu ménages. Ultra Marine MacMail. Édité par Ototo. Voilà. Ototo. Alors, de Di Nian Miao. Parce que c'est chinois, il me semble. Voilà, ça c'est pas... J'allais dire, c'est pas comme... Ça, comme... Non, c'est étonnant, c'est pas du... Non, normalement, c'est pas dans le sens... dans le même sens de lecture que nous. Mais il peut très bien être chinois et être publié au Japon en tant que manga. Oui, voilà. Mais je pensais qu'il voulait sous-entendre que c'était une œuvre chinoise. Ah non, mais... c'est un auteur chinois. C'est un auteur chinois. Un auteur chinois. Ouais. Un peu comme Boichi, c'est un auteur coréen. Alors, qui publie du manga au Japon. Donc l'histoire, en gros... Que des gens talentueux, décidément. Tais-toi! Un peu comme Livio! Olivio! Taisez-vous! Non, Livio! Taisez-vous! Pour introduire. Pourquoi tu dis Olivio? C'est Livio, regarde, Livio! Oui, Olivio! Ça dépend, j'avais commencé déjà à mettre un plan d'introduction, mais vas-y. C'est juste pour dire que, premier indice que ça va vraiment être Osef, c'est recommandé par l'auteur de Hunter x Hunter qui n'aime. Enfin, tous les trucs recommandés par lui sont. Généralement extrêmement Osef. Et c'est pas dur de se faire recommander par lui, il suffit qu'il y ait des dessins, déjà il est impressionné. On l'a pas déjà fait cette blague. Si, mais pas en direct. Ah d'accord. C'est alors ça commence l'histoire par un continent qui d'un seul coup sort de la flotte avec plein de créatures dedans, plein de trucs de minerais rares, plein de choses précieuses. Beaucoup de personnes se sont mises à explorer ce nouveau continent pour y rechercher les ressources rares qu'on retrouve aussi bien en minéraux que chez les animaux. Et par contre, la faune est extrêmement dangereuse et beaucoup de personnes se perdent là-haut. On suit en fait les aventures principalement d'un jeune homme qui va rechercher avec l'aide de son assistante les personnes qui se sont paumées sur l'île contre monnaie sonnante et trébuchante. Alors... L'avidité. De quoi ? L'avidité. Mmh. L'avidité. Sachant qu'il a des pouvoirs... qu'il a sans doute gagné grâce à cette île. Moi, j'ai trouvé... Enfin, disons qu'il y a quelques passages qui sont potentiellement sympas, mais à côté de ça, on sent que l'ambition était trop grande pour la qualité. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il y avait des masses d'ambition, en fait. C'est du shonen banal... Bon après, oui, c'est pas désespérant. Je pense que si ça avait été un autre style que du shonen, j'aurais peut-être plus adhéré, mais comme déjà c'est des codes que j'aime pas de base. L'idée de s'intéresser à pas aux aventuriers du monde en eux-mêmes, mais à des gens qui viennent les sauver et qui sont en dehors en fait de ce monde-là, ça peut être intéressant comme parti pris. Voilà. Mais bon. Bah comme je disais, des ambitions qui étaient potentiellement sympas, mais voilà. Il y a beaucoup de trucs qui tombent à plat, par exemple des trucs qui normalement devraient justement prendre au trip et tout, qui tombent complètement à plat et tu regardes la scène en disant bah oui, je m'en fous, je me suis pas attaché à la personne qui vient de crever, ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui meurent, spoil! À peu près, ouais. Et j'ai l'impression qu'à la fin, il y a un rebondissement qui arrive, mais qui aurait dû venir pas mal plus tard parce qu'on n'a pas eu le temps d'installer une routine entre guillemets, qu'il y a déjà quelque chose qui, je pense, va remettre en question tout l'univers. Ouais. Oui, tu ouvres tes bananes à l'envers. Excuse-moi, mais ça me perturbe. Tu sais que c'est comme ça que font les singes parce que c'est plus simple. C'est vrai. Mm-hmm. D'accord. Tu veux continuer? Non, mais j'ai rien à continuer. Enfin, j'ai comme je dis, j'ai rien à continuer. J'ai pas grand chose à en dire en fait. Je trouve les personnages assez insupportables en fait. C'est un bon moment. Mais... Voilà. Alors après, c'est pas complètement désagréable à lire, hein. C'est juste que une fois qu'on a fini le truc, bah, on a l'impression que c'est Osef complètement. Mmh. Voilà, c'est pas mal dessiné. À côté de ça, il y a tellement d'autres trucs qui sont mieux à côté. Même, enfin, il y a certaines idées assez intéressantes. Alors notamment, il y a un jeune garçon qui vient pour retrouver son frère. Dans ce monde-là, et je trouve que la conclusion de cette histoire aurait pu être intéressante. Voilà. Et on sent que l'auteur veut en fait faire quelque chose d'intéressant de ça, mais qu'il y a, je sais pas, une précipitation ou un manque de talent tout simplement, ou d'expérience, qui font que bah, ça tombe vraiment à plat. Alors il annonce vouloir faire une série qui compterait au moins 15 tomes en préface. Bon, peut-être qu'il aurait dû garder cette idée qui, où on voit quand même qu'il a réfléchi à pas mal de choses pour son manga, mais où il manque encore d'expérience, et peut-être que ça arrive trop tôt dans sa carrière aussi, j'en sais rien. Il y a combien d'aventures au Japon? 4 ou 5. En plus, il y a des, ouais, trucs qui sont quand même assez sympas, comme par exemple l'idée qu'il essaye de développer un bestiaire et tout ça. Enfin, il y a quelque chose qui. On sent l'ambition. Là, l'ambition, elle est là, mais. Ouais, ouais. C'est pas calibré. C'est pas calibré du tout. Les trucs qui sont potentiellement sympas, beaucoup, c'est du déjà vu. L'assistante Loli... Ah non, elle est insupportable. Voilà. On l'a tué. Alors, déjà, dans sa haine de l'autre personnage féminin qui a rien demandé... Ah oui, elle pète un plomb parce qu'il y en a une qui a des seins, voilà, et ça revient trois fois. Donc quoi? Il y a une rivalité féminine qui est... Il y en a une qui a des gros seins. D'un emmerdement. Alors qu'elle n'en a pas. Du coup, c'est dramatique pour forcément, elle. Forcément, vu qu'elle a 8 ans et qu'on n'arrête pas de la sexualiser, évidemment qu'elle n'a pas de seins. Ah, mais en fait, tu es en train de me dire que ça ressemble à tous les shonen de chez Ototo. Exactement. D'accord, elle a commencé par là. Il y a une éditorial. Après, ça revient pas trop souvent par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que chaque fois qu'elles sont dans la même pièce, elles se détestent. Enfin, non, la petite déteste l'autre. Oui, elles sont pas souvent pas dans la même pièce. Donc, ça va. Encore heureux. J'ai eu très peur quand même quand l'assistante s'est mise à genoux pour refermer la braguette de l'autre qui avait oublié de la fermer. Le héros dont on a l'impression qu'il a 15 ans, en fait, vieux de plusieurs milliers d'années, et sa relation avec son assistante qui a 10 ans est vraiment gênante. Vieux plusieurs milliers d'années. Enfin, ou de centaines, ou il est plus vieux qu'il a l'air. Oui. Elle aussi, elle a des trucs bizarres, donc je sais pas si elle a vraiment... C'est pas spécifié. Car... Ouais, bon. Enfin, dans tous les cas... Parce que je crois qu'elle a des mêmes pouvoirs, qu'elle a plus ou moins les mêmes pouvoirs que lui. C'est comme s'ils avaient eu les pouvoirs en même temps. J'ai l'impression qu'à la fin du... Tu sais, dans la postface ou quoi, elle dit « Quand je serai plus grande, je pourrai t'aider à faire je sais pas quel truc sexuel par là, tu vois. » Ah oui, c'est vrai, donc, il y a en fait, un truc je crois bizarre. Qu'elle est vraiment enfant, elle. Par contre, elle a des pouvoirs aussi, c'est bizarre aussi. Je vous aiderais à vous déshabiller, maître. Oui, mais donc c'est... On verra plus tard, oui, au moment voulu, moi aussi, je... Tu vois, c'est... Ah, oh, j'ai pas dû lire la poste. Bon. Donc ça sous-entend quand même qu'elle, elle a pas le même pouvoir et qu'elle a vraiment l'âge qu'elle a l'air d'avoir et c'est Si elle peut faire apparaître des trucs... Ça peut faire apparaître ce qu'elle veut comme pouvoir. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une pièce vide, elle fait apparaître un écran, elle fait apparaître un clavier, elle fait apparaître une machine. Pourquoi elle peut pas se faire apparaître des seins si elle veut attendre un dessin? Ça a quand même l'air d'être son objectif dans la vie, quoi, de pouvoir être l'objet de son patron. Bah, alors à ce moment-là, ça soit ton pouvoir. Elle se fait apparaître un corps et puis elle le contrôle en VR. Voilà, c'est bon. Elle fait apparaître un clone de son patron. Mm-hmm. Bon, après, voilà, on a beaucoup tapé dessus. C'est pas non plus ultra honteux, c'est juste ultra banal avec quelques trucs gênants. Hein. C'est pas mieux ultra que la vie honteux, c'est ultra magnel. C'est mieux que la vie moderne. Oui, d'accord. Oui, enfin. C'est pas désagréable. C'est ultra marine, comme ma petite fille. Alors, tu le dessines en pied de verre avec un œil de verre. Mais bon. Ça va être compliqué, là. Enfin, disons quand même qu'il y a clairement plus honteux sorti récemment chez l'éditeur. Donc. Bon, c'est clairement pas le pire truc qu'Ototo a sorti. Après, tu veux une liste là? Parce que vraiment, est-ce que tu as le temps? Ne serait-ce qu'au niveau de la pédophilie, Made in Abyss, qui par ailleurs est très bon, franchit les caps que ça ne permet pas ce manga là. Par contre, après, j'ai lu que le tome 1 donc. Ah bah, soulève la couverture. Enfin, dès le tome 1, t'as du bondage sur enfant. Oui, nu. Oui, certes, mais ça, du coup, ça va pas plus loin que ça, je trouve. Ah, j'ai pas lu ça. Pendu, nu, suspendu. Suspendu. Ouais, mais il y a qu'une case, ça va? En gémissant. Mais il n'y a qu'une case dans le tome. Oui, bon. Alors, petite question à la con. L'auteur, pas, l'auteur, son nom est chinois, mais est-ce qu'il vit en Chine? Parce que sinon, il a réussi à quelque sorte copier le style japonais au niveau du manga, qui est de façon plutôt. Graphiquement, je trouve que ça sent. Hein, oui, non, mais je parle au niveau du style. Du style. Ça fait shonen neketsu classique japonais. Ouais. Non, parce qu'en France, on a du mal à le faire. À la base, c'est bien chinois. On va en parler avec le titre après. Globalement. C'est bien chinois. Ouais. T'es publié en Chine, tu veux dire ? Ouais. D'accord. Édition chinoise originale. Mais du coup, ouais, je suis étonné du sens de lecture. Parce que normalement, le sens de lecture chinois, c'est le nôtre. Mais il faut croire qu'ils ont fait, comme nous, on le fait sur le manga français, ils ont adopté le sens de lecture japonais quand même. Alors peut-être que les Japonais, c'est ça. Je pense qu'on en a entendu parler si l'éditeur s'était permis ça, comme à chaque fois qu'il y a un retournement de case de l'éditeur. Petit détail, il est invité à la Japan Expo, donc. Tu lui demanderas. On vient de terminer avec Ultramarine. Ouais. Magmel. Eh bien, c'est pas grave, nous allons parler d'un autre titre qui est tombé à plat. Oh. Ah. À peu plat. Oh. Ah. Ah. Ah. Est-ce que ça nous étonne? C'est pas moi qu'on parle. Est-ce que ça nous étonne que ce soit du Delcourt ton cam? Non. Non, n'est-ce pas? Nous allons parler d'un titre français, écrit par Fabien Dalmasso et dessiné par Geronimo Sejudo. Je crois que je ne me suis pas trompé dans le... C'est bien ça. Il s'agit de L'île Berry. Tiens, je sens que tu as envie d'en parler. Donc L'île Berry, c'est l'histoire de B, une jeune fille toute joyeuse... qui vit dans une forêt avec son grand-père dans un monde un peu de fantasy. Elle a des pouvoirs et son grand-père l'entraîne aux arts martiaux et à la maîtrise de ses pouvoirs pour qu'elle sache se défendre. Sauf qu'un jour, un espèce de tueur à gages débarque pour éliminer son grand-père. Ils combattent ensemble. On ne connaît pas l'issue du combat, mais le grand-père disparaît et le tueur à gages semble... un peu involontairement, mais quand même plus ou moins, prendre sous son aile la gamine, et donc ils partent en voyage. On sait pas trop pourquoi. Si, elle part à la recherche de son grand-père, mais bon, finalement... Enfin, au bout de deux chapitres, elle a l'air d'avoir oublié que le grand-père existe. Elle a des gros troubles de l'attention, la petite. Et du coup, elle rencontre des gens, et elle devient amie avec eux. Mais il y en a qui sont méchants, donc après, elle est plus amie avec eux. Voilà. Donc, l'auteur... Est-ce que tu serais en train de sous-entendre que ce scénario, écrit par un adulte, aurait pu être écrit par un enfant de primaire ? J'irai pas jusque-là, mais... Moi, j'irai jusque-là. L'auteur dit dans sa préface qu'au début, c'était juste un petit hommage à Dragon Ball, puis c'est devenu un scénario à part entière. Et en fait, effectivement, c'est un peu le syndrome Dragon Ball, où les mecs, ils essaient de... Pendant tout un arc, ils essaient de buter tout le monde, et dans l'ensemble, ils arrivent à éliminer un ou deux personnages, et après, c'est les meilleurs potes, quoi. Mais en plus, je vois... C'est le syndrome Vegeta. Mais en plus, je vois aucun rapport avec Dragon Ball, quoi. Si, ça se passe. La progression de l'intrigue, si c'est un enfant qui a des pouvoirs en forêt avec son grand-père. Voilà, c'est bon. Ouais. Dans une forêt chinoise. Non, et puis après, même la progression. Même ça, c'est même pas Dragon Ball qui a dû l'inventer, quoi, en plus. Non, mais la progression, je pense que ça va faire très Dragon Ball ou très Eden Zero, d'ailleurs. C'est-à-dire, les personnages rencontrés vont au départ être des adversaires et après vont devenir les meilleurs potes. C'est quoi, à mon avis, la progression, elle va durer sur deux tomes parce que ça va bider un truc de ouf et ça va pas se vendre, puis voilà, basta. On en parlera plus. Ce genre de progression, c'est plus l'épisode typique de Pokémon. Hein. Aussi, mais bon... Genre, on rencontre quelqu'un, on se bastonne, on devient copain, on bastonne la Team Rocket, et puis voilà. Oui, et il s'envole vers d'autres cieux. J'ai pas non plus une très haute estime pour Pokémon. Donc... Tiens, regarde derrière, c'est Pilaf en vrai. Oh, il a une sale gueule, mais c'est Pilaf. Ah, bah oui, il a une sale gueule aussi. C'est marrant, il a une sale gueule, c'est ce que je me suis dit souvent. En lisant le bouquin, il a une sale gueule, lui. C'est vrai que c'est... pas excessivement bien dessiné, bon après c'est pas hideux non plus. C'est pas excessivement mal dessiné, hein. C'est pas honteux. C'est entre deux. Je dirais pas jusqu'à. C'est pas ce que je dirais, le design des personnages est nul à chier. Mais par contre c'est pas moche. C'est juste le design qui est problématique. Et encore, c'est dépend des personnages. J'ai pas accroché du tout, et puis à un moment, il y a même des moments où je me suis paumé en route. Tu sais, je commençais à lire, et puis à ce coup je suis revenu deux pages en arrière parce que je me suis rendu compte que j'avais décroché. Je sais pas si ça vous a fait ça à vous aussi, Chris. Non, moi j'ai pas lu jusqu'au bout. D'accord. C'est pas ça qui va me réconcilier avec le manga français, en tout cas. Il faut lire Radiant. Oui, mais voilà, il fallait le caser. Tu nous sors Radiant, mais aussi tu peux citer l'Autoroute du Soleil, par exemple, qui était dans les premiers mangas français. Enfin, il y a des trucs en manga français, mais des fois, en France, on a du mal. Green Mécanique chez Kiyun, c'est pas mal. Oui. Puis les mangas de. Green Mécanique aussi, c'est cool. Hein. Puis les mangas de. Mais c'est pas du manga. Non, enfin, puis les... ça parle tout plein de mangas dans un ciel de tension la tête. Waouh. Oui. La vache. Johnny Dio. L'un des pires astérix. Puis dans ce qui est pas publié, ce que fait Tim Fisher, une voix qui sait, non, sur Twitter, bon. Giza, c'est bien, et pour le coup, ça a des vraies ambitions, et que ça a réussi à faire quelque chose de vraiment intéressant. Bah, là, en l'occurrence, je sais que lui, et alors j'ai oublié le nom de sa copine qui dessine aussi, et qui a aussi son manga, ils auto-publient, enfin, ils auto-éditent leur volume, qu'ils vendent en convention ou par internet. Oui. Et ça fonctionne extrêmement bien. D'ailleurs, il a travaillé récemment sur... avec Cyprien sur un décor pour un de ses courts-métrages. Enfin, donc ça a quand même de l'écho, quoi, ce qu'il fait, et ça m'étonne qu'on préfère publier Bilberry plutôt que ce genre de dessinateurs qui ont quand même beaucoup plus de talent et qui arrivent à s'inspirer du style manga et en faire quelque chose qui a beaucoup plus de valeur artistique. Est-ce que on recommande Bilberry? Non. Alors, c'est franchement, après, pas tant que ça. En fait, je me sens un peu coupable de taper dessus parce que je me dis, ils ont travaillé dessus pendant probablement un an, ils ont probablement été payés une misère. Oui, enfin. Donc, je me sens un peu coupable de leur taper dessus, mais. Disons que ça fait. Que c'est quand même pas ça part d'une bonne intention, sans doute. Enfin, y a rien. Oui. C'est pas tout. Comme. Ouais, mais dans ce cas-là, tout part d'une bonne intention. Mais non, regarde, ouais. La vie moderne, ça part de l'intention de montrer comme les autres sont nuls. Au moins, il n'y a pas ça dans Bilberry. Mais c'est vrai qu'il. Ça excuse beaucoup de trucs. Par contre, bah oui. Oui, dire mais... ils ont travaillé, faut pas être trop méchant. Mais non, c'est une excuse. Oui. Bah, à côté de ça, c'est vrai que sans être condescendant, je veux dire, y a... la qualité n'est pas non plus top top. Hein, c'est... Après, les pages, elles sont quand même, en termes de dessin, elles sont très souvent fournies. Il y a pas mal de détails et tout ça. Ah, mais encore une fois, le dessin est pas moche. Moi, vraiment, ce que j'en pense, c'est le design des personnages. Voilà, ne comparons pas ce qu'on voulait parler d'Ettrick. Mais... c'est beaucoup mieux qu'Ettrick. Oui, bah, c'est incomparable. En même temps, Ettrick, c'était le bas du panier, quoi. Comme comparer la gastro au cancer, est-ce que pour autant je vais avoir une gastro? Non, pas spécialement. Effectivement, c'est joli. Vu comme ça, c'est joliment dit. Mm-hmm. Bon, passons au prochain titre de la sélection. Nous arrivons au bout de cette sélection. Oui, je sais. C'est bien rangé. Mais je sais, je constate que nous arrivons au bout de cette sélection. Zahi, nous allons bientôt rentrer chez nous. Oh. Nous allons parler. Enfin, vous allez parler. Qui l'a lu autour de la table? Moi. Je peux regarder quoi en part. Salut, Arthur et moi. Donc, Sally, Arthur et Issam. Allez nous parler de Zodiac Love, édité par Teteifu. Teteifu. Teteifu, qui veut en parler? Pika Pika et Teteifu. Ok. Moi, je vais en parler. Bah, apparemment, c'est pas une bonne lecture, c'est ça? Teteifu. Alors. Osef, quoi. Ça y est, lui, il en peut plus. Zodiac Love, écrit et dessiné par Isami Matsuo. Ça raconte l'histoire de Kotaro qui est possédé par un esprit du chat et qui travaille dans un temple dédié à cet esprit-là. Sauf que le jour où ce temple brûle, il est obligé de chercher refuge. S'il trouve pas un temple en refuge, en fait, c'est le chat qu'il possède risque de mourir et lui-même risque de mourir. C'est triste. Donc il se réfugie dans le temple de Masataka qui, lui, s'occupe d'un temple dédié aux 12 animaux du zodiaque et qui est possédé alternativement par chacun des 12 animaux. En fait, bah, quand c'est la période de l'année, je sais pas comment ça marche, mais quand c'est la période de l'année consacrée à l'un, il est possédé. Voilà, chaque mois ça change. Et donc ça raconte leur rapprochement c'est du boys love, donc leur amour naissant, hein, c'est pas un secret. Je trouvais l'idée de base vraiment bonne, en fait, il y a des gros soucis de narration, la sauce prend jamais vraiment, et c'est dommage parce que on reste trop distant des personnages, je m'y suis jamais vraiment attaché. L'idée du fait que quand ils sont possédés par un animal, ils ont certains pouvoirs, entre guillemets, ils ont certains sens qui sont surdéveloppés, c'est pas assez exploité non plus. Il y a aussi des rivalités entre les animaux, notamment entre le rat et le chat, parce que c'est le rat qui a empêché le chat en fait de faire partie des animaux du zodiaque. Ça, c'est pas assez poussé non plus comme rivalité, je trouve. Donc c'est ce que je me suis dit tout le long du tome. Il y a des très bonnes idées, mais qui sont jamais poussées assez loin. Visuellement, c'est plutôt joli. C'est pas le truc le plus extraordinaire que j'ai vu, mais vraiment, c'est du bon travail, c'est très propre. Mais voilà, ça m'a laissé trop froid pour que je puisse vraiment le recommander. C'est du AU plutôt soft ou... Non, il y a une scène pas soft du tout. Vraiment explicite. Ouais. Ah ouais. Attends, je vais te la retrouver. On voit le zizi, si c'est ça que tu veux dire. Oui. On va dire que pour du boys love, en tout cas dans le cadre du podcast, on a déjà eu meilleur que ça. Mais après, c'est pas non plus... c'est pas honteux, quoi. J'ai quand même... pour moi, ça a été une lecture agréable parce que c'était porté par un graphisme qui était plutôt joli. Mais c'est pas quelque chose de notable, quoi. Je pense qu'on peut se diriger vers d'autres boys love comme On the Doorstep qu'on avait lu dans le podcast il y a quelques épisodes, ou même d'autres qui font beaucoup mieux leur travail. L'idée des dieux pas chinois, mais des signes du zodiaque, c'était une bonne idée, mais comme disait Issam, l'auteur en fait jamais quelque chose de vraiment important. Donc, voilà. En tout cas, j'ai l'impression que ça va trop vite, et même que c'est assez incohérent dans la manière. Alors, déjà, je vais le dire, je l'ai lu très vite parce que ça m'ennuyait. Donc, vous allez peut-être me corriger, mais de mémoire, dans leur première rencontre, celui qui est avec le chat est extrêmement entreprenant, et par la suite, il est tout à fait prude. Enfin, donc ça, c'est pas logique. Enfin, il y a un truc où il lui saute dessus, et juste après. Il lèche le torse après. Bonjour, installez-vous. C'est par rapport au fait qu'il était possédé aussi par l'animal, par le signe du coq. Mais et que le chat, il le voit comme une croix. Ouais, je crois que c'est aussi une histoire de phéromone, non le que... Enfin, je sais plus. Ouais. Mais ils expliquent que c'est à cause de ça. Ouais, que c'est parce que le chat est attiré par le coq, dans le sens un petit peu de ses proies et chasseurs. Et que c'est pour ça qu'il est aussi entreprenant au début. Et qu'il a beaucoup moins de facilité avec les autres animaux du zodiaque. Ah, il y a une blague sur le viol aussi. Ah ouais? À un moment, le sanglier viole quelqu'un. Ah oui, ouais, non. Je n'en veux plus, j'ai jeté le manga. Je n'ai pas lu ça, mais... Si, avec le gars qui... Je sais pas prononcer ça un jour, en fait. Ce podcast, il t'aurait tout fait faire. Il t'aurait tout fait faire. Tu en as peut-être pas précisé que c'était en 3 tomes. Ah bon? Ouais. Moi aussi, hein, j'ai l'impression que ça se concluait, mais après j'ai vérifié. Non, mais en même temps, ça se tient. Hein. Si un tome, bon, quatre animaux là, il faut 3 tomes pour les faire tous tenir. Enfin bon, non, moi vraiment j'ai trouvé ça osef, ni les personnages attachants, ni même les dessins, je suis désolé. Oh, pourquoi j'ai feuilleté, visuellement c'est pas horrible. C'est pas horrible, je trouve juste que ça n'a aucun caractère. Et au-delà de ça, j'ignore maintenant. que les deux se ressemblent, enfin c'est la même tête avec une couleur de cheveux différente. Ouais, non, vraiment pas emballé. Ouais, déçu, parce que vraiment j'en attendais pas mal, le résumé me plaisait énormément. Après ça fait un peu fruit basket, mais au lieu de... C'est ce que j'allais dire. Mais au lieu de 12 personnages, c'est tout et en 1. Et en buzz-meuf. À la limite, je trouve que le rat est mignon. Voilà, c'est juste un truc positif sur le manga. Est-ce que vous en avez fini avec Zodiac Love? Oui. Parce qu'on va passer à tarder 3 ans sur un titre qui vous a tous laissé indifférent. Ouais. Alors qu'après, il y a un titre beaucoup plus accrocheur. Passons et parlons plutôt de Knut et le monde fantastique de Ryo Hirano. Bonjour Ryo. Édité par Casterman dans une magnifique édition. Très belle édition. Il faut le dire. Alors édition, il y a même des dessins sur la tranche. Oui. Ouais. C'est fou. C'est j'avais déjà vu les tranches colorisées sur Crossolic ou sur Me and the Devil Blues. Mais là c'est encore mieux. Là c'est des dessins. Parce qu'il y a du dessin en plus de la coupe. C'est vraiment bien fichu. N'est-ce pas? Oui. On est 3 autour de la table à avoir vu, me semble. Vu, ouais, on a vu. Vlu. Parce qu'on l'a vu, mais on l'a également lu. La jig des couilles velues. On l'a vu, voilà. Je vais en parler donc. Pour la peine, tu vas en parler. Ça aurait été marrant, on l'a vu, mais on l'a pas lu. On peut préciser, avant le résumé, il s'agit d'un grand format tout en couleur. Ah oui, alors il s'agit d'un grand format tout en couleur et que le volume est assez épais, il fait un peu moins de 300 pages. Et que du coup, ça vaut clairement son prix de 23 euros. Ça vaut son prix de 23,95€ seulement, moins 5% chez certains libraires. Donc pas au gré des bulles qui a fermé. Ah la vache, je voyais pas où tu voulais en venir, mais... Alors, non plus, je voyais pas, c'est venu. Plus à au gré des bulles. Plus vrai. À au gré des bulles. Parce que au gré des bulles, c'est mort. Eh oui, mort. Et enterré. Enfin bon. Avec mon âme. Waouh, c'est très triste là ce qui se passe. Donc, et mon compte bancaire. Yes, stop. que note. J'avais pas grand chose à enterrer. Hein. Que note. Je serais pas mort. La grosse que note. La grosse que note. Ça nous parle. Bon, donc ça nous parle d'un petit être humanoïde. Appelons-le Arthur. Donc ça nous parle d'Arthur. Alors, c'est assez compliqué à résumer parce que c'est très particulier, mais donc qui, en gros, se fait agresser dans la forêt par un espèce d'alien bizarre, puis il rencontre un autre alien bizarre qui lui absorbe une dent et qui se transforme en dent et devient Knut, qui va devenir son partenaire... dans l'aventure qui va suivre. L'autre alien bizarre étant issu d'une espèce de masse noire dans la tête du premier alien bizarre. Et pourquoi vous l'appelez alien ? Alors parce que la créature quoi. Non, ouais. C'est une créature bizarre, mais ça se passe dans un univers sur plein de planètes et dans un monde qui est totalement différent du nôtre. Ah, du coup, c'est pas un alien vu qu'il est sur sa planète. D'accord. D'accord. Si nous on arrivait sur notre planète, pour eux, on serait un alien. Voilà. Waouh. Ça, c'est toujours les étrangers. Ça, c'est d'une subtilité intellectuelle digne de Livio, quoi. Vraiment, c'est... Mais vous savez, on est tous l'étranger de quelqu'un. Non, les étrangers, c'est pas quelque chose de relatif, c'est de l'absolu. L'étranger, c'est quand c'est pas français. Donc là, en l'occurrence, ça se pose pas comme question. Donc, toujours est-il que c'est très particulier comme scénario, parce qu'on a vraiment le sentiment que c'est écrit chapitre par chapitre, et que même s'il y a des éléments de fil rouge qui sont disséminés petit à petit, vraiment on sent que l'auteur, s'il a envie de faire un chapitre sur totalement autre chose, va faire un chapitre sur totalement autre chose. Des fois il part dans des délires, complètement absurde. Donc il pose en place un univers qui lui permet d'expérimenter tout ce qu'il veut, parce que c'est à la fois fantastique, à la fois il y a des aspects médiévaux, à la fois il y a des aspects futuristes et cyberpunk. Et horrifique aussi. Et horrifique, enfin, il joue sur une palette de tons extrêmement vaste, quoi. Il a un style graphique tellement particulier qu'il peut vraiment se permettre de faire tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on a dit que l'ouvrage était en couleur? Oui. Oui. Donc voilà, en plus, il a un style graphique extrêmement particulier pour du manga. Fais-le tourner à ceux qui n'ont pas lu. Oui, il y a beaucoup de jeux de déformation des visages, avec les expressions faciales et les déplacements, il en profite pour vraiment déformer les corps. T'as les deux chapitres où ils ont un aspect humanoïde qui est... Ouais, ils sont excellents. Tellement drôle. Ah, on coupera si vous voulez, mais on sait que les humains, que notre civilisation humaine existe. Ça se passe pas dans un autre univers, ça se passe juste dans une autre partie de notre univers. Ouais. Et il me semble que le protagoniste est humain d'ailleurs. Donc, ouais, c'est amené qu'il l'est sans qu'on ait trop de détails pour le moment là-dessus. Mais justement, je trouve que le graphisme très coloré, très éparpillé, avec plein de détails partout et des cases extrêmement dynamiques, ça reflète bien en fait l'ambition de l'ouvrage sur le plan narratif, où vraiment l'auteur part dans un délire vraiment sur dynamité et se laisse aller à faire à peu près tout ce qu'il veut au fil de la plume. Et c'est vrai que c'est très particulier comme ça. C'est très très particulier. De se dire, putain, mais où il va quoi. Enfin, vraiment, c'est un bordel, mais qui est extrêmement prenant et qui se perd jamais pour le moment. Mais oui, parce que c'est bordélique, mais en même temps ultra maîtrisé. Oui, voilà, c'est. C'est super particulier. Je pense qu'en fait, il a super bien construit son univers, mais qu'après les étapes du voyage des personnages, il se laisse porter par sa plume. On a vu où il connaît sa fin, il connaît son milieu, et puis voilà. Ouais. Et puis il sait comment est son monde, il a peut-être une carte de son monde ou quoi, à laquelle il peut se référer, il y a peut-être un pot à idées dans lequel il peut... Mais ça encore, tu vois, je me demande même s'il le crée pas au fur et à mesure, genre il dit bon alors j'ai mis ce truc là, il le pose sur sa carte, je crois vraiment qu'il est parti, parce que rien que le fait que les 50-60 premières pages se passent entièrement dans la même forêt alors qu'après on va dans plein d'univers, je me demande même si, d'ailleurs les premières pages qui sont muettes alors que le reste de l'ouvrage parle beaucoup, si vraiment il n'était pas parti sur un truc et petit à petit il a totalement dérivé, il est parti sur complètement autre chose, parce que le début ressemble tellement pas à ce qui va suivre sur plein d'aspects, que vraiment je me demande à quel point c'était calculé. Ouais, mais en fait, même dans ce qui va suivre, il y a plein de chapitres qui ressemblent pas à ce qu'il y a avant et à ce qu'il y a après, notamment justement celui avec le délire jeu vidéo humanité. Mais ça c'est déjà quand il a commencé à construire le fait qu'il partait dans plein d'idées, mais là vraiment sur le début on avait un lieu cadré, un mode narratif cadré. Le chapitre des bastons de plantes aussi. Oui, c'est ça sort. Quoi. Les bastons, les plantes ultra baraques. Oui, il y a la reine des plantes qui est ultra baraque. Qui vit sur l'île biceps. Et puis l'île qui est en forme de biceps. Oui, c'est n'importe quoi. Et où ils suivent une plante toute rachitique parce qu'elle est dans des eaux polluées. Donc... Voilà, elle veut déclarer sa flamme à une autre plante toute baraque. Mais justement, ce qui est intéressant par rapport à l'univers aussi, c'est que justement, il y a presque des sous-intrigues politiques. Surtout en deuxième partie de tome, sur la gestion de cet univers par des personnages et par des organisations qui veulent exterminer certains personnages. Oui, parce qu'au début c'est très enfantin, et puis plus ça avance, plus c'est super mature. Comme... Alors, graphiquement, c'est enfantin, mais au niveau du contenu, clairement, on le fait pas lire à des enfants. Ah non. Puis même au niveau de la sexualité, des fois il y a des remarques. Non, enfin franchement. Et je trouve vraiment qu'il y a un côté occidentalisant au niveau même de la structure narrative et du trait en fait. Voilà, enfin même au niveau de la gestion des personnages féminins, il y a des trucs qu'on voit pas trop dans les mangas. Enfin, qui quand elles se font agresser, ils disent non mais enfin, et que après ils demandent de l'aide à la fille qui vient d'agresser, elle leur dit enfin non, je vais pas vous aider, vous venez de me faire des remarques qui conviennent pas du tout, donc je vais vous laisser dans votre merde. Mais oui, même niveau structure, ça fait très fantasy occidentale. Oui, oui, oui, ça fait complètement ça. Des délires de cartoon un peu, entre guillemets, pour adultes qu'on a en ce moment, c'est... Ça fait vraiment trip onirique sur beaucoup de passages. Ouais, aussi. Ouais. Ouais, mais il n'y a pas de poésie trop... Enfin, il y a quelques planches qui sont très belles, mais il n'y a pas de... Je parle du, ouais, de l'ambiance, ouais. L'esthétique et tout ça, vraiment, ça... J'aime bien. C'est super beau. C'est en combien de tomes, ça, Il y a deux tomes en cours, ça, je crois qu'il y a un tome par an au Japon. En même temps, et le tome 2, je crois qu'il est... Alors, je sais pas s'il est sorti en septembre dernier au Japon ou s'il sort en France en septembre. Il sortira un jour, évidemment. Oui, avec Casterman, on peut savoir est-ce qu'il publie tout. Surtout qu'ils ont mis un sur la... Sur le dos. Ouais, que note, il y a vrai... En fait, le sous-texte politique, très vite, c'est quasiment là. Oui, merci. Oui, oui. À chaque chapitre, avec des trucs différents sur l'écologie, ouais, sur la gestion des ressources, sur l'addiction, sur le mélange réalité, réalité virtuelle, sur l'exploitation, avec des chapitres dans les mines qui partent complètement en couille aussi, sur la religion. Enfin, le mec brasse un nombre de thèmes qui est assez impressionnant aussi, je trouve. Et puis c'est ultra prenant. Bon, après, moi, par moment, je trouvais justement que le fait que ça court partout dans tous les sens et que ce soit relativement long et relativement verbeux. Ça épuisait un peu, mais bon, donc, sans doute pas à lire d'une traite, je pense. Moi, j'ai lu d'une traite pour le coup. Ouais, ouais, bah non, moi ça m'a un peu essoufflé, vraiment, qu'il y ait tout le temps plein de trucs partout et que ça coule. C'est vrai que t'as l'impression que les personnages sont sous coke, mais. Ah oui, non, mais voilà, c'est ça. Mais sauf que bon, sous coke pendant 150 pages, pourquoi pas, mais sous coke pendant 300 pages, c'est comme si j'ai bouffé deux tomes d'un coup, ça me. Mais sinon, vraiment, c'est super réussi, hein. C'est juste qu'il faut le lire à son rythme, quoi. Bah comme tout en fait. Oui, d'accord, j'ai compris. C'est des banalités, ok. Oh, Olivio, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais tu sais, parfois là, on a l'impression qu'on est tous ensemble, mais en fait, on attend juste que l'autre ait fini de parler. Des fois on a l'impression d'être tous ensemble, mais on est rempli de solitude. Oh, c'est beau ce que tu dis, Olivio. Pas... C'est beau. Tu veux pas faire un bouquin sur ça? Grosse reco en tout cas. Ah oui, oui, bah, oui. Moi c'est l'une de mes lectures du monde. Grosse reco. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps, prenez le temps. C'est quoi ensuite? Respirez un peu. Non, non, non, c'est bon. Ensuite, c'est encore un titre qu'on a lu tous les trois, sans les autres. Alors non, on va parler d'abord de Dr. Inugami. De Suehiro Maruo. Voilà, c'est pas... Vas-y, vous t'es lancé. Édité chez Le Lézard Noir. Chez Le Lézard Noir, qui... après... continue son magnifique travail éditorial sur plein de titres. Après quelques années d'absence en France, Suehiro Maruo revient au Lézard Noir. Excellente nouvelle, donc qui vont déjà ont publié Dr. Inugami qui était un inédit et ont ressorti Vampire qui est le classique de l'auteur et qui dans les mois à venir vont sortir plusieurs inédits de lui, donc ça c'est une excellente nouvelle. Donc dans d'excellentes éditions cartonnées, reliées, voilà, avec un papier bien épais et des pages couleurs. Donc Suehiro Maruo, c'est une des figures phares de l'Eroguro. Donc l'érotisme grotesque, donc qui est un sous-genre du manga horrifique, donc qui est très axé sur le travail de la déstructuration des corps et sur des choses très très surréalistes, tant dans la mise en scène que dans le traitement. Je sais pas, peut-être en film, t'as des équivalents toi et Sam, parce que tu me disais que tu... En film, c'est quelque chose qu'on peut retrouver pas mal dans le cinéma horrifique japonais des années 60, des trucs comme... House, oui, de Obayashi, ou comme Curse of the Blind Woman. Ouais. Et pour moi, un dérivé moderne de ça, c'est tout ce qui va être justement Tokyo Girl Police. Ce que fait le studio... Ce que fait le studio Sushi Typhoon, voilà. Ouais. Et peut-être Frankenstein Girl, en Occident ça. C'est un peu Cronenberg mais en plus trash et en moins de sens, non? Cronenberg Bah t'as le côté déstructuration des corps, mais t'as de la sexualité aussi. Le message aussi. Est absolument pas le même chez Cronenberg. Ah oui, non, mais évidemment, mais je parle en termes vraiment formels. Même pas, parce que dans les Roguru, il y a un côté esthétique de la déstructuration des corps qu'il n'y a pas chez Cronenberg. Mais qu'il n'y a même pas dans le cinéma occidental, en fait. Ouais. Ouais. Qui est quasiment absent du cinéma occidental. Ouais. C'est assez rare que le cinéma occidental mélange... Bah déjà, mélange sexe et gore. Ouais. Comme ça. C'est quand même assez rare. Après, c'est du sexe, mais qui n'est pas là pour émoustiller, quoi. C'est vraiment... Non, qui est plus là pour dégoûter. Qui est déjà, et puis pour un prétexte à la nudité des corps aussi... En y pensant, c'est plutôt une bonne idée d'avoir repris cette collection Maruo en beau format, en commençant par, d'une part, son classique, et d'autre part, un inédit. un inédit, mais qui est pour moi parmi les plus accessibles de tout ce que j'ai pu lire de l'auteur, parce que déjà c'est pas excessivement hardcore au niveau de la violence et du caractère sanglant. Il est même plutôt soft. Il est plutôt soft celui-là, et en plus ça se structure autour de chapitres qui sont reliés entre eux par un fil rouge qui est de l'ordre d'une enquête fantastique policière dans laquelle les lecteurs qui sont pas du tout habitués au genre pourront quand même trouver un point d'ancrage qui les aidera à avancer dans la lecture. Ce qui est déjà moins le cas dans Vampire et encore moins le cas dans d'autres de ces mangas qui fonctionnent sur des scénettes un peu coupées de tout. Donc c'est un bon choix, c'est une bonne porte d'entrée si vous ne connaissez pas. Après, il faut avoir le cœur bien accroché et se dire qu'évidemment, on n'y pas ça que pour l'intrigue, mais surtout pour l'ambiance et pour la composition de planches qui esthétiquement sont impressionnantes. Pour l'aspect graphique. Oui, il y a des travaux visuels autour de motifs et c'est un esthète du mouvement, vraiment une déstructuration des corps dans le mouvement. Alors c'est surtout dans Vampire où c'est impressionnant. Ouais. Moi je trouve ça absolument fascinant. Après. Alors moi aussi j'ai préféré Vampire pour le coup. Oui, peut-être évidemment. Justement parce qu'il va plus à fond dans ses délires, je trouve. Mmh. Ah oui, c'est son. Ouais, j'ai bien aimé les motifs récurrents, notamment les escargots. C'est un motif. Mmh. T'as souvent des cases. Ouais. T'as un dessin d'escargot. J'imagine que c'est le côté baveux. Enfin, il y a aussi les insectes qui reviennent énormément. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une thématique de la décadence et de la destruction des corps, de se nourrir des corps, je pense, dans tout ça. Ouais, j'ai beaucoup adhéré. Bah déjà parce que, effectivement, les équivalents cinématographiques, que ce soit contemporains ou héritiers, j'aime beaucoup. Parce que c'est aussi tout un héritage du théâtre. Du Grand Guignol, voilà, merci. On en a beaucoup parlé en off. Voilà, on en a beaucoup parlé en off, qui est, moi, un théâtre que j'ai plutôt tendance à vraiment bien aimer, comme tout ce qui est. Les Penny Dreadful, c'est une ambiance qui me touche, pas particulièrement de la série. Mais les Penny Dreadful, c'est plus des romans. Enfin, c'était enfin, oui, un mais roman. Il y a eu la série Penny Dreadful. Oui. Je veux dire que justement, je parle des romans et pas de. Oui, pas de la série. Pas de la série. Qui, elle, aborde plutôt le Grand Guignol, le théâtre Grand Guignol. Ouais, voilà, mais justement, le Grand Guignol est dérivé des Penny Dreadful. Et moi, c'est une culture qui me touche énormément pour le coup. Donc, j'ai beaucoup regardé cette lecture. C'est visuellement, c'est magnifique. Pour ceux qui connaissent des œuvres comme Litchi Hikari Club, c'est un peu le même style graphique. Litchi Hikari Club est plus sage, mais au niveau des têtes des persos et du travail de l'encre, je trouve que ça ressemble. Litchi Hikari Club, qui d'ailleurs est adapté d'une pièce de théâtre, donc, dans laquelle joue Maruo, il me semble. Ou un truc comme ça, dans laquelle Maruo est impliqué à un niveau de ce type. Donc c'est un espèce de microcosme qui fonctionne ensemble, sur ce milieu des Roguro et... Ouais, donc vraiment, c'est... Du coup, tu veux qu'on parle de Vampire en même temps, que t'as commencé à en parler ? Bon, toi, t'as des trucs à rajouter sur Inugami ? Non. Vampire, alors... Vampire que je n'ai pas lu. Moi, je l'ai pas lu pour ce tome, mais donc, vu que le fil rouge est très minimaliste, c'est l'histoire de deux lycéens, un garçon, une fille, et après, il y a d'autres lycéens autour, et il y a une sorcière, et... Toi, tu l'as lu il y a pas longtemps, Issa, donc... Oui, bon, en gros, ça commence avec deux lycéens, un qui est transformé en vampire par une espèce de bossu vampire qui semble avoir des pouvoirs assez étranges, et l'autre qui est un incendiaire qui fout le feu à des bâtiments pendant la nuit parce qu'il aime bien voir les gens paniquer. C'est ces deux lycéens criminels dont les routes vont se croiser sans forcément qu'ils s'en rendent compte. Pour le moment, jusqu'à assez tard. Ouais. Et il y a effectivement une lycéenne impliquée dans tout ça, qui va être un peu l'objet des désirs de tous les personnages masculins. Il est effectivement beaucoup plus radical que Docteur Inugami. Il y a des scènes de viol, il y a des scènes orgiaques, les meurtres de vampires sont... Inugami. Mais ouais, là pour le coup, elles sont beaucoup plus insistantes. Hein. Ouais. L'orgie entre étudiants vers le milieu du tome est vachement insistante. Et qui, il me semble, mêle aussi de la violence, alors que dans l'orgie de Inugami, il n'y avait pas de violence en même temps, il me semble. Oui, c'est ça. Bien, bonne soirée. Oui. Bah, là, en fait, il y a toujours le mélange des deux. C'est-à-dire, même les meurtres sont hyper sexualisés dans Vampire. Le vampire de base est une créature très sexuelle. Et il le souligne particulièrement, Maruo. Donc moi je l'ai préféré parce que justement il va à fond dans ses délires dans Vampire, je le trouve supérieur à Inugami. Après c'est vrai que c'est peut-être une meilleure porte d'entrée si vous n'êtes pas habitué à ce genre de truc, Inugami. Ce genre de truc. Bah non mais c'est très particulier quoi. Allez au gros oui. Et pour le coup, faut éloigner toute critique morale parce que c'est complètement esthétisant. Et en même temps, je comprends que ça dérange. Oui, quand même. La posture de Victor est intéressante aussi là-dedans. Mais... Enfin, moi, vraiment, ça me... je suis extrêmement content quoi, qu'il y en ait plein là qui ressortent de lui. Beaucoup de travail dans Vampire sur le dédoublement des visages. Oui, voilà. Bah, c'est justement tout le travail sur le mouvement des corps qui se dédouble et qui se déstructure. Ouais, c'est ça. Et puis l'idée quand même des faces, ouais. Comme si c'était différentes personnalités qui se superposaient. C'est vraiment intéressant la manière dont c'est fait. Ouais. Et superbe travail du éditorial de ouais. Les Armes, avec une bonne traduction en plus. Ouais, bah c'est Miyako Slocum. C'est Miyako Slocum. Comme la traduction d'ailleurs qui a été revue pour Vampire, il me semble. Donc c'est très très chouette, mais renseignez-vous un peu d'abord. Oui, il faut pas y aller les yeux fermés quoi. Ouais, surtout que les bouquins sont chers, donc ce serait un peu bête de dépenser 24€ pour au final pas du tout accrocher quoi. Oui. Mais voilà. Mais Vampire 2, par contre, l'édition était pas souple. Bah non, enfin c'est la première édition de Vampire, les deux tomes étaient en édition souple, en sens de lecture occidentale, c'est pour ça que ça méritait. Du coup, est-ce que on sait si le Lézard Noir va ressortir? Ah oui, évidemment. Va ressortir bah, Vampire 2 dans... D'ailleurs, ils ont mis Vampire 1 sur la couverture, mais il me semble que Stéphane Duval a dit que ça sortait en septembre, le tome 2. D'accord, ils ressortent dans la même édition, oui. Quoi. Et il sortira, j'imagine, le même jour qu'un autre inédit de l'auteur, dont j'ai oublié le nom japonais, qui n'a pas encore de nom français, mais qui sort en septembre, donc a priori ça sortira en même temps. Voilà. D'accord. Donc c'est très chouette. Oh ah, les liens du sang. Ah pardon. Okay. Oshimi. Il n'en peut plus. Au début j'ai cru qu'il faisait un malaise. Non, c'est pas toi qui vas faire le résumé. Alors, Issam du coup va nous parler des liens du sang, un titre qu'on a tous lu autour de la table. Publié par Kiyoon. Publié par Shuzo Oshimi. Écrit et dessiné par Shuzo Oshimi, dont nous avions déjà parlé à l'occasion de Happiness. Un petit auteur pas terrible qui fait des trucs vite fait. Pas terrible. Dont les fins sont décevantes parfois. On n'a pas parlé que de Happiness. Mais il n'y a pas de fin, c'est une œuvre qui se suit, tu comprends pas. On n'a pas parlé que de Happiness dans ce podcast, on a aussi abordé Les Fleurs du Mal. Oui, pour la fin, quand Les Fleurs du Mal s'est achevé, effectivement. Les Liens du Sang, ça raconte. Enfin, ça parle de la relation entre Seiichi, un adolescent, et sa mère, qui est une mère au foyer, mais on découvre très vite que leur relation, bien qu'elle a l'air normale, est particulièrement fusionnelle. La mère a tendance à particulièrement couver l'enfant. D'ailleurs, on se moque souvent d'elle et de lui à ce propos-là. Dès qu'il prend le moindre petit risque, elle réagit, elle est au courant de tout ce qu'il fait. Enfin, elle le couvre vraiment énormément et de façon de plus en plus malsaine, ce qui lui l'empêche de et abusive, ce qui lui l'empêche de prendre une indépendance dont il a l'air de vouloir de plus en plus. Mais en même temps, lui aussi est un peu dans sa bulle, ça lui va aussi d'être dans cette bulle. C'est-à-dire après, il y a pas mal sa tante et son cousin qui commencent à venir souvent le voir, et on sent que lui ça commence à le gonfler petit à petit, qu'il a pas forcément envie non plus d'avoir des milliers d'autres relations en dehors de ça. Et voilà, bah on va pas trop en dire, mais le premier tome, c'est cette relation entre la mère et le fils qui va devenir de plus en plus toxique, jusqu'à un point culminant vers la fin du tome, qui laisse présager le meilleur pour la suite. Comme souvent avec Oshimi, c'est un auteur qui prend beaucoup son temps en termes graphiques, c'est-à-dire il prend vraiment beaucoup de place pour représenter ce qu'il veut représenter. Ce qui fait que finalement on peut se dire qu'il se passe pas énormément de choses dans le tome, d'autant plus que c'est un auteur aussi qui a tendance à beaucoup parler du quotidien. Il n'y a pas énormément d'action au sens strict du terme dans ce premier tome, ce qui fait que c'est dur de vraiment résumer. Il arrive à installer une ambiance, clairement, que je trouve très prenante, qui m'a peut-être un tout petit peu moins accroché que celle du premier tome d'Happiness, mais tout de même très prenante. Visuellement, il y a effectivement un travail assez fou, il y a une composition des planches et des visuels qui sont franchement magnifiques, il y a des scènes super intenses, encore une fois je songe notamment à une scène vers la fin du tome, donc c'est excellent. Après, à l'issue de ce tome-là, je dirais pas que je vois exactement où veut en venir l'auteur, parce que justement à cause du fait qu'il prend sa place, je mets souvent plus deux tomes, voire trois, à voir vers où veut se diriger Oshimi dans ses séries. Ce qui n'est pas un reproche, parce que de toute façon, il se trouve que j'aime beaucoup cet auteur, donc de toute façon, je vais prendre la suite. Mais j'ai envie de dire à ceux qui le découvriraient avec cette œuvre, sur ce premier tome, si vous avez un sentiment de manque à la fin, c'est relativement normal, c'est voulu, il construit vraiment son œuvre sur la longueur, et je pense qu'il n'en a pas grand-chose à faire d'accrocher le lecteur en pré-publication dès les premiers chapitres. Et puis pour le coup, moi je trouve pas que la fin manque de quelque chose. Il y a pas... ouais, c'est... Pour moi, la fin du tome, c'est vraiment que t'as envie de savoir la suite. Oui, à la fin du tome, oui, mais c'est à cause de l'événement qui arrive justement. Mais t'as 160 pages faciles pendant lesquelles tu te dis que ouais, ça met longtemps à décoller. Enfin, oui, après, un bouquin, tu lis entièrement. Donc, ouais, c'est ça. Une fois que t'arrives à la fin, bah, c'est le cliffhanger de fin. Quoi. Oui, je suis d'accord, mais quand il le publie en pré-publication, je pense que clairement, c'est un auteur qui doit faire rager ses responsables éditoriaux parce qu'il n'y a aucune notion de suspense pendant 5 chapitres. Après, il y a des cadrages quand même qui mettent mal à l'aise et qui donnent envie de savoir la suite de manière un peu, tu sais, répulsion, fascination, tu vois. Bah, ouais. Les moments câlins avec sa mère, ah, oui, c'est t'es pas bien. Et pourtant, en soi, c'est genre, c'est, fin, faire des câlins à ses parents, ça me paraît pas être une idée plus horrible que ça, et il arrive toujours à le mettre en œuvre pour qu'on se sente un peu, bah justement, fascination, répulsion, voyeurisme, enfin, ce côté vraiment presque malsain, et c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Je sais pas ce que t'en penses, Arthur, je vois que tu... Non, moi, cette mimique, c'était pour le presque, parce que, bon, moi, c'est malsain tout court. Mais, ce que tu dis, Sam, déjà, par rapport au... Tu vois pas où il veut en venir. Enfin, pour le moment, pour moi, c'est pas un premier tome. Pour moi, c'est vraiment l'œuvre d'Oshimi s'inscrit dans la durée. Il en vient toujours au même endroit, c'est toujours les mêmes personnages. Là, la mère, c'est Sawa, c'est Marie, c'est les mêmes. Ça se répète tout le temps, autour des mêmes névroses et des mêmes trucs qui met en scène tout le temps de la même manière. Et c'est tout le temps des dérivés et des déclinaisons, des mêmes travaux. Oui, d'accord, je le suce beaucoup, on a compris. Je trouve fascinant, pour le coup, la continuité de son œuvre, et d'ailleurs la corrélation qu'il y a entre, par exemple, ce premier tome au Japon est sorti au moment de la traditionnelle ellipse dans Happiness, parce que dans toutes ses œuvres, il y a un moment, une ellipse. Et le nouveau départ d'Happiness correspond au départ de sa nouvelle série, et il fait ça à chaque fois qu'il y a une ellipse dans un de ses mangas, une nouvelle série commence. Tu veux dire que l'auteur aussi a des névroses ? Non mais... Son œuvre se construit autour de schémas qui se répètent, et en fait, il en vient toujours au même endroit, donc je pense que c'est assez facile de voir où ça nous emmène. Après, je trouve ça absolument... Oui, déjà. Je trouve fascinant que, pour le coup, la forme devienne absolument le fond. Pour ça que quand tu dis qu'il se passe rien, je trouve qu'il se passe tout, et que chaque dessin dit tout de... Non mais oui, d'accord. L'idiot. Je suis dithyrambique, parce que c'est... Je l'ai lu 4 fois, et c'est... Vraiment... L'idiot. C'est... Je n'ai pas les mots pour de telles choses. C'est... Vraiment, ça demande d'écrire... Ça mériterait un essai, son œuvre entière, par exemple. Une fois qu'elle sera finie, donc une fois qu'il soit mort... Oui, c'est ça, c'est une fois qu'il sera mort, oui. Il ne pourra plus en souffrir. Oh la vache. Moi, je vais sortir parce que ça commence à être gênant. Non, mais c'est un peu comme le câlin. Non, mais je me moque de toi, mais je te rejoins sur l'idée qu'effectivement... Enfin, je dis que je vois pas où ça veut en venir, dans la mesure où tu dis que ça revient toujours au même, mais il y a des variations qui s'inscrivent. Pour moi, la fin de Marie n'est pas identique à la fin des Fleurs du Mal, il y a eu une évolution différente des personnages. Pour moi, le regard en arrière de Marie sur le dernier tome, c'est exactement ce qui se passe dans les Fleurs du Mal. Oui, il y a le même regard en arrière, mais qui veut pas dire la même chose pour moi. Pour moi, si. Enfin, on va pas disserter sur deux. On va pas disserter sur deux trucs qu'on parle pas. Mais pour mais, moi. Vraiment, c'est un auteur dont plus j'en parle avec certaines personnes, plus ça s'élabore et plus je trouve que son œuvre est absolument grandiose. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et j'ai hâte de voir la nouvelle série qu'il va lancer, parce que vu qu'il a fini Happiness, il va sans doute en commencer une autre. Et qu'il y a l'ellipse qui arrive apparemment dans Les Liens du Sang, ça va être sa nouvelle série qui va arriver en même temps. Alors limite, procurez-vous ses œuvres dans leur ordre de publication français et lisez-les dans le bon sens, parce que vraiment... ça se suit, quoi. Enfin, oui, parce que sinon vous avez la fin avant le début si vous lisez dans le mauvais sens. Non, mais genre, il faut pas lire Les Liens du Sang avant Les Fleurs du Mal pour moi, parce que ça se suit. Ouais, là pour le coup, je trouverais ça un peu absurde de s'arrêter à ça. Oui, ça peut s'apprécier, mais oui. Tu n'apprécies pas, alors pas l'évolution parce que ça tourne autour des mêmes trucs tout le temps. Mais tu n'apprécies pas l'évolution de lui, de son rapport, est-ce qu'il essaie de développer dans tous ses mangas, parce qu'il est obsessionnel au possible. Oui, certes, mais est-ce donc, que... enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est, en fait, ce que tu dis, c'est déjà quelque chose qui intéresse si tu t'intéresses à l'auteur. Ah oui, oui. Voilà. Si tu veux le découvrir, peux commencer par n'importe laquelle. Oui, en fait, évidemment. Si tu veux juste lire une bonne série, oui. sans préoccupation des obsessions de l'auteur, tu peux commencer par n'importe où finalement. Oui, c'était pas obligé de lire. T'es pas obligé de lire en analysant forcément. Bon, alors si jamais vous voulez lire tous les mangas de chimie et que vous savez pas par lequel commencer, lisez-les dans le bon sens. Voilà. Bah, je suis moyennement d'accord du coup. Encore une fois, parce que ça implique de commencer par Marie, qui pour moi ils sont moins bons. C'est-à-dire non, ça implique de commencer par Les Fleurs du Mal, qui est sorti avant Marie. Vous voulez que je vérifie? Je vais vérifier. Mais en plus, mais je vois pas en quoi... En quoi? Déjà, moi, je vois pas en quoi Marie est le moins bon. Mais... Moi, je me suis endormi en route, donc... Mais je vois pas pourquoi il faudra lire dans un sens... Mais parce que ça se suit. Mais non. Mais si. Bah non. Bah, si. Sinon, moi, j'ai lu... Si tu vas par là, à ce moment-là, les films de Woody Allen, aussi, ça se suit rien, vachement. C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Tu vas pas commencer par Lily la tigresse. Mais dans ce cas-là, juste à cause tous de les ça. Romans d'un auteur, tu vas les lire dans le sens... Bah non, parce qu'il y a des auteurs qui font des œuvres vraiment... indépendante. Alors, juste... Pas forcément, par exemple, comme Issam l'a dit, Woody Allen, tu peux le prendre indépendamment, oui, mais il y a des auteurs. Il a un univers que tu peux relier facilement. Donc, voilà, dernier Stephen tome King, des fleurs. On a commencé du début. Stephen King's Barry, ça se passe dans la même ville, oui. Quasiment. Bon, dernier tome des Fleurs du Mal 2014, dernier tome de Marie 2016. Ah, puis encore 2017, une fois, on peut apprécier une œuvre sans forcément avoir envie d'analyser ce qui se passe derrière. Oui. Donc je peux lire dans le jeu. Juste celui-là, ça m'a pris. Faites ce que vous voulez, c'était un conseil. Oui, oui. Je n'impose rien, je ne dis pas que vous apprécierez pas autrement. C'est une suggestion. C'est comme on peut lire les clampes dans le désordre, mais il y a des trucs qu'on loupe. Là, c'est pareil. Voilà, mais une suggestion n'est pas de... Enfin, je veux dire, mais c'est, j'ai rien c'est pas dogmatique. Bah, en fait, ta suggestion ressemblait plus à une injonction. Bah non. Voilà. Voilà. Alors, faites ce que vous voulez, je m'en fous, je vous connais pas. Enfin, si, si vous voulez acheter ou pas, la comparaison avec Clamp, c'est que Clamp, c'est le même univers. Donc, effectivement, oui. Pour le coup, si tu lis dans le désordre, c'est des personnages qui sont déjà apparus avant. Je crois que tu perçois... Enfin, par exemple, moi, ce qui m'a saoulé, c'est... C'est de l'auteur, c'est encore chaud. Ouais, mais moi, par exemple, j'ai trouvé assez triste toute la communication de Kiyun qui rabaisse ça, une relation un peu toxique et incestueuse. Ça va tellement plus loin. C'est nul. Ouais, mais faut bien vendre le truc, oui. Et je trouve que pour le coup, niveau vente, c'est loin d'être la pire communication qu'on ait jamais eue. Ouais, mais je trouve qu'il passe à côté du manga. Et que pour le coup, s'il y en a qui déshonorent le manga, c'est bien eux, à rien comprendre. Voilà. Donc, ça, c'est un peu violent. Quoi, là, pour le coup. Bah, parce que c'est pas une relation. Enfin, ça parle pas d'une relation toxique, regardez comme c'est malsain. Je crois vraiment que ça va plus loin. Ça dit pas regarder comme c'est malsain, mais ça parle d'une relation toxique. Oui, ça. C'est le fond de l'affaire. Mais c'est s'arrêter. À ce que ça dit. Enfin, à ce que ça montre et pas à ce que ça dit, tu vois ce que je veux dire. Enfin. Ouais, mais bon, dans la communication, tu peux pas parler de ce que l'œuvre. Mais tu peux pas présenter ça comme une finalité. J'ai pas eu l'impression que c'est pour le coup, tu peux, quitte à faire de la communication un peu marketing et qui donne envie de lire, à la limite, je serais plus pour utiliser des termes un peu qui disent rien, mais qui, pour le coup, peut-être sont plus des témoignages de ressenti à la lecture ou n'importe quoi, comme ça se fait aussi. Mais là, je trouve que... Tiens, ils n'auraient pas pu mettre en perspective les autres œuvres, vu qu'ils ont... Non, mais je dis pas... Même pas les autres œuvres dans leur catalogue. C'est une lecture, on s'en fout. Bah, c'est Les Fleurs du Mal. Oui, Les Fleurs du Mal, mais pas les autres. Oui, non, mais je dis pas de mettre en perspective. Ça, c'était une piste de lecture pour les gens qui l'ont pas lu. J'ai dit ça comme ça, c'est vous qui voulez rester des heures là-dessus. J'irais peut-être plutôt... pour le coup, vraiment, à la lecture du début, j'ai été plus attrapé par Happiness, mais c'est vrai, c'est une excellente œuvre qui, je pense, va devenir de plus en plus intense. Pardon. Pour le coup, moi, c'est le contraire. C'est bien du sang, beaucoup plus accroché dès le début qu'Happiness. Ouais, bon, après, c'est une histoire, c'est pas une grosse différence non plus, hein, moi. Mais c'est comme d'hab, chez Auteur, de toute façon, je pense que ça va devenir de plus en plus intense de tome en tome. Permettez-moi de dire que... Non. Sinon, moi, je voulais juste dire que j'ai trouvé ça très bien dessiné, très bien ressenti, très bien... Voilà, c'est tout. Je voulais juste dire que c'était bien. Je sais pas si ça vous a fait, vous aussi, l'impression de toujours avoir le... Oui. Les cigales. J'avais toujours ça, ouais, aussi. Du côté un peu comme dans beaucoup d'œuvres. Comme dans, je sais pas si tu connais Higurashi no Nakukoroni, l'animé. Donc, c'est un la vache. Qui travaille beaucoup Higurashi, sur. Higurashi, tout simplement. Ouais, enfin, toute la saga Higurashi qui est à la base de. Je crois que c'est un light novel ou. Oui, ou light novel, voilà. Que j'ai adoré. Qui est fascinant aussi. Alors, ça n'a rien à voir, mais au niveau de l'ambiance. Malaise en forêt. Malaise à la campagne, c'est à peu près le même travail sur le son des cigales. Effectivement, c'est du bon malaise. D'ailleurs, je crois qu'Higurashi no Nakukoroni, ça veut dire le chant des cigales, le fleur des cigales, je sais pas trop quoi. Pardon. Avec la fête du coton et tout ça, des trucs. qui est fascinant aussi comme œuvre. Et là aussi, ça mériterait un essai, ce truc. Voilà, si vous voulez faire des essais, je vous donne des pistes. Faire des essais surtout. Bah, je sais pas là, c'est pour ça que les essais, c'est le mal. Oh, mais toi, tu as une appréhension de la littérature qui n'est pas exactement la mienne. Je pense que ça n'a aucun sens. Autant s'amuser à essayer de voir plein de trucs. De toute façon, ça raconte rien, on s'en fout. Alors autant s'amuser. Ben non, autant admettre que ça raconte rien plutôt que d'essayer de. Bon, bah alors, on arrête d'en parler. Parce que si c'est pour dire c'est bien, faut essayer de trouver des trucs. Même si on s'en fout, si c'est pas ce qu'il a voulu dire, on s'en branle. On va pas entrer dans ce débat là en direct, mais je suis moyennement d'accord. Oui, moi aussi. L'analyse pour l'analyse. Pour moi, en fait, justement, ça revient à intellectualiser quelque chose qui ne l'est pas de base et ça revient à voiler le fait que c'est intellectuel. L'œuvre d'Oshimi est intellectuelle dès le départ. Oui, il y a des trucs, mais pas. Enfin, je trouve pas que. Je trouve que l'essai littéraire est de base un exercice qui revient à se dissimuler qu'on est en train de dire des choses personnelles sur l'œuvre, en fait. Ça revient à essayer d'objectiviser quelque chose qui ne l'est pas. Bah, je suis assez opposé au concept d'essai littéraire. Que tu adoptes. Mais de base, l'œuvre proposée est déjà subjective. Enfin, donc l'œuvre est jamais objective, même l'œuvre proposée telle qu'elle est par l'auteur est déjà subjective. Oui, bien sûr. D'où pour moi, tu peux en proposer une autre lecture subjective. Bon, qu'est-ce que ça. Bah, le fait que ça tente perpétuellement de se faire passer pour objectif. Hmm. Ah oui, mais alors ça, c'est un défaut de la forme, mais c'est pas un défaut du fond de l'essai. Ouais, enfin, vu que j'ai très rarement, voire jamais rencontré des essais qui n'avaient pas ce défaut-là, visiblement, c'est. Enfin, la forme essai, pour moi, naturellement, porte à. Enfin, quand tu dis qu'on fait. Quand on parle de faire un essai, on parle de faire quelque chose d'objectif. Non, mais bref, ça me donne juste envie de le relire. Mais voilà. Oh, doucement, quand tu traites mon tome, la connard. Hein ? Quand c'est le tien, faut faire attention, et quand c'est ceux des autres, tu t'en bats les couilles. Pardon, monsieur de Jésus. Non, mais oh ! Pardon, monsieur de Jésus. Tu colles une à l'oreille, tu vas voir. Pardon, monsieur de Jésus. Mais on a déjà une annonce sur sa prochaine série ou pas ? Non, mais vu qu'il a fini Happiness, cet été, je pense. Après, il a bien le droit de se reposer un peu. Hein, oui, mais non, parce que ça cassera son rythme d'écriture. Il est japonais. Il ne se repose pas, ces gens-là. Bon, après, lui, il n'a pas l'air d'être dans ça. Peut-être qu'il retourne voir sa mère, il passe quelques heures avec elle et il en sort une nouvelle idée de série. Vu qu'il dessine plein de dessins pour Twitter, etc., j'ai l'impression qu'il a un peu de temps, quoi. Enfin... ça va rien dire, ça. Ben... le mépris vraiment, dans le propos, il a un peu de temps, il peut bien faire une nouvelle série, gros glandeur. Des façons, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ce que je vous dis, chaque fois qu'il y a une ellipse, et il y a une ellipse dans Les Liens du Sang, là, enfin, qui est en train d'arriver, il lance une nouvelle série. Sans doute dans le 5, c'est ça ? Sans doute dans le 6, du coup, là, c'est en cours de publication. Comme dans Hatchet, ça se passe sur Tom 6. Tout est station bien va tomber. Ouais, à la fin, entre le 5 et le 6. Fin du 5. En fait, vers la moitié de la série. Tu as combien de tomes à FPS au final ? 10. C'est bon. C'est souvent des séries assez courtes. C'est bon, t'as fait une tome à survie ? 9, 10, 11. C'est toujours autour de ça. Que tout, la structure est parallèle à chaque fois. C'est passionnant, c'est fascinant. Ah oui, donc maintenant, même le nombre de tomes, ça va être une espèce d'étude. Il va nous trouver des messages illuminatifs. Mais je dis pas ça. Le fait que la durée du récit soit à peu près la même, mis en parallèle avec le fait que la structure soit à peu près la même, disons que ça affirme ce que je dis, quoi. Ça se trouve, il réfléchit pas du tout à ça, il s'en bat les reins, quoi. Probablement, nous, c'est juste que ça revient de manière mécanique. Voilà. Mais en attendant, on est pris en otage dans leur débat. Hein. Bon, écoutez, on s'en fout. Ça, c'est comme la mémoire musculaire. Alors, la suite, voilà. C'est juste une habitude. Mais pourquoi il y a cette habitude ? C'est ça qui est intéressant. Ou pas. Bon. Ah, si tu t'en fous, oui. Tu dis ça pour voir une relation toxique, hashtag Kiun, hashtag flippant, vous allez... Et en même temps, je vois pas où est le mal. Tu te dis ça comme si c'était méprisant. Dans les fleurs. Putain, j'allais la faire. Oh non. T'as vraiment dit ça comme si c'était méprisant. Je vois pas où est le mal de regarder une œuvre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire moi, je t'interdis pas de le lire comme ça. Non, je t'interdis pas de le lire autrement. Mais est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il a dit ça d'un air méprisant ? Mais oui, parce que j'en ai marre que depuis tout à l'heure vous invalidiez ma lecture. Mais on invalide pas ta lecture. C'est méprisant avant qu'on invalide. Mais on invalide pas ta lecture, c'est toi qui invalides. La personne méprisante ici, c'est Livio. Moi, je suis arrivé au stade. Non, j'invalide pas ta lecture. Pas ta lecture, j'invalide le fait de la transformer en intellectualisation. C'est différent. Tu invalides le concept de ma lecture, donc t'invalides ma lecture. Par contre, on est d'accord, Livio, c'est un connard. Oui, ça, on est d'accord. Ouais. J'invalide la transmission de ta lecture. Mais on pourra en reparler en off. Bon. Est-ce une lecture que nous recommandons tous autour de la table ? Oui. Oui. Quel enthousiasme. J'ai peur, si je dis oui, vous allez encore dire que je le suce. Ouais, c'est bon, dis-le. Oui, moi, j'ai envie de dire. Je m'en fous, je me barre. Mais j'ai jamais dit le contraire. Moi, oui, mais vu que visiblement, il faut lire tout ce qu'a fait l'auteur pour lire un tome, ça veut dire que vous en restez en 40 tomes. Non, plus. Voilà, faut que vous ayez le budget, je préfère juste. Je voulais pas juste dire oui, on passait à autre chose. Vu que j'ai pas fini Marie, et que je suis pas à jour sur Happiness, est-ce que je peux apprécier ce premier tome de Lien du Sang? Ah mais t'as pas le droit de le lire. Ah merde. Parce que du coup, si t'as lu, je peux noter le lire. Tiens, Issam, appelle. Voilà. Tiens, appelle la police du bon goût pour moi, s'il te plaît. C'est vrai. Il faut que tu partages. Il faut que tu me mettes en prison. Ne l'appelle pas, juste genre elle existe. Allô, Chouzo. Tu sais ce qu'il y a dans avec ton œuf? Ouais, tu sais qu'il y en a qui ont lu les liens du. Alors, bah ouais. Je sais. Non, mais te suscite pas, Chouzo. Non, y en a qui t'aiment. Ouais, allez, bise. Bonne chance pour ta nouvelle série. T'aurais pu lui dire d'aller faire un check à Asano pour nous, quand même. Merde. Ah, non. Il dirait la prochaine fois. Pour Ivo. À moins que ça, je l'ai aussi inventé, moi, ça va. Ouais. Non, oui, on a vu ça, il l'a inventé quand même. On fait comment pour continuer? Je sais plus. Bon, c'est quoi la suite? La suite, c'est... Non mais quand même, page 5. La suite, c'est un titre que vous êtes trois à avoir lu autour de la table. Issam, Nécro, j'allais dire son prénom. Arthur. Alors non, moi c'est l'assistant, en fait. Moi, je l'avais. Ah non, t'as pas eu le temps de lire. Ah, il y a que vous. Oh, putain, encore vous deux. Allez, ouais, tu t'occupes bien. C'est reparti. Moi, ça fait très longtemps. L'épée sacrée. En fait, du coup, personne n'a lu ce livre-là, en fait. Bah, du coup, non. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. L'épée sacrée, édité par qui? Édité par Delcourt et... IDW aux États-Unis. IDW aux États-Unis. Donc, c'est dessiné par... Enfin, écrit par Gabriel Rodriguez et dessiné par Lauverne Kainzirski. Non, c'est... Ou l'inverse. C'est la coloriste que t'as citée. Ou la coloriste, donc. C'est écrit et dessiné par... Écrit et dessiné par Gabriel Rodriguez. Ouais. Colorisé par Lauverne Kainzirski. Kinzerski, je sais pas. Bon, elle a un nom, quoi. Gabriel. Aucun respect quand c'est pas des auteurs qui font du manga, aucun respect, quoi. Mais c'est. Eh, ça suffit. Hein. Oh là là, putain, on va tout prendre par l'avance. Ah oui, comme un personnage de Made in Abyss. Ok. Donc, c'est Gabriel Rodriguez qui avait fait Loki chez. Loki, hein. Ouais, sans doute. J'arrive pas à lire, c'est une typo dégueulasse. Quoi? Chez Delcourt aussi. Bon, là, toi t'arrives à lire. Bien sûr. Oui, mais toi tu connais la série, moi je la connais pas. Donc, l'épée sacrée. L'épée sacrée. Nous raconte l'histoire de, c'est quoi son nom, de Avalon. voilà un nom original. Avalon, qui alors est détentrice de... D'une île. De l'épée sacrée. En gros, s'amorce une aventure où... Elle rencontre d'autres... Alors, moi, le truc, c'est que j'ai pas trop aimé, donc... Elle rencontre d'autres aventuriers. Alors, ça se passe dans un monde... cyberpunk médiéval. Et du coup, elle a une épée, et avec son épée, elle va essayer de sauver son peuple d'un autre peuple méchant barbare qui veulent faire des bobos, avec des autres personnages masculins pas intéressants. Et c'est ça, l'histoire. Bah, enfin, du coup, je suis en train de m'imaginer... Les liens du sang, résumé par un mec qui a pas aimé. Alors du coup, c'est une maman qui fait trop de cas avec sa daronne a fait chier, et voilà. Et il y a des gros plans sur sa gueule, c'est mal dessiné, il y a des chats morts. Voilà. On va dire... C'est toujours en noir et blanc, c'est chiant, quoi. Ouais. On va dire que de base, effectivement, c'est plus ou moins ce que t'as dit, mais il y a énormément de peuples qui vont se rajouter oui. au conflit. Enfin non, énormément, il y en a un autre, ou deux. Ouais, il y a pas mal de sous-intrigues quand même avec les personnages secondaires qui laissent supposer l'arrivée d'autres peuples dans la suite. Il a construit un univers assez riche, je trouve. Effectivement, inspiré de plein de choses qui ont déjà été faites dans la fantasy et dans le steampunk et dans le futuriste. Mais je trouve qu'il arrive à assez bien les mêler et surtout assez bien se les approprier. C'est clairement un récit épique avec le défaut récurrent des récits épiques qui est que l'attachement au personnage n'est pas toujours optimal, un peu comme c'est clair, le c'est cas dans un Seigneur des Anneaux, enfin, un peu moins prononcé, mais tout de même un peu. Après, vu que l'histoire et l'univers sont très prenants, c'est un défaut par-dessus lequel j'ai réussi à passer, d'autant plus que visuellement, pour le coup, c'est vraiment superbe. Il y a notamment des doubles planches de bataille qui sont grandioses. Ouais, moi c'est un titre que j'ai beaucoup aimé, que j'avais lu en VO à sa sortie, c'est pour ça que mon souvenir sur les détails de l'intrigue est parfois un peu flou, mais c'est clairement quelque chose que je recommande dans le style de la fantasy en comics. J'en ai pas lu tant que ça, mais ça fait partie des très bonnes choses que j'ai lues. Mmh. Des planches comme ça, elles sont vraiment assez dingues, je crois. Mmh. Moi, non, même cette planche, enfin, c'est pas du tout le type de récit qui m'accroche. À vrai dire, je me suis un peu ennuyé, mais je vois les qualités que tu peux trouver, et je vois d'ailleurs les qualités tout court, et je comprends le succès du titre aux États-Unis. Après, bon, moi je suis pas vraiment rentré dedans, oui, je m'attache pas au personnage, l'univers m'ennuie, la bataille finale de ce tome, je la trouve extrêmement longue. Voilà. Ouais, c'est une bataille finale d'œuvre de fantasy. Relativement classique. Hein, c'est... Mais c'est juste moi que ça ennuie, quoi. C'est, ouais. C'est pas. Pour le coup, c'est je pense que clairement, ça peut plaire au public amateur de Tolkien, amateur de la roue du temps ou de ce genre de choses. Aussi, dans le dernier podcast, vous avez aimé Extremity, éventuellement. C'est... Je trouve que c'est pas le même style. À mon sens, c'est clairement le même. Extremity, c'est plus post-apo. Ouais, pour moi, Extremity est plus post-apo. En soi, l'univers présenté est le même, peu importe ce qui se passe avant. C'est pareil, le dessin, il y a la couleur. Dans l'ambiance, je suis pas d'accord. Ça va avoir un souffle épique et aventurier que pour moi, Extremity n'a pas. Bah, moi, l'aventure, il tourne autour des mêmes endroits. J'ai pas l'impression qu'il bouge beaucoup. Hein. Donc si jamais c'est ça que t'appelles une aventure, parce que sinon, il y a autant d'actions, autant de grandes batailles dans Extremity, il y a autant de dragons, il y a autant de trucs. Ouais, mais les finalités sont pas les mêmes. Dans Extremity, t'as de base non, parce que Mad Max, c'est le Seigneur des Anneaux, bah, c'est un peu pareil, quoi. Non, il a pas tout à fait tort. C'est Extremity, t'as une histoire de vengeance, t'as toutes les thématiques de la destruction et de la reconstruction du monde, oui. Qui là sont pas du tout abordées. C'est des batailles entre peuples avec plus des thématiques autour de la destinée et de l'héroïsme. Ouais, ça m'accroche très. C'est beaucoup plus des thématiques que de fantasy. Ces thématiques, je les trouve vraiment mais survolées, quoi. Bon. Il y a eu beaucoup plus profond, bien sûr, mais c'est pas superficiel. Ah, mais je dis pas que c'est superficiel, je dis que vraiment, je comprends que l'intérêt est pas dans les personnages, mais. Enfin, bon. À la limite, tu vois, tu parles de la construction de l'héroïsme, à la limite, je trouve que c'est plus intéressant ce que fait Shine à ce niveau-là, quoi. La construction d'un personnage qui outrepasse ses objectifs, etc. En soi, c'est plus ou moins la même chose, pour qui moi, se non. dépasse. Parce que là, c'est l'idée du destin. Oui. Alors déjà, moi, l'idée du destin, ça me... C'est pas mon idée favorite non plus, mais je trouve qu'en Heroic Fantasy, elle passe bien. Ouais, en fait, moi, c'est juste l'Heroic Fantasy qui passe pas avec moi, en fait. C'est vrai que l'Heroic Fantasy, souvent, c'est la quête du héros. Ouais, c'est ça. Je veux dire, que tu prennes du Conan, que tu prennes... même du Star Wars, finalement. Enfin. Vous en avez fini avec les épées sacrées. Ouais, oui. Moi, je recommande vraiment. Bah moi je recommande si vous aimez ce type d'univers, hein. Je trouve ça bien contrôlé. Mais je crois que j'allais dire si vous aimez ce type de merde. Mais je trouve pas que c'est nul, mais comment je m'exprime pour vous compreniez aussi mal? Est-ce qu'il faut je n'aime pas, non, moi pas non, aimer relancé, ce type d'univers. Je l'ai relancé. Oula. Est-ce qu'il faut avoir lu l'intégralité de Chimie pour est-ce qu'il est sacré? C'est peut-être pour ça qu'il a pas lu l'intégralité de Gabriel Rodriguez. C'est peut-être pour ça. Est-ce que t'as lu Locking Key avant Bannon? Il y a des flics qui sont venus le chercher, qui vous ont tabassé. Je vous dis pas que vous comme ça, je vous dis que cet auteur elle fonctionne comme ça. Putain. Ah la vache, mais est-ce que moi je vous emmerde quand vous lisez votre machin pour avoir votre petite histoire pour pouvoir vous endormir? Non, bah écoutez, non, mais je vais pas vous dire, moi je vous fais pas chier. C'est insupportable, chacun son rapport à la lecture, j'ai le droit de dire que moi je lis comme ça l'auteur. On n'a pas dit l'inverse. Putain. Comme je disais, j'ai relancé la merde. T'as le droit d'avoir des rapports avec les auteurs. Mais c'est moi la carte de Chine. T'as le droit d'avoir des rapports avec qui tu veux d'ailleurs. Oh la vache. Qui tu veux quand tu veux. C'était ouais, son deuxième podcast, c'est aussi son dernier. Arthur nous quitte aujourd'hui. J'en peux plus. Je pars à MangaCast. Oh non. Tu vas chez Webedia. Du coup, c'est eux qui vont partir de leur propre podcast. Tu vas les faire fuir. Et nous, il nous fera revenir et on contrôlera MangaCast. Ouais. Ah, il est temps d'aborder le dernier titre de cette sélection. Nous allons vous parler de Tokyo Revenger. Oui. Revengers, parce que toi aussi t'oublies des lettres au titre. Eh. D'accord. Ah bon, on l'a vexé. Hein? On l'a vexé. T'as vu ça? C'est incroyable. Pas. On recommencera là. Pas. Est-ce qu'il faut avoir lu tous les furios pour apprécier celui-là? Juste. Tu dis que c'est moi qui ramène tout. Est-ce que là c'est moi? Non mais pardon, vraiment. Non, j'ai dit que je t'avais relancé, c'était pas ça, la même chose. Ça s'appelle le running gag. Pas... Ça semble marcher. Ouais, alors. Vu que ça les fait rire et que toi ça t'agace. Un point commun, Livio et toi, vous savez pas ce que c'est l'humour. C'est bien que. Ça, ça fait rire tout le monde sauf toi. C'est bien qu'il soit entré dans l'équipe, il est encore plus désagréable que moi. Mais moi, littéralement, je ferme ma gueule là, c'est vous rendez compte que là, moi je dis rien. C'est vous. Sauf que c'est toi qui es en train de parler là depuis les 5 dernières minutes, donc. Salut toi aussi. Et bim. Je te laisse papoter depuis tout à l'heure. Ah, j'ai un dit. Alors tiens, salut. Vu que c'est ton coup de cœur du mois, enfin ça fait partie des coups de cœur du mois, fais-nous-en un petit résumé. C'est édité par Glénat chez nous. Oui, alors c'est édité par Glénat et le dessinateur scénariste s'appelle Ken Wakui. Donc on suit le héros qui s'appelle Takemichi et qui vit de petit boulot, il a 26 ans, bon bref, il fait pas grand chose de sa vie en fait. Et un jour, il est devant la télé, il se rend compte qu'il y a eu un incident qui a fait plusieurs morts à un endroit de Tokyo, il me semble. Et en fait, parmi les gens qui sont décédés de cet accident qui semble être un affrontement de gang, il y a sa première et seule petite amie qu'il a eue quand il était au collège-lycée. Et en fait, il se rend compte, c'était la mort de cette personne-là qui était sa petite amie, avec qui il n'est plus dans le présent du manga. Il se rend compte, en fait, que sa vie actuelle ne mène à rien et qu'il a rien fait de spécial et que finalement, il aurait aimé revenir peut-être en arrière pour faire d'autres choses de sa vie. Et inexplicablement, il se retrouve 12 ans en arrière, justement, à cette période où il sortait avec cette fille-là, où il avait... ce qu'il pensait être une vie de collégien un petit peu badass, etc. Et il essaye de comprendre pourquoi il est revenu 12 ans en arrière et surtout de changer les choses pour sauver cette fille-là qu'il a aimée et qu'il aimerait, avec qui il aimerait peut-être continuer cette histoire. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était graphiquement... j'ai trouvé que c'était plutôt soigné avec... les arrière-plans sont travaillés, les dialogues aussi, les personnages ont des car design que je trouve intéressants, même si, comme ça se passe dans les années 90, ils ont des styles un peu vieillots. Mais voilà, tous les personnages sont attachants, l'histoire est sympa, c'est vraiment... le personnage féminin est ultra badass, pas du tout gnangnan, elle est du genre à porter ses balls, ça c'est cool. Et voilà, ça a été vraiment un coup de cœur parce que j'ai rarement... j'ai pas rarement vu ça, mais dans le sens où pour du shonen, ben c'est très bon, quoi. Ça se bastonne, ça a du courage, plein les poings, et puis c'est cool. J'ai bien aimé. Le personnage féminin, à un moment, elle fout une baffe, mais tu la ressens, quoi. T'as pas envie d'être à la place de celui qui la reçoit. pour ça, elle est vraiment bien, bien mise... En acier trempé, intelligente, enfin... Cool. Voilà, c'est ça. Non, les cadrages, les dessins, la tension, il y a tout qui est vraiment cool, qui te prend par les sentiments. Moi, j'ai eu des papillons dans l'estomac. Oula. Oula. J'avais envie de me battre avec eux. Bah, c'est bon. Issam, je sais que tu es celui autour de la table à avoir moins apprécié. Mmh. Bah, moi, déjà, par rapport à ce que tu disais attachement au personnage, je l'ai moyennement ressenti. Non, c'est assez banalement, je l'ai moyennement ressenti parce que le côté justement guerre de gang adolescente en fait, ça me touche pas. C'est des objectifs qui me touchent pas. C'est des adolescents qui se tapent dessus. J'ai du mal à entrer dedans en fait. Après, dans le manga, j'ai l'impression, si tu veux, que c'est plus les prémices. Ouais. D'un affrontement de gang quand ils sont plus adultes. Et que du coup, au début, c'est plus des rivalités entre écoles, tu vois, qui dégénèrent, et parce qu'ils se tapent quand même pas mal sur la tronche, donc c'est des rivalités qui dégénèrent plutôt. Mais je pense que c'est plus des rivalités interlycées, plus que vraiment encore des gangs, tu vois. Mais que ça commence à profiler ce qui va être chef, qui va être le bras droit, etc. De peut-être de futurs gangs. Alors je pense, mais du coup, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que je me suis dit, en fait, tous les problèmes du personnage principal, s'il s'était pas mêlé de ce genre d'histoire de base, il les aurait pas eu. Et j'ai du mal à éprouver de la pitié envers ça, en fait. J'ai du mal à m'attacher à ça, c'est Julien. Pourquoi il a mis le pied là-dedans, quoi. Ouais, de l'empathie, merci. Et moi, mon plus gros souci, c'est que finalement, effectivement, ce qui se profile, c'est une histoire de gang mode Yakuza, très portée sur la question de l'honneur, et sur la question de la confrontation entre un gang qui a l'air d'avoir un certain sens de l'honneur et un autre gang de pourri. Sauf que ça, en fait, et alors, pas forcément en manga, mais je l'ai beaucoup vu dans des films. Et je l'ai vu en beaucoup mieux fait. D'accord. Et surtout, c'est peut-être le format shonen qui gêne là-dedans. Je l'ai vu avec des propos beaucoup plus radicaux et matures. D'accord. Ce qui fait que quand j'ai eu ça, j'ai pas passé un mauvais moment. Ça m'a rappelé des trucs que j'aimais. Mais en fait, les trucs agréables que j'ai ressentis en lisant ça, c'était juste parce que ça me faisait penser à des trucs que j'avais qui étaient dans le même style et que j'avais trouvé mieux. Finalement, ça, j'en suis ressorti en me disant que j'allais l'oublier très rapidement. Ok. Et juste garder en tête ce que ça m'a rappelé. Ok, ouais. D'accord. Donc, Mais c'est pas mauvais, hein. Si vous voulez un truc, effectivement, de garder gang, qui va probablement devenir assez violent par la suite, avec des enjeux assez forts, je pense que ça peut vous convenir, mais c'est, pour moi, c'est, encore une fois, c'est la référence cinématographique, mais ça a déjà été fait il y a un moment par Kitano, par Fukasaku. Mmh. Et ça apporte rien de nouveau, c'est limite l'inverse, je trouve. Par Takashi Miike, même. Oui, lui aussi. Après, ça peut être un lien avec les personnes qui, eux, n'ont pas vu ces œuvres-là. Oui. C'est parce que, du coup, moi, j'en ai pas vu tant que ça. J'ai vu quelques films, tu sais, quelques films de Yakuza, quelques films de... Il y a aussi il y a aussi par exemple aussi on retrouve aussi ce genre de choses dans l'historique de GTO. On retrouve justement ces relations de gang. D'ailleurs, ça m'a fait penser à GTO à un moment, je me suis dit, la suite, ça se trouve, c'est GTO. Non, mais j'ai aussi trouvé qu'il y avait beaucoup ce petit feeling GTO, mais justement, je trouve que les combats, ils ont quelque chose de prenant, les personnages aussi, je les ai trouvés. Les combats sont vachement bien rendus. Ouais. Et il n'y a pas d'épicness, hein, c'est. les personnages, c'est, franchement, ils sont mauvais, quoi. Ils sont... On sent que c'est des petits de 14 ans qui se battent contre des grands et qui se prennent la pile, mais il y a quelque chose d'épique, en fait, à ce côté un peu. Ils s'en prennent plein la gueule et ils reviennent quand même à la charge parce que justement ils sont solidaires, parce que ça a des valeurs très shonen, justement en valeurs shonen. Il y en a un qui s'en prend une rouste continue pendant un moment, qui se relève à chaque fois, mais vraiment il a la gueule plusieurs fois contre le bitume, il est pas bien, hein, donc non mais voilà, c'est... mais justement, en fait, j'aime pas cette orientation des valeurs shonen où ça consiste à défendre ses potes à tout prix, même quand, bah, de toute évidence, les potes, ils se sont mis dans la merde tout seuls. Non, mais c'est, il y a le genre de condition, si t'entres dans des histoires de gang et que tu te fais tabasser par quelqu'un, bah, même si t'es mon pote, je vais pas t'aider, hein, t'as cherché la merde, t'assumes. C'est le code d'honneur, Issam. Oui, non, mais c'est exactement ça, en fait, c'est full code d'honneur. C'est le code d'honneur, Issam, c'est le brocode. Non, mais c'est exactement ça, hein. c'est du brocode tout du long, c'est ce qui est fréquent dans les shonen. Mais moi, j'arrive à passer outre quand je me dis que le personnage qui est défendu a des objectifs louables. Oui. Quand son objectif, c'est juste de devenir le chef de l'épicerie du coin. Après, là, le but, quand même, c'est de sauver les gens. Oui, l'épicerie, il y a ça, mais je trouve que ça reste relativement en retrait pour le moment. Oui, ça reste en retrait, mais c'est le fil rouge, quand même, du truc. Sachant qu'en plus, il a une limite de temps. C'est-à-dire qu'en fait, il sait qu'à un moment... Il va se passer quelque chose, une rencontre qui va tout foutre en l'air, et du coup il faut qu'il trouve une solution assez vite. Non, l'idée est assez sympa, parce que du coup ça crée une tension, ça. Mais après, pour aller dans le sens dit ça, même si moi j'ai beaucoup aimé pour toutes les raisons que vous dites, si jamais il s'en était pas mêlé, il n'y aurait pas eu les conséquences qu'il y a eu. Bah donc, oui, en fait, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait jamais eu l'histoire. Oui, là, ça aurait pu être fait d'une autre manière, où il est forcé de s'en mêler pour de meilleures raisons. Là, en l'occurrence, il aurait pu. Enfin, la gravité ne lui imposait pas de s'en mêler, quoi. Oui. Si jamais, par exemple, un de ses personnages était mort à ce moment-là et que du coup, pour le sauver, lui aussi, il devait s'en mêler, bon, par exemple, ça aurait vraiment nécessité qu'il s'en mêle et on aurait mieux compris. Là, voilà. Mais après, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que disait Sally. J'adore le chara-design. Je trouve que tous les personnages ont un charisme. Ça, c'est joli. Voilà, qui vraiment est transmis, qui a. Enfin, qu'on sent leur puissance dans le rapport qu'ils entretiennent aux autres personnages et dans la soumission qu'ils arrivent à imposer juste par leur présence. C'est fluide, ça se lit bien. C'est fluide, ça se lit bien, c'est super dynamique. Le découpage est tout le temps très très rythmé. On s'ennuie pas, non, enfin franchement, super envie de lire la suite, alors que le Furio, c'est pas spécialement mon truc, quoi. Donc, Sinon, j'ai beaucoup aimé le deuxième chef de clan aussi. Je crois qu'en plus, au Japon, on est aux alentours des 8-10 tomes, quelque chose comme ça, ouais. Ça, c'est très intéressant, le fait que ce soit toujours exactement à la même, époque, juste 12 ans en arrière, parce que ça permet de suivre facilement, en gros, l'histoire. Parce que t'as vraiment deux trames qui sont parallèles, donc il y a moins de chances de se paumer. Bah non. Mais j'aime bien ce type d'histoire-là. Dans l'attente du tome 2, quand même. Ah oui, moi, tout à fait. Moi qui fais un peu gaffe à ce que je commence en ce moment, je n'avais pas du tout pensé me le prendre, et finalement, quand je l'ai lu grâce au podcast, je vais faire la série, quoi, parce que... Tu vois que c'est bien, le podcast. C'est vrai que ça ne m'aurait pas plus intéressé que ça, en le voyant comme dans un magasin, et... Faut dire que la cover ne vend pas forcément du rêve. Hein. Moi, j'aime bien. Je sais pas, je me suis dit pourquoi pas. On va tenter. Non, mais c'est bien. Et en fait... C'est grâce à toi, de toute façon. Oui, c'est grâce à ça. Parce que tu l'as pas. Ouais, parce que je l'ai pris de base. J'en attendais pas grand chose en fait, parce que juste je l'ai feuilleté, j'ai vu que le dessin était sympa, que ça se bastonnait, j'ai fait bon, on va essayer. Donc c'est vrai. Ça se bastonne. Je vais rarement sur les sites, c'est un tort. Mais pourquoi, si je sais pas, je me laisse souvent aller au feeling où je feuillette des trucs, je me dis bon, ça a l'air sympa et on essaye. Et j'ai été déçue que très peu de fois, et franchement, là, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que je m'attendais pas à ça. Et petite surprise. Moi, je pense que se fier à son propre film, c'est peut-être plus sain que de se fier aux avis des sites ou d'autres personnes. Oh, après, des fois, j'ai pris des gamelles quand même. Bah, mais ça, oui, mais tu peux en avoir aussi en te fiant aux avis des autres personnes. Pensons à tous ces gens-là qui ont acheté Dino Sapiens en magasin. Attends, déjà, pour c'était avoir un bon pas feeling. Grâce à nous. Non. Pour avoir un bon feeling sur un manga, il y a des dinosaures qui tuent ouais, des gens. Il le mérite un peu, on est d'accord. Il le mérite quand même quelque part. C'est vrai. Tokyo Revengers. C'était bien. C'était très bien. C'était très très bien. Ouais. Bon, c'était bien pour Issan, c'était très très bien pour nous autres. C'était moyen plus pour moi. D'accord. Moi, c'est très très bien. Mais moi, du coup, c'est pas quelque chose que tu. Non, je dis pas de le fuir, je dis pas, voilà. Mais je le recommande pas non plus. Voilà. Pour faire comme Issan, pour moi, c'est pas si très très bien. C'est très si bien, vous voulez de la bataille, si vous voulez des copains, Tokyo Revengers. Mais des copains. Moi, j'adhère pas trop à l'esprit, ouais, groupe comme ça. Faut qu'ils soient un peu con. Enfin vraiment, j'ai du mal. Non mais je suis d'accord avec Issam sur le fait que j'ai du mal à avoir de la compassion pour les gens qui sont suffisamment cons pour se retrouver mêlés là-dedans sans le vouloir. Il y a un moment, enfin si tu veux pas te retrouver mêlé à des gangs, bah tu vas pas là où sont les gangs. Ah non mais par contre, c'est pote, c'est pas sans le vouloir, ils le veulent vraiment. Oui mais oui. Bon, il y a un moment tu y vas parce que le pote d'un pote d'un pote d'un pote. Ouais c'est ça, t'as l'impression que c'est une sorte de chaîne infinie. Parce que si jamais sa copine se retrouve mêlée à ça, sociétalement c'est intéressant, mais faut pas me demander de m'attacher à ces gens-là quoi. Oui. Bref, c'était bien. Oui, sauf pour Issam. Issam, il est l'heure pour toi de nous faire ta recommandation de ce podcast. Donc c'est quoi l'intégralité de Chimie, c'est ça? Non mais c'est bien une intégrale. Ah j'ai pensé à toi quand je l'ai vu en magasin. Moi je vais vous recommander Peanuts, donc Snoopy et les Peanuts en français, de Charles Schulz, qui est donc un comic strip américain sous forme de... principalement de strips journaliers de 4 cases, enfin d'une ligne, et le dimanche, un gag en une page, donc un format assez récurrent dans le comic strip américain. C'est ça, c'est le format. Qui a duré pendant quasiment 50 ans, entre fin 1950 et tout début 2000. C'est l'œuvre de sa vie, quoi. C'est l'œuvre de sa vie. Bah, en fait, il a décidé d'arrêter les Peanuts, il a dessiné, lui, ses derniers trucs, je crois, tout début 2000, et en fait, il est mort avant que le dernier strip soit publié. Parce qu'il y a un petit décalage de 3 mois sur les derniers strips, entre le moment où il écrit et le moment où c'est publié, il est mort un peu avant que le dernier strip soit publié. Les derniers strips qui étaient prévus pour être le dernier. Oui, c'est pour ça, le coup, c'est vraiment une fin. Donc en fait, 2-3 jours après sa mort, tu avais ses adieux à son lectorat qui étaient publiés. C'est pas tout à fait sa première œuvre, il avait fait 2-3 autres trucs avant, mais que j'ai pas eu l'occasion de lire. On les a vus dans une petite librairie. Ça avait l'air vachement sympa. C'est publié en France, c'est disponible chez nous. C'est ça. Donc Peanuts, ça met en scène un groupe de gamins, le plus connu du lot étant Charlie Brown, petit gamin avec un pull jaune à rayures noires, qui est un malchanceux notoire, c'est-à-dire quoi qu'il entreprenne, ça dégénère. Et comme en plus il a pas confiance en lui et que ses camarades n'ont pas tendance à être très aimables avec lui, ça crée un gamin dépressif. Et donc dans la vraie vie, t'as fait pas ça des camarades quoi. D'ailleurs, pour ça dépend desquels. C'est Lucie, clairement pas, mais Schroeder, ça va. En fait, il y en a qui l'humilient involontairement. C'est vrai. Quand il arrive à faire un truc, c'est justement ça. C'est toujours quelqu'un pour le descendre à côté en lui disant, ouais, enfin bon, si c'est juste pour voir ça. Mais c'est qu'il se passe. C'est-à-dire que même son chien le descend. Donc, c'est ça. Finalement, tu te poses des questions. Donc, beaucoup de. En fait, une bonne partie du comics, c'est des. En fait, hein, une source de gag énorme, c'est la dépression de Charlie Brown en réalité. Et l'autre personnage emblématique de la série, c'est le chien de Charlie Brown, donc Snoopy. Mais qui n'est pas le personnage principal, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser. Ouais, après qu'il y a un taux d'apparition à peu près similaire à Charlie Brown, quand même. Hein, mais du coup, ça va, Sam ? C'est un des rares chiens que j'aime bien. D'accord. Donc, c'est un beagle. Et c'est trop bien, les beagles. Qui passe sa vie sur le toit de sa niche, à part quand il décide de partir en exploration, on ne sait où, et lui-même ne sait pas où. Ou qui pleut, un peu, il est dedans. Et ouais, réclamer de la boue. C'est voilà. Qui est accompagné d'un chien accompagné d'un petit oiseau qui vole mal et qui s'appelle Woodstock. Ah oui. Parce que il est apparu pendant le festival en fait. J'avais oublié qu'il volait même à l'envers des fois. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il est dans un petit, c'est un oiseau qui se balade dans un petit avion. Pas, non, c'est Snoopy qui fait l'avion régulièrement. C'est oui. Alors, la série, en fait, a aussi énormément d'autres personnages secondaires qui sont vraiment géniaux, donc que soit Lucy, qui est justement un peu la cynique perpétuelle dominatrice envers Charlie Brown et envers son frère. Le frère Linus, qui est un espèce de gamin de 6-7 ans avec une couverture toujours à la main. C'est son doudou. C'est son doudou, il est rempli de complexes, mais à côté de ça, c'est un espèce de philosophe du dimanche. C'est des trucs super profonds et super déprimants. C'est super drôle. Schroeder, le pianiste, moi je l'adore. Justement, Lucy qui arrête pas de le draguer, lui qui monte sur son piano à fond, qui pense qu'à Beethoven. Enfin, il y en a plein d'autres. Il y a Peppermint Patty, qui est avec Marcy toujours. Et pareil, leur duo est génial. Est-ce qu'on peut considérer la citrouille d'Halloween comme un personnage à part entière? The Great Pumpkin, la grande citrouille, celle qu'on ne voit jamais, à laquelle Linus voue un culte. C'est ça, est-ce qu'on peut la considérer comme un personnage? Probablement, oui. Enfin voilà, il y avait d'autres personnages aussi assez récurrents dans les débuts, mais sur la fin, ça. Ah, il y a Sally aussi, justement, la petite sœur de Charlie Brown. Est-ce que c'est de là que ça vient? Non, je pense pas. Je sais pas. Alors, personnellement, je serais presque prêt à ajouter un ballon de rugby comme personnage. Oui, aussi. Parce que ce truc est tellement récurrent. Donc, Sally, qui est à peu près la seule à encourager son frère, sauf que ma mère, elle se rend compte que bon, des fois, c'est un peu triste quand même, mais elle l'encourage quand même parce que c'est son grand frère. Et donc, il y a tout ce cast de personnages. Sur 50 ans, la série a énormément fonctionné sur des running gags. Donc que soit ceux qui revenaient annuellement, genre celui du ballon de rugby, donc c'était le même gars qui est revenu quasiment 50, peut-être une quarantaine de fois sur 50 ans, une fois par an. Celui de la citrouille magique aussi. Voilà, donc le ballon de rugby, c'est en gros Lucy qui tient un ballon de rugby, qui demande à Charlie Brown de shooter dedans et qui leur tire toujours au dernier moment, sachant qu'au bout du dixième, ils savent tous les deux comment ça va finir, et pourtant ça finit, ils finissent quand même par essayer. La grande citrouille, effectivement, que Linus veut voir à chaque Halloween en allant au milieu d'un champ de citrouilles à laquelle il voue un culte. C'est tellement n'importe quoi. Charlie Brown avec son cerf-volant qui finit toujours dans un arbre mangeur de cerf-volant. Snoopy sur le toit de sa niche qui se prend pour un aviateur ou pour un grand auteur, enfin qui s'est pris pour un peu tout et n'importe quoi. Parce que Snoopy est écrivain. Hein. Enfin, oui, il essaye en tout cas. Et enfin, il a écrit une phrase ensemble. Voilà. Le frère de Snoopy aussi, Spike, avec son cactus, qui est son seul ami. On voit là au dos du coup. Ouais, c'est ça, c'est le cactus qui est son seul ami et il vit au milieu du désert. On sait pas trop pourquoi. Mais ouais, c'est toute une mythologie qui s'est créée. C'est toute une mythologie et honnêtement, je pense que passé les 10 premières années, en fait, ça se repose principalement sur les running gags, mais en arrivant toujours à les renouveler, ça a réussi à les renouveler pendant 50 ans. Des fois, il y a des histoires qui se prolongeaient sur un mois ou deux avec une forme de strip de 4 cases et les pages du dimanche, ils réussissaient à créer des trucs qui duraient pendant un mois ou deux, genre des maladies de Charlie Brown. Il y en a des super longs. Et c'est une série qui a traité de thèmes vachement matures, je trouve, parce que Charlie Brown est clairement dépressif, en fait. Ça va assez loin et ça arrive à faire beaucoup de blagues autour de ça. L'auteur, Charles Schulz, comme beaucoup d'humoristes étaient, lui-même dépressif. Et en fait, ça se ressent, je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à traiter aussi bien de ça. Et il montre un monde totalement... Enfin, il n'y a que des enfants et des animaux, en fait. Ouais, c'est... Des fois, dans les premiers tomes, on entend des adultes, mais on n'en voit jamais à l'image. En fait, ça donne une échelle très enfantine à tout, parce que tous les personnages sont à peu près la même taille, et on n'a que leur point de vue. Donc, c'est toujours à leur niveau. Ce qui nous permet de rester très près d'eux. Le trait est assez simple, assez épuré, mais en même temps, c'est super expressif au niveau des expressions des personnages. Et voilà, pour moi, ça fait clairement partie des... C'est pour moi le meilleur comic strip américain, c'est celui qui me fait le plus rire, qui me touche le plus. On peut indiquer que toi, là, c'est une version VO que tu as, mais la même édition existe en France aussi. Alors, il y a une magnifique édition, je crois, en 26 tomes. Voilà. Format italien. Ouais, c'est ça. Chaque tome regroupe deux années, donc c'est des tomes de 300 pages. Et le dernier tome est préfacé par Obama lui-même. Le dernier tome étant un tome un peu bonus. Tous les deux tomes, c'est regroupé en coffret. Moi, je vous conseille... quitte à prendre la collection, à investir dans les coffrets qui sont vraiment très beaux. Beau, ouais. Moi, il me manque les premiers et c'est un énorme regret. C'est une énorme collection, pas excessivement chère, parce qu'un tome, ça vaut une vingtaine d'euros. Oui, ça va. Honnêtement, pour 300 pages avec du papier de très bonne qualité, ça vaut le coup. À chaque fois, une préface de quelqu'un de différent. Si vous devez commencer et que vous ne connaissez pas du tout les Peanuts, ne commencez pas forcément par les années 50, parce que comme toutes les séries, il a fallu que ça démarre. Prenez peut-être un moment des années 70, qui sont, je pense, les plus emblématiques. Mais voilà, c'est, pour moi, c'est un univers vraiment fascinant qui me touche énormément. J'y reviens très régulièrement, alors que j'ai déjà lu l'intégrale. Je pense que l'intégrale, j'ai dû la lire deux fois d'un bout à l'autre. Et j'en lis régulièrement, ça me fait toujours autant rire. Bon, dans le même style comic strip américain, presque aussi réussi, il y a Calvin et Hobbes, mais je place clairement Peanuts dessus, pour moi. Il arrivait à renouveler la même blague, des fois, le fameux coup du ballon tenu par Sally. Je crois qu'à un moment, il réussit. À un moment, il y a Sally qui n'avait même pas le temps qui n'a même pas le temps de décoller le ballon du sol, que Charlie Brown se pète la gueule tout seul. Oui, il y a une fois, En plus, elle lui dit pour enfoncer le couteau à la plaie, mais ce coup-ci, tu sais que j'allais pas le prendre. Je crois que Schroeder est un de mes personnages préférés sur son petit piano avec ses hommages à Beethoven. Oui. Autre gag récurrent, effectivement, chaque année, c'est l'avantage aussi de la publication journalière, tu peux te permettre ça. Il y a l'anniversaire de Beethoven, il y a quasiment toujours un gag pour l'anniversaire de Beethoven. Les colonies de vacances, chaque été, ils partent en colonies de vacances. Le baseball est hyper récurrent pendant la saison des matchs. Enfin voilà, ça peut se lire en fait au rythme de l'année, ce qui est aussi assez intéressant. Mais du coup, sur 50 ans, les personnages ne grandissent jamais. Non. Alors en fait, quand des personnages sont introduits dans la série, régulièrement, ils sont tout petits, ils grandissent pendant quelques années, et après ils vont se stabiliser à un certain âge. Genre la petite, que ce soit Linus, le petit frère de Lucy, Rerun, le petit frère de Lucy et Linus, et ou Sally, la petite sœur de Charlie Brown, tu les vois à leur naissance quasiment au début, et chacun va se stabiliser à autour de 5-6 ans, je crois. Peut-être un peu plus jeune pour Rerun. Mais ouais, la temporalité est quelque chose de très très flou. Comme pour savoir, c'est pas gênant une fois que les codes sont basés. Après, comme dans beaucoup d'œuvres fleuves comme ça. Oui. C'est comme les Simpsons. Hein. T'as jeté un œil à la VF parce que à choisir. Alors de ce que j'avais lu de la VF, elle a l'air plutôt bien. Après, il y a régulièrement des jeux de mots dans la série. Je suis pas forcément tombé sur les strips qui correspondent à ces jeux de mots. Honnêtement, le travail éditorial de l'AF m'a l'air bien, mais si vous maîtrisez l'anglais, autant que vous le prenez en anglais. Ça, moi, j'ai dit ça quand j'étais petit, moi j'aimais bien. Ça m'a envie de bien plonger. Ouais, tu peux aussi conseiller le film d'animation qui est sorti maintenant. Le film d'animation il y a ou deux ans. Ou même deux ou trois ans, plus. Ouais, trois ans. Deux ou trois ans, le film d'animation qui était très très, très bien. Qui est vraiment ultra fidèle à l'esprit. Ils ont réussi à créer une animation un peu 3D, mais très fidèle au trait de. C'est par le studio Blue Sky, ceux qui ont fait L'Âge de Glace, notamment. Ça existait aussi en dessin animé 2D il y a longtemps. Qui était très bon, supervisé à chaque fois par l'auteur. Voilà. Mais le film d'animation m'avait très agréablement surpris. Et puis il a compris surtout que Snoopy n'est pas le personnage principal. Ça réussissait à donner son petit moment de gloire à chacun à des chaque persos. Personnage, C'est vraiment un bon petit film d'animation qui ne mange pas de pain, mais qui est et qui arrivait à créer une histoire d'1h20, alors qu'à la base c'est du format strip, et ça peut être assez difficile à adapter. C'est F. Garfield qui s'est cassé royalement la gueule. C'est une histoire inédite en plus, le film. Ouais, c'est une histoire inédite, mais qui reprend en fait plein de trucs qui étaient dans l'œuvre de base. Tu retrouves les gags récurrents. Donc à ce niveau-là, ça a été vachement intelligent. C'est con, Garfield, moi je l'ai vu en version Tipiak, le premier. Et c'était la version québécoise qui m'a fait rire vraiment. Et j'ai pas compris pourquoi les gens n'aimaient pas ce film-là jusqu'à ce que je tombe sur la version française doublée par Coé. Et j'ai compris. Et puis Garfield, pour moi, a eu le tort d'essayer d'ajouter une histoire qui n'était pas du tout dans le délire de la BD de base. Tandis que Peanuts est resté très tranche de vie, en fait, dans son film. Mais ouais, vraiment, lisez Snoopy et les Peanuts. As-tu fini avec ta recommandation? Ouais. Merci, monsieur Issam. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, quand j'étais petit, j'en avais eu en version Y a plein d'éditions BD classique. Alors oui, il y a eu une première édition sous forme BD classique, mais qui n'est pas intégrale, en fait. Notamment les 10 premières années, il y a énormément de manques. Et il n'y a que cette édition qui a publié plein de trucs des 10 premières années. Moi, j'avais de toute façon, c'est vrai que c'est pas possible. Il y a eu aussi celle-là par classement thématique qui était quelques-uns aussi. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment quelque chose de complet, vous êtes obligé de vous reporter sur celle-là. Est-ce qu'il serait pas de temps de remercier nos auditeurs et de dire au revoir? On a faim! Au revoir! Au revoir! Au revoir. Bye bye. Cassez-vous maintenant. Sortez de chez moi, vous me faites peur. Lire forcément tout au chimie avant de sortir de chez toi.